pas de changement ce soir en haut du classement. Avicii reste le titre le plus joué dans tous les clubs d'Europe avec Alexis Touyou. Je vous donne rapidement le top 5 de ce soir. 5ème Klingand, 4ème David Guetta Shotek pour le bat, 3ème Fallen Wadad avec Changes, Chainsmokers en 2. Et c'est 2 places de mieux par rapport à la semaine dernière. Et donc Avicii en 1 avec le Addicted to You. Et pour retrouver l'intégralité du classement de ce soir, rencard sur funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Fun Radio en direct de Toulouse pour l'Inox Electronic Festival. Mais quel kiff, c'est depuis vendredi soir à la Dune de Toulouse, l'Inox Electronic Festival. Depuis hier, on était ici à la Part des Anges pour l'Eurodance 25, le Flan Club 40 et évidemment l'après-midi avec Mathieu et Mickaël, avec l'interview des Nervos, l'interview également de Joachim Garraud tout à l'heure, de Mathieu Boutier, de Tony Romera. On les retrouvera au platine ce soir entre minuit et 6h. Voilà, je tenais à remercier justement la direction de la Part des Anges, tout le staff de Fun Radio Toulouse qui a fait un taf énorme. Et un gros bisou évidemment à tous ceux qui ont bossé sur l'événement, à Bruno à la technique, à Cédric qui était à Paris aussi pour gérer tout ça. Nous, on va se retrouver tout à l'heure dès minuit sur Fun Radio, donc pour le live et la troisième nuit avec du gros son évidemment. Et Anne aussi, j'ai oublié de remercier Anne Torres qui a fait un staff énorme. Plein de bisous à toi. Tony Romera tout à l'heure dès minuit, Joachim Garraud et Mathieu Boutier, ça sera à ne pas louper pour la dernière nuit à l'Inox Electronic Festival. Si vous êtes près de Toulouse, bah, venez faire un tour, on sera là-bas. Belle soirée à tout le monde, le temps d'aller manger, de prendre une douche, prends encore des minutes depuis la Dune de Toulouse pour la suite et fin de l'Inox. Et je vous laisse avec Mickaël qui va un petit peu mieux et c'est déjà une bonne nouvelle. Mickaël, 20h minuit sur Fun Radio, ça démarre maintenant. Belle soirée. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nous limite. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Et ben voilà, ça y est, on est en direct. J'avais promis qu'on sera en direct de la radio. Mais bon, ben finalement, quelques petites souffrances encore. Et puis finalement, ça va beaucoup mieux. Sandro est avec nous aussi, en pleine forme, Sandro, ou pas? Ouais, en pleine forme. T'es au taquet? Hein? Je dis, t'es au taquet? Ouais, ouais, ouais, il y a du monde dans le bon, studio là, c'est pour ça, c'est un peu le bordel. Ah oui, c'est ça, il y a du monde. Il y a de la bouffe ou pas? On l'a déjà mangé. Ah bah oui. Bah non, on mange pas dans le studio. Moins frais. Bien sûr, évidemment, on ne mange pas dans le studio, ça tombe sous le sens. Je dis juste à Toff que j'ai un problème dans mon casque, mais sinon tout va bien. Voilà, comme ça il est au courant, puisque effectivement on n'est pas en direct de la radio, on a encore un petit coup ce soir en direct de chez moi. Voilà, heureusement que t'es pas là, Sandro, on a commandé des pizzas. Ah, la chance. Ah oui, je sais bien, je sais bien. Bon, comme tous les soirs, en tout cas, on est là le dimanche de 20h à minuit. Et puis demain, on sera là aussi de 23h à 2h. On dirait que cette fois-ci de la radio. Et ça, c'est sûr. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va prendre Anna aussi dans quelques minutes. Là, Anna qui est avec nous. Ça va bien, Anna? Attends, on va la mettre en ligne. Là, je vais demander à Victor qui pousse les boutons de la mettre en ligne puisque j'ai un petit souci de mon côté. Là, ça va bien, Anna? Oui, ça va. Bonsoir à tous. T'es en forme? Oui, super, et toi, ça va mieux? Bah écoute, mieux est un grand mot, mais oui, dans l'absolu, ça va, ça va, ça va. On fait aller, quoi, tranquillement, pépère. Passe un bon week-end, t'as fait quoi ce week-end? Bah rien de spécial, je suis pas trop sorti ce week-end. Je me suis reposé. D'accord, un ok, peu. Bah écoute, un peu comme moi aussi, hein, un petit peu comme moi, tranquillement, quoi. Polo est là également en pleine forme. Oui, oui, ça va très bien, je vais bien. Très bien, malgré tous ces allers-retours. Tant mieux, oui, bah Polo est devenu quasiment belge maintenant. Ouais, hein. Bah non, c'est quasiment, quasiment. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est à deux doigts là. Hein. Il a demandé la nationalité, tout est là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à c'est signer. C'est à deux doigts, c'est ça. Il n'y a plus qu'à signer. Toff aussi qui joue avec plein de boutons ce soir, il est content. Ah oui, j'adore, ça bouge, ça clignote, ça. Voilà, j'adore. C'est ça, donc maintenant, moi, tout est bon. Et toi, Anna, tu fais quoi dans la vie, toi? Pour l'instant, je suis sans emploi. D'accord. Ah bah tu cherches un truc, profites-en là, t'es en direct là. Bah le problème c'est que j'ai des tatouages partout et du coup j'ai du mal à trouver du travail par rapport à ça. Ah bah t'as qu'à les planquer aussi. Attends, mais ça dépend de quoi tu cherches sur aussi. Sur le visage. Ouais. Ça dépend de quoi tu cherches aussi. À la base, je suis serveuse, mais du coup. D'accord. Attends, mais ils sont où les tatouages? J'en ai sur les bras, donc les deux bras. Ouais. J'ai la jambe, j'ai tout le dos, j'ai le dessus de la poitrine et j'ai le doigt. Ah oui, effectivement, tu t'es un peu emballé aussi, hein, mais en même temps, c'est normal. Il vaut mieux essayer de les planquer au maximum, mais après, au-delà de ça, je vois pas, hein, sauf si tu tombes sur un resto spécifique à base de tatouages, ça peut être pas mal. Bon, pour l'autre, il y a quand même des trucs, non? De quoi? Des restos? C'est surtout les barman et les barmaids et les serveuses qui sont tatoués, tu vois. Ouais, voilà, tu fais ça, tu devrais essayer, ouais, ça peut être bien, ça peut être bien. En tout cas, merci Anna d'avoir appelé, hein. Pas de soucis, merci. Bon, à voilà, vous. Donc, et si jamais, alors, t'es où? T'es dans quel coin, toi? Moi, je suis à Dinard, en Bretagne. D'accord. Bon, très bien. Mais si vous êtes dans le coin et que vous cherchez quelqu'un, ben voilà, si vous cherchez quelqu'un qui est plutôt tatoué, ben comme ça au moins, elle est disponible. Voilà, ben je te fais des gros bisous. J'ai des piercings aussi. Ah ben en oui, plus, ben, très bien. Nickel. Alors je te passe Toff alors en antenne. Ah oui, moi j'adore. Il va récupérer tout le matériel, t'inquiète pas. Je te fais des bisous, Anna. Ouais, grave. Bisous. Salut Anna. Salut. Ciao, à bientôt. Et puis on aura aussi Fabio dans quelques minutes là. Fabio qui lui va débarquer pour la colle. Et attention, il y a du lourd ce soir dans la colle puisque on va vous offrir votre Samsung Galaxy S5 et la Gear Fit. La Gear Fit, pour ceux qui ne savent pas, c'est la montre qui est connectée à l'iPhone, pas du tout, au Samsung Galaxy S5 en l'occurrence, qui prend le pouls. Ouais, c'est mon nouveau coach sportif. Voilà, c'est ton coach sportif. Qu'est-ce exactement. Qu'elle est bonne, la meuf dans la pub. Ah ouais, mais que dans la pub alors. Que dans la pub. Bah non, parce que tu n'auras pas la même, quoi, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Ça. Donc si vous voulez nous appeler, bah allez-y, hein, que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Puis on parle de ce que vous voulez. Sandro, donc, qui est resté à Paris, qui est resté là aussi et qui va rester ce soir pour répondre à tous vos appels. Hein. Donc le week-end fut bon, c'est tant mieux. Toff également, qui est venu avec tous ses amis, du coup, hein, en pleine forme également. Parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir, faut que je retourne ton numéro. Je suis pas capable de venir te casser ta gueule, toi. Espèce de pourri de bâtard. Pourculé de bâtard. Mais oui, d'ailleurs, où en est-on au niveau de la plainte. Beaucoup de messages sont arrivés sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter ce week-end en disant bah on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. En même temps, depuis jeudi, il pouvait pas s'être passé grand chose. Bah il y a le vendredi, c'est un jour ouvrable. Oui, mais en même temps, je n'étais pas en France, donc il pouvait difficilement venir m'arrêter. Ouais, en fait, il a passé la frontière de peur de se faire arrêter. En fait, c'est ça, je voilà. Me suis exilé. D'ailleurs, je ne rentrerai plus, je garderai le matériel ici. Exactement. Et écoute, je ferai l'émission d'ici désormais. Dorénavant, ouais, ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan. Voilà, donc tous les appels de Toff, on aura l'occasion de les refaire. Tout à l'heure, Polo qui en a profité aussi du week-end pour emmener ses doux. Hein, Bah oui, pour les entraîner. Pour l'entraînement. Doux, là. Exactement. Et puis on va prendre également notre ami Fabio qui est avec nous maintenant de Rouen. Bonsoir Fabio. Fabio, tu m'entends? Fabio, tu m'entends? Fabio, est-ce que tu m'entends? Bon, Fabio n'est pas là, c'est dommage hein, pour lui puisqu'il y avait la Gear Fit et la Samsung Galaxy S5 à gagner. Tant pis, bah pourtant il est là, Fabio. Hein, je vois, c'est allumé, tout ça. Il y a pas de problème, mais c'est juste qu'il décroche pas. Tant pis. Il est timide. Bah Fabio ouais, est timide. C'est pas grave. Non, mais c'est rien, c'est rien. Bon, la colle de Fabio, du coup, je vais la faire à sa place et on va essayer de le rappeler. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé et noir ou rose et je dirais même bleu. Couille. Bah oui, parce que après, faut quand même je pas déconner. Tu as une idée? C'est quoi? Couille. Non, c'est pas ça. Je peux te le dire directement. Donc je répète, quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé, noir, rose ou bleu? Ah non, bleu non. Non, bah bleu non, bah du coup ça va pas. J'avais bien une idée, mais bleu, enfin à part la schtroumpfette, mais. Bah non, bah là non, c'est pas ça. Ça va. T'es là, Fabio? Oui, ça va. Ah bah très bien, mais qu'est-ce que t'as foutu, Fabio, là? Pourquoi on t'entendait plus? J'ai cliqué dans un mauvais bouton, c'est pour ça. Ah bah bravo. Eh ben bravo. C'est ça de prendre des téléphones super high-tech, après tu sais pas t'en servir. C'est ça. Ah, enfin bon. Bon, non, Samsung Galaxy S5. Ah d'accord. Ah oui, OK, la bonne excuse, il est fissuré, on voit plus rien. Ouais. Ah ouais, donc t'as intérêt à gagner quoi. Il vaut mieux, ouais. Bon, alors du coup Fabio, alors Samsung Galaxy S5 a gagné, ce serait pas mal au final. Ouais. Bah plutôt, et la Gear Fit également pour voir si t'es bien en forme. Bon alors du coup la colle je l'ai posée, bah maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la bonne réponse. Envoyez ça au 64-900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique. Et dans deux minutes je vous la poste sur le Facebook de l'émission, à vous d'aller jouer d'ailleurs, hein. Je vous mets également la colle parce qu'elle est un peu longue. Comme ça vous allez pouvoir la lire, vous allez pouvoir également y réfléchir plus facilement en la lisant, en l'ayant sous le nez. Voilà, donc si vous voulez tenter votre chance, et bah allez-y, facebook.com/MIKL officiel. Fabio, t'as envie d'écouter un son, toi, en particulier, ce soir, ou pas? Ouais, pas spécialement, non. Non, oui, pas spécialement, non. D'accord, ok, très bien. Une réponse très claire, Fabio. Totalement claire. Bah écoute, en tout cas, avant 9h, je vous calerai aussi le son de Pitbull. Eh oui, le son de Pitbull tout à l'heure. Avec We Are One, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, Fabio? Shakira avec Darlala, je sais pas quoi, là. Eh ben tu lis dans mes pensées ou je lis dans les tiennes plutôt parce qu'on va le mettre également dans quelques minutes, voilà, ça va arriver ça. Bon bah tu vois finalement il suffisait de demander, il y aura aussi Calvin Harris et puis si vous avez des sons en particulier, vous voulez entendre des sons en particulier, bah n'hésitez pas à vous demander avec le hashtag MIKL tout simplement sur le Twitter, sur le Facebook également. On va saluer d'ailleurs dans quelques instants dès que j'aurai ouvert la bonne page, parce que ça on n'est pas à la radio, hein, ça n'avance pas des masses évidemment. Dès que j'aurai ouvert la bonne page, on va saluer tout le monde, tous ceux qui sont connectés ce soir. Bah il y a Toff qui est là également, il y a Greg, il y a Chocotoff, il y a Nico, il y a Jojo également, il y a Jong, il y a Théo qui est là également comme tous les dimanches aussi, Maxime. comme Akirou, etc., etc. Donc si vous voulez balancer vos messages, eh ben allez-y, vous envoyez, vous allez sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL. Et tant qu'on est dans la musique, eh bien évidemment il va falloir qu'on parle de ça, hein. Ça c'est dramatique. Ouais. Voilà, donc c'est Twin Twin, hein. Vous avez certainement entendu parler de cette magnifique chanson qui a terminé dernier à l'Eurovision. C'est bien fait pour leur voilà, vive la France, hein. Deuxième. En même temps, ils auraient fait ça avec un texte en anglais, je pense que ce serait passé un peu mieux, non, je pense. Bah même pas, c'est mauvais, pas, ça reste mauvais. Hein. Moustache, je vois pas ce qu'il y a de mieux que ouais. Une moustache. Hein. Bah je sais pas. En tout cas, ils ont battu le record historique puisque c'est la première fois que la France finit dernière avec ouais. 2 points et le gagnant. Et ouais, et le gagnant c'est ça. Alors écoutez bien. Voilà, c'est Conchita. Je sais pas comment on appelle, Wurst, voilà, qui veut dire saucisse accessoirement. Hein. Oui, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est la saucisse Conchita, donc voilà, c'est l'Autrichien. Hein. Pendant que sur TF1, évidemment, il y avait notre ami Nikos, hein, qui était au train de... Bah, qui marchait bien, lui, il était tranquille, hein, Nikos. Hein. Il était pas mal avec, c'est Kenji, je crois, qui a remporté la 3e édition de The Voice. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc venez nous dire ce que vous avez regardé, et puis surtout ce que vous avez pensé de la victoire de Kenji ou de Conchita. Voilà, vous avez préféré lequel, si vous avez eu l'occasion de regarder les deux, ou vous avez peut-être eu vu sur le Facebook, sur Internet, sur YouTube la prestation des deux, bah venez nous donner vos avis tout simplement, ça parce me paraît pas mal. A priori l'Eurovision ça a pas super bien marché, hein. Ah ouais bah en même temps c'est sur France 3 donc forcément ça casse un peu les chances. Oui c'est vrai. On va essayer ça sur TF1, ça va peut-être mieux marcher, va savoir. Bon, il y a Jennifer aussi qui est avec nous là de 7 dans l'Hero. Comment ça va Jenny? Oui ça va bien, merci. Oui, vous, ça va? Salut. Bah ça va tranquillement et toi? Oui ça va nickel, mais j'appelle pour savoir des nouvelles de Mickaël. Eh ben écoute, comme tu vois, Mickaël va plutôt bien. Ça va? Oui. Oui, ça va. Non, j'ai un petit bleu, mais rien de grave. Ah non, bah, tu mettes la photo, c'est-à-dire que... Non, mais c'est rien. Non, y a bah rien, non, c'est rien. Non, mais c'est rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que le bleu, il va du haut de sa fesse jusqu'au milieu de l'omoplate. Non, mais tout de suite, exagéré. Mais t'as vu l'exagération à chaque fois? Non. C'est dingue quand même. J'ai un bleu, il va faire la taille d'une pièce de deux. Non, mais rien de grave. Moi, je veux bien exagérer, mais toi, tu minimises. Hein. Non, pour une fois, profite-en. Regarde, tout le monde, à chaque fois, on me dit oui, bah, dès que tu te coupes un doigt, on a l'impression que c'est la fin du monde, et là, pour le coup, ah ça va. Oui. Oui, bah oui, on a dû venir aller faire l'émission ici, donc oui, bah, ça oui. Va. Bah, deux fois, c'est bien. En plus, on est bien installé. Ce soir, rien à bouffer, par contre. Hein. C'est la dèche totale. C'est non, mais c'est gentil de prendre des nouvelles, Jennifer. Hein. Mais écoute, normal, ça aurait été plutôt hein. Pas mal que tu viennes livrer à manger, mais bon, malheureusement, t'es un peu loin, là. À 7, ah, ça oui, va être loin. J'écoute toujours Fun Radio chaque fois, donc. Hier, j'ai connecté même à minuit, donc il n'y a pas de souci, je vous suis. Ah oui, donc t'écoutes tout le temps alors, samedi soir aussi. Oui. Bah, très bien, écoute Jennifer, et toi, ça va la vie est belle? Oui, ça va, impeccable, il y a toujours le soleil dans cette ville, la plage. Bah, c'est ça. Tout va bien. Bah, ici aussi, donc, chez Mickaël, il y a eu le soleil tout le week-end. Pas vraiment, hein. Et la plage. Peu cet après-midi. Et la plage, ouais, la plage, on était trop bien, la plage, vraiment non plus. À 7, il fait toujours beau à 7. Il y a toujours le soleil, c'est impeccable, donc c'est nickel. D'accord, ok. Bah, écoute, on passera l'occasion de faire l'émission en direct de chez toi, pourquoi pas, tiens. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, vous êtes des bienvenus. Pas de problème. Eh ben écoute, c'est gentil Jennifer. Ben, je te fais des gros bisous en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Bisous. D'accord, ça va. À bientôt. Salut, allez, à ciao bientôt. À toi. Ciao. Il y a Abdou dans un instant qui veut donner son avis sur l'Eurovision. Là, évidemment, Abdou qui a toujours son avis. Hein, ouais. Qui appelle d'Essonne. Ça va Abdou? Ouais, ça va et toi? Salut Mickaël. T'es en forme? Bon, en forme, moi, tranquille. Bon, très bien. Bon, on va parler de l'Eurovision et de cette magnifique chanson, donc, j'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, de la France, un Twin Twin. Ah, quelle horreur. Ah oui, c'était magnifique. Voilà, quelqu'un qui voulait une moustache. Et puis, on parlera pas également de la Belgique qui... Non, en soi, la musique, je trouve qu'elle était pas si dégueulasse, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas passé les barrages. Bon, on se croirait qu'on pourrait parler de foot, mais en fait non, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été jusqu'à la finale, et puis évidemment elle n'était même pas classée. Ouais, donc, c'était demi-finale quoi. C'était demi-finale, et puis malheureusement l'échec total. Bon bah Abdou, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Kevin également d'Antibes, ça va Kevin? Ça va toi Mickaël? Bah écoute, ça va, hein, tranquillement, comme je dis, ça va un peu mieux là, ça va un peu mieux, tranquille. Mais je serai là demain, vous inquiétez pas. Moi. Ah bon, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je vais me faire opérer de mes oreilles. Oh c'est rien Kevin, tant que tu prends pas de douche, tout va bien. Bon, on en parle dans quelques minutes. Ouais bah ça, ah bah attends bah bouge pas, on va en parler dans quelques minutes Kevin, tu restes là. Vous si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus, il y a Fan de Fun sur le Twitter qui dit hello la famille nos limites, bah salut Fan de Fun. Brandon également, génial, bonjour Mickaël, allez vous allez tout déchirer, bon on va essayer en tout cas. Hein. Fais-nous kiffer jusqu'à minuit pour Timothée et puis Louis qui dit ça fait longtemps que je vous ai pas écouté. Je vais vous écouter ce soir, bah tu fais très très bien, on fait ça, on est là jusqu'à minuit sur Fan Radio avec dans quelques minutes comme promis, le son de Shakira. avec Darla Lala. Et vous nous appelez où vous soyez, évidemment, en France, 01 42 48 5000 et en Belgique, 02 851 4x0. Bonne soirée, c'est Mickaël Nolimit, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. Nolimit. Sur Fun Radio. Le dimanche soir. Fun Radio. 20h minuit. Nolimit. Nolimit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct de chez moi. Voilà, on aurait dû, ouais. On devrait faire un nouveau jingle comme ça. Tu sais, on pourrait faire comme ça, pépère, ouais. En direct. On irait une fois chez Polo, on irait une fois. Ah, putain, chez la mère de Toff, on serait là, bien. Là, vous... ah, ouais. Là, on aurait eu la bouffe. Ah, là, t'aurais eu à manger, mais pour 8 jours. Mais on devrait essayer en direct de chez la mère. Bah, propose-lui. Moi. Bah, écoute, Marie, si tu nous écoutes, on... avec plaisir. En plus, apparemment, Toff, il a une bonne connexion internet chez lui à la maison et tout. Là, Par contre, là, ouais, c'est ça trace. Elle, hein. Elle nous ferait goûter les spécialités locales à Dilbeek, etc. Bien, quoi. Bah, bien sûr, hein, non, mais on est toujours bien à la maison. Eh ben, écoute, on essaiera de faire ça. Alors, cette année, ça va être compliqué, mais l'année prochaine, on essaiera d'organiser une soirée en direct de chez la mère de Toff. En plus, si tu fais ça dans les périodes où il fait beau, il y a la terrasse. Oui, ouais, bah, enfin, oui, wow, c'est vrai que ça peut être pas mal. J'ai dit dans la période où il fait beau. Ouais, mais enfin, le problème, c'est qu'en Belgique, on n'est jamais certain. Hein. C'est pas faux. On est dans la période où il fait beau pourtant. Hein. Oh, pas encore. Bon, ah, si, quand même, au mois de mai. Bon, retour avec Kevin dans quelques minutes. Toujours à la colle également de Fabio. Avec toujours sa colle pour gagner le Samsung Galaxy S5 et la montre Gear Fit qui va bien avec. Ça vaut quand même 800 euros l'addition des deux. Hein, donc, si jamais ça vous intéresse, il faut simplement répondre à la colle donc de Fabio. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé, noir, rose ou bleu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter, d'analyser, je vous ai mis la colle sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission et vous repartirez peut-être tout simplement avec le Samsung Galaxy S5 et la Gear Fit, sans oublier également que vous pouvez jouer en envoyant Mickaël au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Voilà, comme ça au moins tout est clair, en tout cas je l'espère. Retour avec Abdou, avec Kevin dans quelques minutes et le son maintenant de Shakira, c'est Darla Lala sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël Nolimit en direct de chez moi jusqu'à minuit. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël Nolimit. Nolimit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Oui, en direct sur Fun Radio. Et vous balancez comme d'habitude tous vos messages. Hein, ça se passe au 01 42 48 5000. Si vous voulez nous appeler pour la Belgique, le 02 851 4000. On est toujours en direct de chez moi. Quelques petits soucis d'eau. Dans l'absolu. Deux fois rien. Mais oui. Deux fois rien. Oh là là. Mais c'est même plus un bleu. Un léger bleu. Noir et violet. Non. Peu, mais alors, peur. Bonne nouvelle. Belle, ça commence à chatouiller, donc ça veut dire apparemment que c'est gris. D'accord. Ça c'est assuré. C'est une théorie, quoi. Non, mais on m'a dit ça. Bon, que si ça commençait, que si ça chatouille, que s'il y a un bleu, un gros bleu, enfin un gros bleu, bleu, enfin un bleu. Mais la photo. Non, mais je vais mettre. Oui, bon, je vais la mettre. Je mets un. Mon filtre. Cette photo. Nature. Je mets un filtre. Tu mets nature. Essayez. Bah, non, ça fait pas peur, mais disons que c'est. C'est surprenant quand on le première fois. Comme... Ah non, mais moi, quand je l'ai vu la première fois, je suis. Il s'est fait tatouer. Moi, je crois que je m'envoie. Quand il m'envoie ça, alors je. La map monde. J'ai trouvé un truc, mais il l'a caché. Horrible. Non, c'est... Oh, ça va, moi, c'est ça un. Grave. Bon, enfin bon, voilà. Je parle encore, je suis encore en vie. Tout bien. Pour l'instant, c'est vrai. C'est chez moi. Mais bon, le principal, c'est que l'émission se fasse, que vous soyez là et qu'on. Voilà. Et puis, ne t'inquiète pas, grâce à ce matériel, on pourra jusqu'à. Dernier jour te suivre. Ah, ça c'est cool. Mission avec toi. Ah, ça c'est plaisir. Je suis content, moi, parce que quand Toff va mourir, on va faire l'émission en direct de son. Ouais, exactement. Et ça c'est bien aussi. Ouais, et là je suis très content. Exactement. Bon, salut. Là ce soir, il y a Toff évidemment, je l'avais dit tout à l'heure. Pierre Lulu, il y a Zedline, il y a Alan, il y a Dylan, il y a Jojo également qui dit je me suis trompé, mais. Bah, c'était pas prévu de base, hein, je vous avoue que normalement. Bah d'ailleurs je l'avais dit jeudi qu'on ferait l'émission avec de la radio, que tout rentrerait à la normale, mais bon bah un petit sky. C'est presque la normale, effectivement. On fera les appels de Toff dans quelques minutes et puis bah alors Kevin qui est tout bon type, qu'on va récupérer, t'es là Kevin? Ouais, je suis là, ouais. Bon, très bien. Alors Kevin, qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, tu veux te faire opérer toi, c'est ça? Ouais, en fait je vais avoir une opération, c'était prévu depuis longtemps déjà. Et j'ai les oreilles qui sont un peu décollées. Et on va me les recoller, en fait. C'est rien. Mais ça se fait recoller les oreilles, c'est... C'est de la chirurgie esthétique, c'est pas... Mais c'est ouais, un truc c'est... putain de bizarre. C'est juste que tu veux plus ressembler à Dumbo, quoi. Ouais, bah c'est... Ouais. Bon, attends, coup, Kevin, attends, bouge pas de là. Conseils. Écoute, on va en prendre dans quelques minutes, Kevin. Bouge pas de là. On va se mettre Pharrell Williams maintenant avec... Marilyn Monroe, ça me paraît bon plan ça. Et puis on revient juste après en direct avec vous toutes et vous tous jusqu'à minuit sur Fun. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Voilà, exactement, en direct de chez moi, on est de retour. On va pouvoir donc, maintenant qu'on a réparé le petit problème, revenir avec notre ami Kevin, qui est donc normalement, en tout cas théoriquement, avec nous. Est-ce que tu es là, Kevin? Il n'est pas seul puisqu'il a ses oreilles décollées avec lui. Ouais, ouais, exactement, il est avec les oreilles de Dumbo. Toujours là, Kevin, toujours en pleine forme. Taf, taf ou pour le, je vais te démonter. Avec plaisir. C'est top. Je vais te péter ta bouche, PDA. Ouais, exactement, PDA. Mais tu fais bien, QA. Bon, Kevin, alors... Que d'amour. Mais oui, c'est ça, ouais. Bon, Kevin, alors, donc, toi, tu nous disais que t'étais un peu en flip parce que t'allais te faire opérer les oreilles, enfin, au niveau du... les faire recoller, quoi, c'est ça? Ouais, je vais me les faire recoller parce que elles sont trop écartées, ouais. D'accord, mais genre écartées comment? Je sais pas, c'est... Enfin, est-ce que tu peux décoller avec? Comment? Est-ce que tu peux voler? Non. Bon, non, alors ça va. Tu peux capter un satellite. Ouais, est-ce que tu peux capter les chaînes de télé ou la radio? Un satellite et tout, ouais. Bah ouais, je capte là. Bon, bah très bien, bah tu vois, c'est grâce aux oreilles. T'imagines un peu? Non, mais quand t'as un problème technique, l'avantage c'est que c'est bien, c'est que tu sors les oreilles, c'est cool. Mais est-ce que t'as déjà essayé de toucher ton nez avec une oreille? Mais t'es sérieux toi? Non, je vais toucher avec mes oreilles. Non, mais autre question, bon, tu te fais opérer quand? La semaine prochaine, vendredi. Et t'as peur de quoi? De l'anesthésie. Oh mais c'est rien, c'est une anesthésie générale? Eh ouais. Eh ben c'est cool parce qu'au moins tu dors, t'es tranquille, t'es pépère. Et non mais c'est vrai. C'est vrai, mais alors je te coupe la parole parce qu'il y a dit-il en mangeant sa pizza et bon appétit. Merci. Tu sais que la règle du studio s'applique aussi chez moi, normalement. On mange pas. Mais on, bon. Le sous-chef de sous-sous, il peut dire ce qu'il veut, parce qu'on veut. Bon, mais la table est dans la cuisine ici, donc. Oui, bah, je sais bien. Il y a un truc horrible avec l'anesthésie. Vous avez vu le film où le mec en fait il s'endort? C'est une horreur. En fait, il est anesthésié. Et c'est pas pour toi, Kevin, que je dis ça. Bouge tes oreilles. Enfin, couvre-les. C'est drôle, ça. Enfin, incliné dans un autre sens. Non, et tu sais quoi? Et le mec, il est conscient. Il est endormi, mais il est conscient. Ouais. En fait, il ressent toute l'opération. C'est une horreur. J'ai eu peur. Ah, ouais. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Non, mais c'est un film. C'est déjà arrivé dans la réalité. Hein. C'est arrivé récemment. Là, il y a un mec qui était dans le coma. Et donc, le mec, il entendait les médecins et tout qui parlaient à côté de lui. Bon, on va le débrancher. Ouais, on va le débrancher. Là, je pense que. Non, mais t'imagines, le mec, il a envie. Enfin, si, il est conscient. Et donc, le mec, il pouvait pas réagir. Et bon, pour finir, ils l'ont pas débranché. Et donc, quand il est sorti du coma, il a raconté qu'en fait, il avait tout entendu, tout ce que les médecins disaient sur lui. Il a eu la chance de sortir du coma déjà, parce qu'il aurait pu le débrancher. T'imagines, le mec, il a non. Bah, tu es enfermé dans ton propre corps. Exactement, ouais. Ça doit être horrible. Dans le tien, oui. Bah, oui, ça, c'est. Non, parce que tu le vois plus. Ouais, voyons le côté positif, effectivement, ouais. Bon, Kevin, c'est la première fois que tu passes en billard. C'est ma première anesthésie, ouais, donc c'est chelou un peu. Mais tu vas voir, c'est cool, tu vas arriver de plein de trucs. Alors, par contre, si jamais il t'endorme, normalement, il t'endorme dans le. Une fois que t'es déjà dans le. Merde, dans le bloc opératoire, dans la salle d'opération. Imagine pas du tout que ça ressemble à ce que tu vois à la télé, hein. Ah, ça dépend des hôpitaux. Ah ouais, bah mec, je peux te dire que là j'ai déjà fait trois anesthésies dans trois hôpitaux différents et à chaque fois j'ai l'impression d'être dans une vieille cave désaffectée, dans une usine. Non mais tu vois, c'était tout vieillot quoi, le truc était propre et tout ça évidemment, mais c'était vieillot. C'est parce qu'on a des vieux hôpitaux ici. Bah voilà, mais c'est ça, mais t'imagines pas que tu vas te retrouver dans un hôpital style urgence ou les derniers, tu vois, Grey's Anatomy où tout est design, etc. Non, t'auras pas la télé, etc. Mais par contre, pour avoir fait les deux, franchement l'opération sous anesthésie générale, c'est mieux. Ah oui, bah bien sûr. Moi j'ai jamais fait en anesthésie partielle. T'es fou toi, tu sens tout, c'est une horreur. Ah non, enfin tu sens pas, mais t'as le mec qui est là qui fait bistouri. Bon attends, oh ça passe pas, attends. Attends, parle plus près du micro parce qu'on a l'impression d'être dans une église. Ouais, donc je dis t'es le mec, il est là, il est en train de pousser le. Enfin moi c'était le tube, il est en train de me pousser le tube dans le poumon. Il fait non, ça passe pas, non, ça bloque. Attends, est-ce que tu peux élargir un peu plus? Et tu sais, donc tu vois le mec qui arrive avec des bistouris, des trucs surréalistes. Tu te fais putain, il va pas me mettre ça dans le corps. Non, mais moi je pourrais pas. Oh, quelle horreur. C'est normal. Bref, Kevin, après, hormis ce genre de détails, rien ne peut t'arriver. Les dents de sagesse en local. De quoi? Mais les dents de sagesse en anesthésie locale, j'ai fait. Mais on m'avait proposé aussi, puis je me suis dit non, en fait. J'ai entendu le bruit de mes dents qui. Ah, non. Oh, quelle horreur. Non, moi j'ai fait une anesthésie complète aussi. Hein. Bon, le truc après, c'est. Tout, ouais, c'est de pas faire le malin, parce que le médecin m'avait dit, bon, je vous mets une semaine. J'ai dit oui, c'est ça, mais est-ce que tu veux? Et donc. Par de là. Ouais, je comptais revenir à la radio le soir même, sauf que le soir même, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Hein, que même mettre un pied devant l'autre, c'était plutôt compliqué, alors vous imaginez faire la route. Et puis, le lendemain, je me suis dit, je vais y aller. Et puis là, la catastrophe, la chute, le drame. Enfin bref, une histoire. Rien de bien grave dans l'absolu, comme vous allez pouvoir le remarquer quand je vous mettrai la photo sur le Facebook de l'émission. Bon, Kevin. Trois fois rien. Ouais. Mais non, mais quasiment, quasiment. Tu verras toi-même, Kevin. Il y a pas de souci. Bah, dites-nous si vous vous êtes déjà fait opérer. De quoi? Comment ça s'est passé? Est-ce que, comme dans le film là, ou même dans la vraie vie, hein, c'est déjà arrivé, vous êtes peut-être réveillé, mais pas votre corps. Hein, votre corps dormait, mais votre esprit était réveillé. Et donc, du coup, vous avez pu voir et assister à toute l'opération. Mais il y a un mec qui dit que c'est ce qui est en train d'arriver à Michael Schumacher. Ah, qu'il est conscient, alors? En fait, que, ouais, il serait conscient, que machin, mais qu'il va mettre très très longtemps à reprendre tout, l'usage de toutes ses fonctions. Et il dit, en plus, le plus dur pour lui, c'est qu'il sera dans un corps, tu vois, enfin, je veux dire, pour lui, ce sera quasiment instantané, la période entre le moment où il a eu son accident et le moment où il va se réveiller. Et que donc, en fait, il va être dans un corps et dans une vie qui n'est absolument plus la sienne, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Oh putain, la violence. Bon, bah, dites-nous, vous nous appelez, n'hésitez pas encore, hein, ça se passe au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0. Bon, bah, écoute, alors, Kevin, reste avec nous. En attendant, on va faire quelques appels de Toff, hein, ça me paraît pas mal. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il mais ça faisait longtemps qu'il s'était plus fait insulter en plus. Non, c'est pas vrai, j'ai pris la voiture avec Polo. Oui, c'est vrai. Effectivement, effectivement. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, on va se faire. Est-ce que vous avez un gros cul? C'était la grande question que Toff avait eu l'occasion de poser. Hein. Vous savez que le dimanche, on fait les meilleurs appels de la semaine. Bon, là, on a fait les meilleurs appels du siècle. Bah oui, parce que cette semaine, comme vous avez pu le remarquer, c'était un peu compliqué. Mais donc, du coup, donc, c'était cette grande question. Est-ce que vous avez un gros cul? C'était un sondage qui était venu, je sais plus d'où. Je crois qu'il y avait un rapport. C'est les meufs qui ont un gros cul généralement sont plus intelligentes que celles qui ont un petit cul. Exactement. Et oui, tout à fait. Donc, on avait fait un appel. Maintenant, c'est parti. On y va. D'ailleurs, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, hein, on recommencera évidemment dès demain soir à partir de 23h. Sur le mail de Toff, vous envoyez les numéros de téléphone toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, premier appel maintenant en direct sur Fun Radio. Allô, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez un gros cul. Oh, saleté, va. Elle n'était pas très ouverte à la discussion, ouverte au dialogue, exactement. Donc du coup, on avait rappelé, évidemment, vous nous connaissez. C'est parti pour le deuxième appel. Commissariat du deuxième, j'écoute. Oui, bonsoir monsieur, j'étais au téléphone avec votre femme, mais on a été coupé. Vous êtes qui? Il n'y a pas de femme ici, qu'est-ce que vous me téléphonez? Ben en fait, je voulais savoir si votre femme, elle avait un gros cul, monsieur. Ben, moi par contre, j'ai le gros chemise pour te mettre dans la bouche, gros con. T'as compris? Et j'enregistre ton numéro, je vais te retrouver, tu vas comprendre ta douleur. Allez, connard! Très gentil au demeurant, hein. Très gentil. Adorable. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a quand même essayé de nous faire croire que c'est la police, hein. Ouais, c'est la police, mais au bout de 10 secondes, il me dit quand même qu'il a une grosse bite à me mettre dans la bouche. Hein. on sent le truc hyper crédible. Exactement, totalement, ouais, totalement. Bon, si vous avez des numéros de téléphone, bon, celui-là, malheureusement, on va en rester là, hein, c'est bien dommage, mais on va en rester là. Oh, c'est triste. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Donc, si vous avez des numéros de téléphone, toph@funradio.fr. Et demain, j'ai un truc très très lourd, parce que j'ai le temps d'en trouver. Ah bah oui. J'ai un très très lourd pour demain. Très bien, bah écoute, on va en parler. Envoyez-moi on va récupérer. Bon numéro. Ouais, on va parler d'anesthésie aussi dans quelques minutes. Et Abdou le retour également, là, qui voulait parler de l'Eurovision. Oui. Bon, t'es là Abdou, alors je rappelle que la France a fait dernier, un bon dernier même, avec la moustache. Voilà. Et ouais, la Belgique qui n'a pas fait avant-dernier, enfin qui n'a pas fait dernier, qui a fait le après-dernier. Oui. Qui n'a pas été repris la finale. Voilà, enfin bon, 2 points quand même pour France, quand même, c'est pas terrible. Hein. Lamentable, mais c'est normal. Ouais, c'est... franchement, ouais. Enfin bon. Bon, alors Abdou, c'est quoi ton avis sur l'Eurovision? Déjà, est-ce que t'as regardé? J'ai regardé. Donc tu n'avais rien d'autre à foutre un samedi soir? Non, j'ai pas regardé samedi soir, j'ai regardé vite fait pour voir les résultats, quelques chansons, et j'ai été plutôt déçu. Mais est-ce que il y avait un truc qui était vachement bien, c'était la présentatrice. Ouais, mais enfin bon, en même temps, oui, c'est pas bon, le concept. Hein. Ah bah oui, c'est exactement ça, je m'en suis bien branlé. Ouais, mais super, merci Toff. Avec plaisir. Et du coup, Abdou, donc t'as été déçu, en même temps, tu t'attendais vraiment à avoir une surprise de ouf à l'Eurovision? Ah non, mais moi c'est juste le programme que je déteste. Ça sert à rien. Ouais. Bah l'Eurovision, bon si, non, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais. C'est énorme à l'Eurovision, c'est que chaque fois ils te font des plateaux de ouf, des décors de. Parce que là le plateau il était. C'est-à-dire que t'avais une projection au sol, ils pouvaient mettre des trucs sur les côtés, enfin c'était juste surréaliste le plateau. J'ai regardé 10 minutes. Hein. Non, arrête ton cinéma, t'as regardé. Non, j'ai regardé. Il y avait rien à foutre que le samedi soir que regarder l'Eurovision. En fait je zappais et je suis tombé sur la Hollandaise qui était hyper bonne, donc je me suis dit je vais regarder, et puis en fait j'ai regardé juste les Pays-Bas. Ouais, t'allais dire Abdou? Non, c'est pas moi, en fait c'est le cousin Ali qui est en train de gueuler par la fenêtre. D'accord, bah normal. Tu descends? Ouais, lui descend. Ouais, bah il va descendre, ouais. Donc du coup t'as regardé la Hollande? Moi, j'ai juste vu la Hollandaise. Mais la Hollandaise, elle est bonne. Oh là. Ah bah oui, non, mais ça, c'est une Hollandaise après, hein, évidemment. Ah ouais, ouais. Non, elle était pas mal avec ses petites tulipes et tout. Non, c'était. Si vous avez regardé The Voice aussi, comme c'est la finale, enfin, c'était la finale. Du coup, là, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez qu'il y a eu, que c'était bien, pas bien, mérité, pas mérité. Bah, n'hésitez pas. Hein, bah, moi, j'ai pas regardé. Je vous avoue qu'à 10h, je dormais. Mais Ah oui, c'est pas mal. Oui, oui, bah. T'as une vie passionnante, toi, dis donc. Ah ouais, ouais. Là, pour l'instant, ouais, c'est des cachetons, à mon avis. Mais bon, non, mais là, ça va. Rassurez-vous, ce soir, je ne m'endormirai pas avant minuit. Moi, j'aime bien tous les gens. Ouais, moi, j'aimerais bien avoir la vie de Mickaël et tout. Non, mais c'est exceptionnel. Non mais attends, 10h, t'es ouf ou quoi? Et attends, cette semaine il y a eu un jour à 19h. Non mais j'étais mort, attends, mais j'avais pris 150 000 cachetons, t'es ouf. Bon bah Abdou, bah merci en tout cas pour ton analyse très professionnelle de l'Eurovision. Je pense que France 3 vient de nous appeler apparemment et il voudrait que tu sois consultant pour l'année prochaine. Bah, en même temps, c'était le mec de Slam, oula, là, Cyril je sais plus quoi, qui présentait l'émission. Et juste avant, il avait dit ouais, la France elle va aller loin, je pense qu'elle sera au moins dans les 5 premiers. Bah oui, vachement première là. 5 premiers, mais en commençant par la fin. C'est ça, oui, bah oui, ouais. C'est plutôt ça. Bon bah salut Abdou. Et aussi, pour la Pologne, je sais pas si Toff a vu. Non, j'ai pas vu la Pologne, mais il paraît que c'est pas mal. Et c'est quoi voir. Pourquoi il y a quoi la Pologne? Sauf de la chanson. Ouais, mais par contre, il paraît fait, que la meuf elle est bonne. C'est juste une exhibition en fait. Que des exhibitions de 1. Ouais, mais il y a la portugaise aussi. J'avais vu avant l'Eurovision, je l'avais vu passer. Ah, ils ont fini combien le Portugal? J'ai pas regardé. Ouais, j'ai pas regardé, on s'en fout. Et dites-nous si vous avez vu, tiens, j'ai pas regardé. Ils ont fini premier du ménage. Et ma main sur ta gueule, pauvre con. Et donc ouais, donc, elle aussi, enfin, elle était bonne. Il la mettait bien en valeur dans sa tenue, mais voilà quoi. C'est mais sans plus. Ouais, musicalement, c'était pas ça quoi. Bon bah écoute, c'est toujours ça de prix. Bon bah Abdou, merci à toi en tout cas d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ok, ça marche. Salut Abdou, à bientôt. Salut, à bientôt. Allez, ciao à toi. On va parler d'anesthésie avec Laurine dans quelques minutes. De Montpellier. Salut Laurine. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Tu veux couper ta radio? T'as le kit Malibre ou le haut-parleur peut-être Laurine? Non, j'ai rien. T'as rien, bah c'est bizarre. Alors, attends, bouge pas Laurine, on va te rappeler puisqu'on va parler d'anesthésie. Benjamin également qui est là d'Écoute d'Armor. Salut Benjamin, comment ça va? Oui, et toi? Bah ça va, tranquille. Bon, bah si t'as déjà fait l'anesthésie toi? Non, c'est ma grand-mère. Ah d'accord, ok, très bien. Bon alors Benjamin, bouge pas, on va en parler dans quelques minutes. On va récupérer Fabio aussi là pour gagner le Samsung Galaxy S5 avec la montre Gearfit. Si jamais ça vous intéresse, et bah tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. On va vous offrir ça dans quelques minutes. Il y aura aussi le son de Calvin Harris à suivre dans quelques minutes. Enfin quelques minutes, je m'en balade un peu, mais en tout cas à suivre. Voilà, Calvin Harris avec Summer, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Et puis on revient dans quelques instants avec vous tous et vous tous en direct, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Venez foutre le bordel le dimanche soir. Je me dégoûte. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. And Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et oui, ça va, on est sur Fun Radio, ouais. C'est Mickaël No Limit en direct de chez moi à la maison avec Polo qui a mangé la pizza locale. Enfin, la pizza du Pizza Yellow du quartier là. Ouais. Bonne ou bonne? Non, c'était bon. C'était pas mal. J'ai connu mieux. Ouais, elle était meilleure celle que tu m'avais cuite la dernière fois là. T'es sérieux? Ah ouais, j'ai pas. Tu m'aurais dit, elle coûtait 1€, ça aurait fait des économies j'ai d'argent. Ah bah allez, on est dans le frigo si tu veux, on peut la faire. Bon, on est toujours en direct de chez moi puisqu'on a parlé d'anesthésie, parce que j'y suis passé la semaine dernière là, sur le billard. Et donc voilà, petite chute. Alors, ça y est, la photo est normalement. Pas encore, tiens, ben voilà, hop là, je la publie maintenant. Du petit bleu que je me suis fait. Ridicule, ce bleu est minuscule. Voilà, rien d'exceptionnel. Non. Voilà, donc, je l'ai mis en gros plan. Franchement, c'est effectivement sans filtre. Je l'ai mis en gros plan. Parce que j'ai peur que sinon vous voyez pas bien. Oui. Voilà, on donc sait, on sait jamais. Bah exactement. Donc facebook.com/mickaël officiel. Sur le Twitter également, tapez Mickaël officiel. On aura Laurine, Maeva et Benjamin pour parler d'anesthésie. On aura également dans quelques minutes Saïd, Jordan et le retour de Fabio avec la colle pour gagner le Samsung Galaxy S5. Le Samsung Galaxy S5 plus la montre Gearfit qui donc est gagnée sur le Facebook avec la colle. On donne la réponse avant 22h30. Si vous voulez tenter votre chance, et ben vous tapez Mickaël officiel. Il y a la colle, vous y répondez. On va tirer au sort tout à l'heure. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis là, on va prendre Emma qui est avec nous maintenant là pour faire le petit chéri, je peux te faire cocu comme tous les dimanches soirs. Comment ça va, Emma? Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, très très bien, Emma. On va faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Bon, très bien. Comment s'appelle monsieur? Madame. Comment s'appelle madame? C'est pareil. Stéphanie, d'accord, ok. Bon, alors, chérie, je peux te faire cocu, t'es avec elle depuis combien de temps? Un an et demi. Un an et demi, très bien. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas?

Non. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Mais non. Stéphanie ? Oui. Ah voilà, t'es sur Fun Radio, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Mon dieu, quoi. Ah oui, bah oui, mais enfin bon, alors, oh là là, quelle agressivité quand même. Alors, on est pas ouvert sexuellement, c'est dingue. Non, bah, y a des choses, ouais, non. Bah c'est non. Non mais là j'ai honte hein, j'ai honte. Ah oui, là tu peux, ouais. C'est pour ça que je t'avais demandé, bah, je dis excuse-toi avec toutes les crasses que tu m'as dites, tout ça, et enfin hein, bon. Bon. Ouais bah bon. Est-ce que tu lui parles encore ou on la récupère? Non non, je la garde. Ah bah non, bah d'accord, ok, très bien. Comment vous êtes rencontrés, Emma de Reims et Stéphanie de Namur? Sur Paris. Ah sur Paris, bah non, normal, tu sais, international. Ouais. Non mais c'est bien de se rencontrer comme ça, parfait. Très bien. Et alors qui tient la culotte à la maison, même si j'ai bien une idée là-dessus? C'est Stéphanie. Non, mais... Ouais, je pense. Hein. Ah, Stéphanie, c'est toi qu'on appelle Roger, non? Non, pas hein vraiment, non, quand même. C'est toi qui as les couilles. C'est toi qui as les corones, comme on dit. Hein. Apparemment. Non, j'en ai pas. Ah, non. T'en as pas non plus. Bon. D'accord, ok, bon, très bien. En tout cas, c'est dommage de gâcher un 90 day avec une autre fille. Mais oui, c'est scandale. Moi, je veux bien faire un plan à 3 si c'est vraiment pour rendre service. Non, c'est bon, je. Bah, d'ailleurs, on sait toujours pas à quoi ressemble Emma, tiens. Mais bien sûr, alors Emma, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu, Emma? 40 kilos. Ah, il faut manger, Emma, maintenant. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille du deuxième pantalon que tu as acheté? 34. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Moi, je prends les deux directs. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Quel gâchis, oh là là. Non, mais ça dit n'importe quoi. En fait. Elle n'a jamais été fourrée. Bah oui, oh, c'est poème, dommage. Ah, c'est gâché. Enfin, elle n'a bon jamais été fourrée. Bon, Emma et Stéphanie, on va quand même vous envoyer le haut-parleur Bluetooth. Là, ça... Ouais, alors le Bluetooth ou alors smartphone. Vous préférez quoi, les filles? Smartphone. Bon, ouais, avec Android ouais à l'intérieur. Ah, bah, très bien, on va te filer ça. Il n'y a pas de problème. Gros bisous, les filles. Bisous. On vous embrasse. À bientôt. Ciao. Au revoir. Et voilà, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez, on refait ça demain soir à partir sur Fun Radio et il y aura des iPad mini à gagner pour ceux qui participent, oh, au bon chéri, ça. Je peux te faire cocu, exactement. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Suffit d'appeler Sandro qui va décrocher, sauf si t'es en train de bouffer encore une fois, hein. Sandro? Pas du tout, hein. Non, mais pas du tout. Non, elle discute là. Ouais, c'est ça, évidemment. T'as vu ma nouvelle flèche? Mais regarde, et regarde. Elle mange ou elle discute? Et tu sais pas quoi, ce week-end? Eh ben, j'ai pas été au sport. Non, parce que j'ai une copine qui s'est fait sauter tout le week-end. Alors, elle me racontait que son mec, bon, il était un peu long à venir. D'accord. Voilà. Ah, donc, bah ça va, si il est peine à jouir, c'est toujours mieux qu'être précoce. Ah, c'est clair. Bon, bah voilà. Partons du côté positif de la chose. Voilà, bon, voilà. Du coup, on va pas vous déranger plus longtemps, puisque apparemment vous êtes en grand travail. Ouais, et puis enfin voilà, a priori, il y en a une qui a passé un bon week-end. Ouais, visiblement, une des deux en l'occurrence. Donc 01 42 48 5000, appelez Sandro, faites-la un peu bosser. Vous savez quoi? Vous l'appelez maintenant, je compte sur vous. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous l'appelez, vous lui dites, va faire du sport, ma grosse. Voilà, et puis vous raccrochez. Oui, mais enfin, ça fait des années maintenant que tu nous dis que tu vas demain. Je c'est-à-dire jure. Que... Non, mais sur ma est-ce que t'es tête... peut-être sur une autre planète? Parce que je sais que sur d'autres planètes, tu vois, les deux mains, le temps n'est pas le même. Différent, ouais. Hein, c'est une journée, ne fait pas forcément 24 heures. Mais tu sais pourquoi tu vois vous êtes jaloux, en fait. Vous êtes jaloux parce que je suis une grande sportive. Je suis la seule sportive de l'équipe. Et vous êtes jaloux. Une grande mytho. Mais j'ai des abdos. Franchement, j'ai des abdos qui commencent. Polo, tu vas toucher demain. Tu vas me dire, ouais, t'as raison. Oui, je vais toucher. J'ai des abdos. Eh, Sandra, on est prêt à faire un pari. Tu es la plus grande sportive. T'es sûr de ça? Attends. Moi je dis demain on vérifie. Non. On peut vérifier. Non, on peut vérifier. Non, tout ce que je peux dire c'est que. Tout ce que je peux dire c'est que j'irai demain et bah, laissez-moi m'entraîner et puis après je vous montrerai que je suis la grande sportive dans 6 ans. Mais si tu veux tous les jours je vous montre une photo et quand je serai bonasse je vous montrerai la photo. Mais oh là là, pff, c'est mytho encore. Non, je vous jure, j'y vais tous les jours vraiment. Mais pour le coup j'y vais tous les jours. T'as un cahier de correspondance avec la piscine ou pas? Oh, si ne s'est pas rendu en cours. Ne s'est pas rendu en cours. Ne s'est pas rendu en cours. Enfin bref, ne se rend jamais en cours. C'est bien, c'est il bien. Il serait bon qu'elle vienne un jour. Un jour ou l'autre, un jour mais... son prince viendra, mais c'est pas tout de suite. Oui, bah lui, je l'attends toujours. Oui, ça fait longtemps que j'attends. Bâtard, là, cet enculé. Bon, il arrive. Le jour il arrive, je le défonce. C'est clair. Bon, allez, donc vous appelez Sandro maintenant. N'hésitez pas, vous lui dites, allez, va faire du sport, ma grosse. Elle a besoin. Il faut qu'on la mette la un petit peu, qu'on la motive. Voilà, exactement. Et bon, avant de donner la colle également avec Fabio, on va prendre Lorraine qui est avec nous là de Saint-Étienne. Salut Lorraine. Lorraine, est-ce que tu es là, Lorraine? Lorraine Lorraine est avec nous, parfait. Ça va, Lorraine? Oui, et toi? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que sur mon écran, je vois que tu n'es pas encore en direct. Donc, mais c'est pas grave, hein, si tu le, c'est le principal, Lorraine. Bon, alors, Stéphanoise, donc. Et toi, Lorraine, tu nous appelles par rapport à l'anesthésie, puisqu'on avait Kevin, d'ailleurs, qu'on a perdu. J'ai peur qu'il soit décédé depuis, malheureusement. C'est ses oreilles. Bah oui, peut-être qu'il devait se faire opérer des oreilles. Il avait les oreilles écartées. Ses oreilles. Non, mais il avait les oreilles décollées. En fait, il a éternué, tu sais, en réinspirant, paf, elles sont passées dans sa bouche. Et puis hop, voilà, terminé. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est du coup, bête. Voilà, donc il doit se faire opérer. Donc comme moi, j'ai dû passer sur le billard pour truc d'oreille aussi cette semaine, que je me suis pété la gueule le lendemain parce que j'ai fait le malin et que voilà, j'ai joué mon ouais, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, j'ai pas besoin d'autant de repos que les autres. Tout va bien. Du coup, bah, j'ai mis la photo de mon petit bleu que j'ai eu sur le Facebook de l'émission. J'ai pas eu un bleu sur le Facebook. J'ai eu un bleu sur le dos, mais j'ai mis la photo sur le Facebook. Mais ce qui est bien, c'est que ça va dans les couleurs du site, quoi. Et ça va dans les couleurs du Facebook, exactement. Donc facebook.com/mikaelofficiel, vous allez voir, vous nous donnez votre avis. Moi, je trouve que ça va. Enfin, si vous êtes médecin ou secouriste ou urgentiste, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est ça. Et Lorraine, toi, justement, donc, t'es élève aide-soignante, c'est ça ? C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer pour Kevin, déjà, qui va se faire opérer, là ? Aide-soignante, c'est un peu comme infirmière. Ouais. À combien mesure? Non, ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes études. L'infirmière, elle a un grade plus élevé que la. Non, mais c'est la même tenue. C'est ça que je veux savoir. Ah voilà. Oui, bah, c'est la même tenue ou pas? Oui. C'est d'accord. À combien mesures-tu? 1m60. À combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 c. Et la taille d'un des pantalons que tu as acheté? 40. Ah oui, bah, je souffre. Oui, c'est ça, il souffre énormément. Si tu veux, je peux te mettre un coup pour que t'aies le même bleu que moi, non ? Ah oui, je souffre. Voilà. D'ailleurs, il y a Nadia qui dit oh, quand même, j'espère que ce n'est pas trop douloureux. Mais rien. C'est ça qui est bien, c'est que je ne sens rien quand je suis drogué des médicaments. Ouais, je n'ai aucune douleur. Là, je pourrais pas plus bouger que ce que je viens de faire. S'il n'est pas très radiophonique, certes, mais j'ai pas bougé beaucoup. Mais là, tu as fait un petit déhanché de lambada sur la ouais, couche. Ouais, c'est ça. Mais alors peut-être. Et puis Stéphanie aussi qui dit oh, tu fais bien ta chochotte pour rien. Hein. Merci Stéphanie. Effectivement, c'est vrai. Je dois l'admettre. En voyant ça, je me dis que j'aurais pu faire le déplacement et venir jusqu'à la radio. Mais oui, moi je comprends rien pas. Rien de grave. Parce qu'on t'a vu marcher jeudi avec Polo et franchement. Ça allait. Bah, t'aurais pu courir un marathon. Mais exactement, ouais. Bon, Lorraine, tout ça pour dire que est-ce qu'il doit s'inquiéter ou pas, Kevin, de l'anesthésie générale? Franchement, non. Ouais. Après, c'est vrai que moi j'ai fait un stage en chirurgie. Pour le coup, j'ai tout vu. Mais non, c'est. Après, s'il a peur, s'il est l'opération la veille, il peut demander à son médecin un calmant ou. Bah ouais, mais en fait c'est ce qu'on m'avait donné, moi on m'a donné un anxiolytique, j'ai dit mais pourquoi vous me donnez ça? Mais comme ça vous êtes relax, j'ai dit mais vous voyez pas que je suis relax là tout seul déjà, c'est pas la peine. Tout va bien, je suis hyper détendu. Mais oui, franchement j'étais à la cool, moi j'avais pas peur du tout, moi j'attendais qu'une seule chose, c'est de roupiller, hein. C'est tout ce que je voulais faire. Donc voilà, c'était tranquille quoi, c'était pépère. Et voilà, après au bloc c'est sûr que ça peut impressionner un peu, enfin moi j'ai fait une journée au bloc, c'est vrai que ça impressionne. Hein. Mais bien sûr. Des crises de panique, Ah mais il y en a qui ont peur, ouais, effectivement. Mais c'est le moment où la meuf te dit ouais, bon alors comptez à l'envers de 10 à 1 et que t'arrives jamais plus loin que 5. Ouais, et moi ça m'a même pas fait ça cette fois-ci, ils m'ont simplement dit bon ça va, tu sais on discutait, ils me disent bon allez on a du travail parce que j'en ai un autre patient derrière vous, hein, donc il a injecté le bordel, un espèce de liquide blanc comme ça dans le Baxter. Et puis je dis ouais bon bah tout à l'heure, bon boulot, et puis hop, je me suis endormi, c'était cool. Franchement, bonne relation, mais quoi. Ça va super vite, en fait. Ouais. Dès qu'il l'injecte, c'est ça, 3 secondes et c'est fini. Ah ouais, t'es mort, mais non, mais je veux dire, t'es fatigué, quoi. Tu vois, tu dors, quoi. Eh ben, merci, Lorraine, en tout cas. C'est dommage que Kevin soit plus là, mais on va essayer de le récupérer. Je te fais des gros bisous, Lorraine. Bisous. Salut, à bientôt, ciao à toi. Et puis la catastrophe également de la soirée. Le chat, donc Easy, vient de s'installer sur la veste de Polo. Ah là là là. Ça a été la catastrophe, je pense que. J'ai disparu là 2 minutes parce qu'il fallait que je le jette là. Évidemment, il a fallu qu'il le vire. Parce qu'on est en direct de chez moi, donc forcément en direct de chez le chat aussi, Polo. Hein. C'est ça, bah oui. Évidemment. Il s'est installé, en fait, je croyais qu'il allait faire son lit là. Oui, il s'était bien installé. Il allait faire une petite sieste. Exactement. Allez, restez sur Fun Radio. On va revenir dans quelques minutes. Mickaël No Limit avec le retour de Maeva, avec Laurine, avec Benjamin également. Toujours pour parler de l'anesthésie avec Fabio, on va se refaire un petit coup de colle également pour gagner le Samsung Galaxy S5 et la montre Gear Fit. Les deux valent plus de 800 €. Je vous les offre maintenant tous les deux en même temps. Si vous avez la réponse à la colle de Fabio, et la colle est donc sur le Facebook, tapez Mickaël officiel pour y répondre. Et puis pour les autres, quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé, noir, rose ou bleu? Si vous avez la bonne réponse, Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Vous restez là. Je vous l'ai promis, le son de Calvin Harris avec Summer, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous arrivez. Il y aura les appels de Toff également avant 22h sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Ferme ta gueule, gros bâtard. D'ailleurs, elle devrait nous rappeler. Ça fait longtemps qu'on a plus de nouvelles d'elle. Oh, ouais. Bah oui. Elle pourrait venir nous voir, on n'est pas loin. Bah, c'est vrai qu'on est. Non, on est très loin. Oh là là. On est en direct de chez moi, donc ce soir encore une fois jusqu'à minuit. Demain, retour à la radio. Voilà, demain, retour à la radio, quoi qu'il arrive, hein, je me démerderai. J'ai acheté mon billet, hein, c'est bon, il fait l'aller-retour, il a pris l'abonnement maintenant, Polo, pour venir jusque chez moi. Bon, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va revenir avec l'anesthésie de Laurine, Maeva et Benjamin dans quelques minutes. Et le son maintenant de Calvin Harris, c'est Summer sur Fun Radio. When I met you in the summer. Venez foutre le bordel le dimanche soir. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. And Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, toujours évidemment 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Depuis la Belgique, vous nous appelez, n'hésitez pas. On va d'abord, on va d'ailleurs écouter dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans quelques minutes? Il y aura le son d'Avicii avec Lay Me Down. Un de mes sons préférés pour l'instant, hein. Avicii, Lay Me Down, je vous le cadrerai. Il y aura aussi un son que vous êtes nombreux à demander également, le son de Black Pearl. De Rebel, pardon. Black Pearl avec Sydney House, ce sera Rebel dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis si vous avez envie d'écouter des sons, n'hésitez pas. Si je puis me permettre, je pense que c'est Rebel et Sydney House et le titre c'est Black Pearl. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Oui, si. C'est pas ce que j'ai dit? C'était pour être sûr. Ah non, mais je pensais. J'avais peur d'avoir mal compris. Mais, ah non, mais il faut pas. Mais je sais bien que tu ne te trompes jamais. Bah, exactement. Bon, on est toujours en direct de chez moi et Polo qui est en train de faire la vaisselle, donc c'est parfait. Alors continue. Il est en train de ramasser le café qu'il a fait tomber. T'es pas sérieux, t'as fait tomber un café? Oh là là, putain, je te jure. Bon, Timothée qui envoie un message qui dit: remontez-moi le moral, là, mes vacances viennent de se finir et demain j'ai cours. Écoute. Faut que ça s'arrête, hein. Bah oui, c'est ça, bah bonne chance. En même temps, dernière ligne droite avant la fin de l'année. Avant les grandes vacances, il y a Hugo Rio aussi. Petit bleu, c'est juste énorme le bleu, t'as failli te péter le dos. Non, mais. C'est exagéré. Je pense que c'est légèrement exagéré, Hugo Réo, hein, mais il y a Sarasvati qui dit: tu parles d'un petit bleu. Non mais bon, c'est il faut le voir de c'est vrai que j'ai pas fait une photo du corps complet, mais c'est parce que là le c'est en gros plan, mais si on le voit sur les 100% du corps, c'est pas grand-chose. Non, bah non. Voilà, ça couvre quoi, 2%. Non, c'est ça, c'est-à-dire que pris de loin, on pourrait croire que on a un schtroumpf, mais bah, sinon... Non mais non, t'embelles pas non plus, hein. Nadia qui dit: j'espère que c'est pas trop douloureux. Non, bah ça va. Lucie qui dit: oh putain, mais comment tu t'es fait ça? Une chute chute maladroite, complètement maladroite, et tombé comme un bon portugais que je suis sur du carrelage. Ah bah normal. Non mais c'est sur un coin, c'est ça qui va tuer. Bon, enfin bref. Bon, et Maxime aussi, le bloc de l'Est vote pour la Russie, les pays du Nord et les Balkans votent entre eux. On n'a donc aucune chance de gagner par rapport à l'Eurovision. Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait en début d'émission de ce fameux Eurovision. Bon, on va faire les appels d'offres dans quelques minutes et on va d'abord terminer sur l'anesthésie avec Laurine qui est de retour de Montpellier. Ah non mais Laurine, on t'a rappelé ou pas là? Oui, non. Ah bah voilà, bah si Sandro là pouvait travailler un peu, le discuter avec Victor qui pousse les boutons et a posté plein de messages sur le Facebook savoir qui a une grosse bite, ce serait pas mal, on aurait eu l'occasion de rappeler Laurine deux fois déjà. Je l'ai déjà rappelé, mais en fait on n'a pas le même son au standard et vous à l'antenne, du coup moi je peux pas savoir si vous l'entendez bien ou pas. Mais parce que là on a un écho dégueulasse. Est-ce que Victor a une grosse bite maintenant qu'on est dessus? Maintenant qu'on est dessus, Victor. D'accord. Victor qui pousse les boutons, donc qui est à ma place, voilà. Sans parler, Dieu merci. Bon, Laurine, attends, j'essaie de te reprendre encore après. Il y a Maeva aussi, Toulon, qui est avec nous, là. Salut Maeva. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Bon, oh, écoute, marrant, cette voix. Oui, c'est une petite voix de douce. Ouais. Je rappelle que les douces sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué ou qui, du moins, ont moins de 15 ans. C'est ça. Voilà, donc Maeva, toi tu vas pas muer, hein, mais on entend évidemment que tu as une petite voix toute douce, Maeva. Oui, toute fluette. Tout à fait. Bon, tu voulais réagir au niveau des opérations et des anesthésies, toi, Maeva? Oui. D'accord, ok, très bien. Alors vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es déjà fait opérer? Bah, en fait, moi je m'étais fait couper le frein. Comment et ça, le frein? La langue, en fait. Ah putain, tu m'as fait peur. Oui, je suis allé en dessous, c'est un frein. Mais non, mais je me dis, bah attends, mais c'est une fille, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? À 14 ans, je me suis fait couper le frein. Enfin, de nos jours, maintenant, tu sais, il n'y a plus rien d'étonnant. Oui, c'est vrai, il y a bien des gens avec des barbes qui... Non, mais c'est comme le joueur-joueuse, là, on sait plus trop bien, parce qu'en fait, donc c'est un mec qui a... Non, ouais, c'est ça, c'est un mec qui est devenu une femme, Mais sauf qu'en fait, il joue dans une équipe masculine et donc il se demandait s'il devait pas le changer pour l'équipe féminine. Ah oui, bah oui. Ça reste un homme. Bah c'est ça. Hein. Bon, et donc du coup, bah, Eva, tu fais enlever le frein de la langue, enfin opérer du frein en dessous de la langue, donc. Oui, et en fait, ça s'est bien passé du coup. D'accord, mais t'as fait opération anesthésie générale. Je sais plus, j'étais petite. Non, mais t'as dormi complètement, je veux dire, ou ils t'ont endormi un petit peu. Ils m'ont rien qu'endormi le truc. Ah, d'accord, ok, donc ça va. Putain, hey, moi je pourrais pas. Hein. C'est pas compliqué, moi je suis pour l'anesthésie générale, quoi qu'il arrive. Mm-hmm. Je préfère, hein. Putain, au moins t'es sûr que tu vis. Non, mais n'abusons pas, mais je veux dire, au moins tu vis pas le. Je veux dire, les dents de sagesse, moi je les fais en général aussi. T'imagines, les mecs sont là parfois en train de te démonter la mâchoire. Non, mais les dents de sagesse, ça dépend s'ils t'enlèvent les 4. Les 4, moi j'ai fait les 4. Ouais. Vaut mieux dans ce cas-là. Le médecin m'avait dit, si vous voulez, on fait 2 par 2. Je fais, non. En fait, une fois 4, ce sera parfait. Ouais, tu viens une fois et puis c'est fini. Non, mais c'est même pas ça, c'est que au moins tu vis pas le truc. C'est-à-dire que déjà tu vis le truc quand t'es réveillé, le mec il démonte la mâchoire, tout le bordel, et après tu sais ce qui t'attend la fois d'après, quand tu dois y retourner, tu vois. Non, je fais hop, anesthésie générale, et ça ira très bien comme ça. Bon, attends, bouge pas, Maëva, il y a Benjamin également qui est avec nous des Côtes d'Armor, ça va Benjamin? Oui, toi? Bah ça va, tranquille, ça va mieux là dans l'absolu, hein. C'est encore un petit peu mal au dos, ce petit bleu là qui guette, mais rien de grave quoi. Bon Benjamin, toi tu voulais aussi réagir, donc ça c'est ta grand-mère là qui apparemment a eu une anesthésie. Ouais, elle s'était réveillée pendant son anesthésie, ouais. Oh la pauvre, elle s'était réveillée, mais c'est-à-dire? Ben elle faisait une anesthésie générale pour ses deux poignets et elle s'est réveillée pendant l'opération. Mais réveillée ou elle est devenue consciente mais avec son corps qui dormait? Elle les voyait, elle voyait les médecins et tout. Ah oui, donc elle était réveillée, carrément. Elle s'est vraiment réveillée, ouais. Oh, putain, truc de ouf. Non mais attends, parce que... Est-ce qu'elle non, était... ça arrive, ouais. Ouais, mais est-ce qu'elle était réveillée, elle voyait les médecins, tout ça, mais est-ce qu'elle a quand même pu prévenir le médecin qu'elle était réveillée et du coup, bah, qu'il fasse le nécessaire pour qu'elle se rendorme ou pas? Bah ouais, ils ont vu qu'elle était réveillée, du coup, ils ont mis un masque pour qu'elle s'endorme et puis c'était bon après. Ah d'accord, ok, putain, mais ça t'imagines va. Un peu, c'est chaud quand même. Non mais t'imagines les mecs qui sont en train opération de... à cœur ouvert, quand ouais. Les mecs qui sont en train de t'écarter le en train de jouer avec le cœur. Ah regarde, il y a du champ. Eh, regarde Marcel. Et Henri. C'est ça. Ah non, c'est doit être... Mais non, mais même, t'imagines, ils sont en train de t'ouvrir le bide et t'as le... Comment le mec qui se réveille, ça doit être horrible. Ah, ça doit être de voir tes boyaux qui sortent et tout. Ah. Putain, mais je crois que tu regardes pas, t'es tellement en panique, je pense que tu fais pas attention à ça. Oh, tu sais pas. Je pense. Enfin, j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé, Dieu merci. Ah, mais j'espère que ça m'arrivera jamais. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, elle a été choquée, ta grand-mère, ou pas? Bah ouais, ça lui a fait bizarre. Bah j'imagine. Quoi. Bah oui, c'est clair. Attends, il y a Kevin aussi qui est avec nous, là, dans le Vaucluse. Salut Kevin, comment tu vas? Salut, ça va. T'es en forme? Ouais, je suis en forme, ouais. Bon, bah écoute, tant mieux, sois le bienvenu, Kevin. Il y a le chat qui est en train c'est de terminer les pizzas, hein, si jamais... Ouais, il a l'air de kiffer, on va bien manger. Très bien, bon appétit. Alors, Kevin, bon, toi, tu voulais réagir aussi à l'anesthésie, toi. T'as déjà fait anesthésie? Quelqu'un a fait anesthésie? Dis-moi. Alors, ouais, donc moi, j'ai été opéré 2 fois. Et en fait, ouais. Donc la première fois, c'était pour les dents de sagesse. Mm-hmm. Donc, bon, déjà, j'étais un peu stressé. Donc, je sais pas si, je te rappelle, ils nous donnent un petit cachet. Avant, pour style pour te dire pour te détendre, bon, déjà. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'ai eu. En fait, ils m'ont filé un anxiolytique, mais que j'avais pas besoin de ça. Mais enfin, ils m'ont filé quand même. Ouais, j'avais jamais pris ça de ma vie, donc tu vois. Tu sais, c'est les médicaments, les anxiolytiques, c'est les médicaments quand t'es stressé, nerveux, ouais, etc., qui te relaxent. Ça te rend super zen. Voilà, mais comme j'avais jamais pris ça, parce que je suis pas spécialement nerveux, j'avais jamais pris ça, donc du coup, pour moi, je pensais que ça marchait pas, je me rendais pas bien compte, en fait. Et puis, le mec, il me l'a donné, alors que j'étais déjà pas nerveux, le mec, il me l'a donné, effectivement, j'ai l'impression d'avoir les jambes qui planaient, tu vois. Enfin, tu sais, ça flottait au-dessus de son lit. Ouais, quasiment, ouais. Mais moi, quand je me suis fait recoudre, enfin. T'as graffé la tête parce que je me suis ouvert le crâne. Polo a eu un accident. Toi, ils t'ont fait ça à vif. T'es un homme avec toi. Bah, oui, évidemment, non, c'est un homme, Polo. Non, il m'a juste dit, ouais, je dis, oh, c'est pas grave, moi je veux rien et tout. Il m'a dit, si, vaut mieux. Et en fait, ils m'ont mis un masque. Ouais. Et c'est un truc hilarant. Et t'avais une vachement plus belle gueule, non? Et j'étais mort de rire. En fait, j'avais l'impression d'être défoncé, mais je l'étais d'ailleurs. J'étais mec, ouais, parce que Polo se défonce comme ça, vous le savez maintenant. Le mec lui racontait des blagues à Toto, à Polo, et puis du coup. Non, t'es là comme ça, en fait. Il te met le masque, il dit respirer. Et là, tu respires, et tout d'un coup, ta tête a fait. Et là, tu dis merde, je suis défoncé. Et j'étais mort de rire. Quand je me suis cassé la gueule avec mon dos, là, c'est aussi chez moi. Dans ma tête, ça a fait boum et boum. C'est pas le même boum. Mais non, tu vois, Polo, toi qui bois pas d'alcool, maintenant, tu sais ce que ça fait. Voilà, c'est ça. Donc finalement, tu vois, t'as quand même déjà été défoncé. Mais je suis défoncé à longueur de journée. Mais voilà, c'est ça, mais pas avec l'alcool, c'est autre chose. Mais pas pareil, oui, c'est autre chose, ouais. Bon, et donc, du coup, Kevin, après la suite, comment ça s'est passé? Ouais, voilà. Donc déjà, bon, c'est vrai que bon, les box, c'est pas vraiment comme dans les films. Déjà, ça, c'est sûr, c'est direct. Ah ouais. Et ouais, en fait, clair. Déjà, c'est pas Georges Clooney qui arrive pour te faire l'opération, hein. C'est sûr. Ouais. Voilà, déjà, c'est clair. C'est sûr. Et en fait, donc du coup, c'est pour ça, donc je me suis arrangé tout tranquille. Et en fait, ils ont commencé à me faire le décompte, donc en me jetant le produit. Et du coup, donc je refais le décompte. Et arrivé à la fin, je leur fais ouais, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous sentez là? Bah du coup, je dis ouais, je me sens un peu mal quoi. Et en fait, au bout de, on va dire, 10-15 secondes, paf, d'un coup, je suis tombé quoi. C'est. Mais bon, par contre, j'ai cru que c'était le docteur Mamour qui était rentré, qui était venu pour te sauver. Ouais, mais c'est le truc qui t'angoisse. J'ai eu peur que quand même, à ce moment-là, j'ai dit ouais, attends, t'imagines, je me réveillais pendant l'opération. Ou au contraire, tu t'endors pas ou un truc comme ça, c'est les mecs. Ouais, voilà. Moi, la première opération des dents de sagesse, ils m'avaient foutu l'angoisse, ces connards, parce que ils m'avaient, alors c'est bizarre, hein, mais je pensais que c'était ça, ils m'avaient endormi pendant que j'étais encore dans la chambre, et puis ils m'ont dit bah voilà, pendant qu'on va au bloc, vous allez vous endormir. Bon, tu sais, on avance, j'arrive dans le bloc. Et il a visité tout l'hôpital. Mais oui, les mecs qui préparent les lumières et tout le bordel, et puis il me dit ça. T'es toujours réveillé? Je dis ouais. Et il me dit bon écoute, c'est pas grave, de toute façon tu vas t'endormir, on va déjà commencer. Quel bâtard. Non, en plus j'étais petit, tu vois. L'autre il m'a foutu les boules. Je pensais qu'il avait commencé à me démonter la bouche alors qu'en fait j'étais pas encore endormi quoi. Alors que non, en fait il m'a endormi pendant que j'étais au bloc, il a juste inséré le truc et puis c'était plié quoi. Bon, et donc du coup Kevin, toi tranquille après? Ouais, après voilà. Bon, après c'est le réveil quand même qui est un peu bizarre quoi. Tu vois les yeux mais tu vois tout trouble quoi. Mais c'est normal avec tous les produits que t'as là. Mais ça fait bizarre quoi. Mais c'est clair, avec tous les produits que t'as dans le sang, c'est normal. Attends, il y a Laurine qui est avec nous de Montpellier. Attends, bouge pas Kevin. Laurine, t'es là Laurine? Oui, je suis là. Tu vas bien? Pour terminer sur l'anesthésie là, qu'est-ce qui t'est arrivé toi Laurine? Je me suis opéré les oreilles aussi. Ouais, de quoi? Et je me suis fait enlever un bout de cartilage en fait. Enfin, c'est pareil que recoller quoi. D'accord, c'est ça, ok. C'est pour la remettre en arrière. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, ouais. Et depuis, tu cours plus vite ou pas? Ça prend moins le vent, ça fait moins. C'est ça, c'est plus aérodynamique. Ouais, mais c'est ça. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'opération? Ça s'est bien passé. Faut pas stresser pour ça, quoi. Mais après, c'est juste un peu douloureux au réveil, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est normal en même temps. Hein. Ouais, mais c'est comme toute opération, tu sais, de là où t'as eu les plaies et tout, ça fait toujours un peu mal. C'est clair, c'est normal en même temps. Tu sais, on a ouvert le truc, on a essayé de passer, on a peut-être enlevé un truc, donc forcément, ça fait un peu mal le temps que ça se remette, ça c'est évident. Ouais. Mais bon, voilà, dans l'absolu, Kevin, qu'on n'a plus au téléphone malheureusement, mais ne t'inquiète pas, ça devrait bien se passer. Fais juste pas le malin quand ton médecin te dit reste couché, tu restes couché. Quand il te dit ne prenez pas de douche pendant quelques jours, lavez-vous pépère, faites ce qu'il vous dit, parce que le médecin est toujours plus intelligent que toi. Il faut rappeler quand même que Mickaël a une baignoire et donc il aurait pu prendre un bain. Oui, se noyer dedans. Bravo, oui, voilà, je serais mort aujourd'hui. Très bien avancé, tiens. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bah non, parce que t'aurais été couché, donc t'aurais pas eu de vertige et donc t'aurais pas. Ouais, peut-être que je l'aurais eu. Bah peut-être que pendant que je mets un pied dedans et hop. Et puis en même temps, t'es pas obligé non plus de mettre de l'eau jusqu'au-dessus de ta tête. Non, c'est vrai. Mais enfin, j'aurais pu me noyer quand même malgré tout. Oui. Voilà, donc mieux vaut ça. Mieux vaut ça, c'est vrai. Bon, Laurine, Kevin et Maëva, et Benjamin aussi d'ailleurs, merci d'avoir appelé Fun. Vous revenez quand vous voulez, tous les quatre. Y'a pas de soucis. Salut. Allez. À vous, à bientôt. Salut. Ciao et merci. Puis bon retour en cours également pour ceux qui reprennent demain là. Demain il va falloir reprendre un moment ou un autre. Mais il y a un moment ou un autre, faut y aller, hein. Eh oui, c'est un moment où il y a d'autres en vacances tout le temps. C'est ça. Bon, les appels de Tof dans quelques minutes également. Et puis on va prendre Saïd qui est avec nous de Brest. Salut Saïd, comment ça va? Ça va. T'es en forme? Hein? Je dis t'es en forme? Ouais, ça va, ouais, en forme, ouais. Bon, t'es dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de meubles a priori, Saïd. Moi? Ouais, parce que ça résonne. Non? Non, il est dans une bouteille. Oui, c'est ça, il est dans sa bouteille, c'est clair. Bon, Saïd, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Parce que ma copine est beaucoup jalouse. Ta copine est jalouse, très bien. Bah écoute, on en parle dans quelques minutes. Tous les jaloux et les jalouses, là, allez-y, c'est parti, vous nous appelez. Ils sont nombreux. Eh bah oui, bah ça c'est clair. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va en parler de la jalousie dans quelques minutes. On va faire les appels de Tof et puis on va prendre Fabio également maintenant de Rouen. Là. Fabio, t'es là? Fabio? Non, ils sont balayés. Non, mais il est pas sérieux. Ah, Fabio, t'es là? Oui, je suis là. Bon, très bien. Tu veux toujours ton téléphone ou pas? C'est ça, la question que je me pose là. Bon, je rappelle qu'il y a toujours le Samsung Galaxy S5 et la montre Gearfit qui donc a gagné. Et pour gagner justement, il va falloir que quelqu'un trouve la réponse plutôt à ta question. Vas-y pour la colle, Fabio, on t'écoute. Attends, s'il te plaît, quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide, le cul, français. Le cul, le trou du cul. C'est pas fini encore. Ouvert ou fermé, noir ou rouge. Ou même bleu, voilà. Bon, le je trou du cul. Quel est. Non. Quel est, non. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé, noir, rose ou même bleu. Voilà. Ouais, je voulais savoir juste, t'as eu combien ta dernière note en lecture? Ouais, parce qu'il y a encore un peu de travail, Fabio. Mais bon. Ouais, mais à 15 ans, ça devient chaud, quoi. Bah oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, ouais. Et Mickaël est la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, jouer en envoyant, bah, en allant répondre à la colle. Vous allez même pouvoir la lire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël. Officiel. Voilà, vous balancez vos messages, allez-y, rejoignez-nous sur la page Facebook, on est de plus en plus nombreux, on est 400, 2000, presque 3000 sur le Facebook, donc continuez à faire passer le message autour de vous. Demain, si vous reprenez les cours, bah, dites à vos potes également de venir nous rejoindre, hein, Facebook, Twitter et Instagram, et même sur le YouTube de l'émission, vous tapez M-I-K-L officiel. Je vous l'avais promis, le son maintenant de Black Pearl, c'est Rebel sur Fun Radio. Passez une bonne soirée, Mickaël No Limit en direct de chez moi ce soir encore une fois, et on est là jusqu'à minuit sur Fun. Mickaël. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct. Vous savez que si vous étiez avec nous jeudi, donc on a fait l'émission en direct de chez moi, il arrête de maltraiter ce pauvre chat là, putain, qu'est-ce qu'il. Il est à côté sur une chaise à côté, il ne fait rien et Polo qui le fout par terre exprès. Qui le maltraite. C'est genre c'est sa chaise. Mais non mais il a rien. Mais tu. Bon, il y a des griffes un peu violentes quand même, effectivement. Ah ouais. Et donc, on a essayé de le faire ronronner dans l'émission jeudi. Il n'a rien fait, on a terminé l'émission et il ronronnait, on dirait une vieille mobilette. Ouais, bah, c'est, ouais. C'est bizarre, hein, ouais. Salopard, les là, chats. Là, on essaye encore une fois, là, mais bon, ça marche pas des masses. Hein, on... C'est ça, les chats, tu sais, c'est pas sérieux, tu vois, ça t'en fume. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, les appels de Toff maintenant sur Fun Radio. Parlons de choses sérieuses. Toujours. Ben oui, bon. Est-ce que je peux coucher avec votre femme? C'était la question qu'on avait posée. Oui, bah oui, c'était pour la Earth Hour. Exactement, oui, tout à fait, la journée de la planète. Oui, puisque voilà, donc il y avait donc le WWF qui disait qu'il fallait faire une heure pour la planète, donc on éteint tout, et donc du coup, il y a Durex qui a dit, bah si vous ne pouvez plus rien faire à la maison vu qu'il n'y a plus d'ordinateur, tout ça. Faites l'amour. Exactement. Et donc moi je me proposais d'aller faire l'amour chez les gens. Voilà, donc on avait appelé. D'ailleurs, si vous avez des numéros de téléphone, bah n'hésitez pas, hein, des numéros de téléphone de gens très sympas, très gentils, très accueillants, etc., etc. Voilà, surtout pour demain, j'ai du lourd. Voilà, donc on a du lourd en plus pour demain. N'oubliez pas de donner les numéros de téléphone à Toff, toph@funradio.fr. Maintenant, c'est parti, on y va, on appelle. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec votre femme, parce qu'en fait, je suis un peu désespéré sexuellement. Et du coup. De coucher avec ma femme, fils de pute. Oui, c'est ça, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre. Je vais dire une chose, moi, mon gars. Oui. Si j'ai pas emballé ta tête à l'antenne de ma bagnole, c'est que j'ai un fond de bonté, d'accord? Excusez-moi, monsieur, mais c'est la journée de la gentillesse, vous pouvez pas être désagréable. Ah oui, bah voilà, ouais, c'est ça. Si, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Si j'ai pas attaché ta tête à l'antenne de ma voiture, c'est que j'ai un peu de bonté pour toi. Ouais. C'est que j'ai un peu de bon. Bon, on le rappelle du coup. Hein. Ah bah oui, il a l'air bon. Ah bah clairement, on y va, c'est parti. Ouais. Oui, excusez-moi monsieur, mais c'est la journée de la gentillesse monsieur, donc vous pouvez pas être désagréable. Attends. La journée de la gentillesse, tu m'appelles, tu veux savoir si tu peux coucher avec ma femme? Et tu crois que moi je vais être gentil? Bah oui monsieur, parce que c'est la journée de la gentillesse. Ah ouais. Bah tu sais quoi? On va faire une chose. Tu vas me filer ta mère et je vais te filer ma femme, d'accord? Bah non monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça marchait pas comme ça. Non bah non. Ça marchait pas comme ça, il a rien compris. Il a rien compris. Il comprend pas de quoi on lui parle, c'est dingue. Donc du coup, on rappelle. C'est normal. Allez. Mais t'as rien compris toi hein. Bah, je m'excuse monsieur, mais c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Bah c'est pas très gentil, tu m'appelles, tu vas savoir si tu peux coucher avec ma femme et tu crois que moi je vais être gentil avec toi. Bah oui monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Non mais t'as fumé, c'est pas possible, tu fumes, t'appelles les gens à cette heure là. Bah non monsieur, enfin je comprends pas, pourquoi vous dites ça? Et pourquoi je dis ça? Tu m'appelles, tu veux savoir si tu peux coucher avec ma femme. Oui. Réfléchis deux minutes, si moi je te pose une question comme ça. Mais j'ai pas de femme monsieur, c'est pour ça que je suis désespéré sexuellement. Ah bah justement, bah t'appelles pas les gens à cette heure là pour leur demander ça. Bah si. Je sais pas, moi t'es désespéré, tu vas aux putes et tu me fais pas chier. Bah non monsieur, c'est trop cher les putes, c'est la crise monsieur. C'est trop cher les putes, bah je sais pas moi, trouve une meuf gratos. Bah c'est pour ton cul, je sais pas moi, mais tu mens pas ça aux gens, tu peux coucher avec la femme, c'est quoi ça? Mais c'est pour ça que je voulais faire ça avec votre femme, monsieur, parce que c'est gratuit. Ah c'est ça, demande plutôt à ta mère, connard. Oui, c'est. C'est gentil, toujours dans la gentillesse, toujours dans la bonté, toujours dans la grande classe. Mais oui. Toujours agréable, quoi. Toujours dans la paix et l'envie de partager. Ça, exactement, c'est et ça, c'est magnifique. Bon, d'autres appels dans moins d'une heure sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute. Hein. Et puis, on va prendre Saïd maintenant, le retour de Saïd, donc de Brest, qui nous appelait parce que sa copine est jalouse. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait, Saïd là ? Donne-nous peut-être quelques exemples un petit peu plus précis. Bah, en fait, c'est que quand je pars au boulot le matin. Attends, t'es sûr que t'as pas de kit main libre ou le haut-parleur ou quelque chose, non ? Non, non. Ah ouais, bon bah. T'es dans quelle pièce là ? T'es dans les chiottes ? Non, je suis pas dans les chiottes. T'es où ? Dans mon salon. Non, mais y'a le l'huissier, il est passé prendre les meubles ou pas ? Non, parce que ça. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho comme si t'avais pas de meubles ou un truc comme ça. Si, j'ai des meubles, mais c'est un appartement pourri. Ah d'accord, ok, ça doit être ça alors. Bon, alors du coup ça... Arrête de maltraiter le chat, putain. C'est un truc de ouf ça quand même. C'est dingue. Mais personne ne maltraite personne. Pauvre minou. Oh là là. Tu dis Saïd? Mon chat, parce qu'il bouge les fesses. J'ai vu que... Il parle à son chat à lui. Ouais. Ma copine, elle me suit. Je joue au boulot par exemple. Et elle me suit pour savoir qui je suis. Attends, j'essaye de décrypter. Alors, s'il me dit déjà moi avec un casque, j'essaye de décrypter. Faut pas demander ceux qui sont en voiture. Donc, tu dis que quand tu vas travailler, par exemple, ta copine essaye de savoir avec qui tu es. Ouais, voilà. Bah, et ça peut être simplement de la curiosité. Bah, dis-lui, tu peux lui dire. Ouais, je peux lui dire, mais moi, je bosse... y a rien à craindre, je bosse qu'avec des mecs. Bah alors. Bah, et alors, ça n'empêche pas, peut-être qu'elle est jalouse, elle a peut-être peur que tu changes de bord. Hein. Non, moi, je suis pas du bord de... On sait jamais, après elle peut peut-être pas forcément le savoir. Mais attends. Quoi qu'il en soit, quoi ? T'as dit quoi ? T'es pas du bord de quoi ? Moi je suis pas pédé, Ah d'accord. D'accord, ouais, mais voilà, on a compris. Donc du coup, ben voilà, après pourquoi pas, mais bon, dites-nous ce que vous voulez savoir, parce que... Enfin, dis-moi plutôt si t'as pas d'autres exemples, parce que bon là c'est un peu maigre qu'elle te demande avec qui t'es. Bon bah oui, pourquoi pas, bah, quand tu vas au travail. Combien de fois elle le fait aussi. Ouais, ça dépend effectivement. Si tu pars le matin et qu'elle t'envoie 15 messages pour savoir minute après minute ce que tu fais avec qui t'es, bon là effectivement c'est un peu lourd. Mais si le matin elle te dit tiens tu vas bosser avec qui aujourd'hui. Ah oui d'accord, ok. Oui non, vu comme ça d'accord. Vu que... Ah ça c'est un truc que je supporte pas, la jalousie. Bien envoyé, c'est pas mon chef quoi. Bah oui, bah c'est normal, en même temps t'as qu'à couper ton téléphone ou tu la bloques, tu vois, j'ai trouvé ça aussi comme, j'ai même pas vu ça, tu sais, sur l'iPhone par exemple t'as un truc pour bloquer les appels, oui, enfin oui. Pour bloquer les gens, et donc du coup bah t'as qu'à la bloquer le matin quand tu pars et tu la redébloques quand tu rentres, comme ça t'as été tranquille toute la journée. Ça va être encore pire, oui, pourquoi tu m'as bloqué, c'est scandaleux, tu vois une meuf. Voilà. Ça c'est le truc où elle va te prendre la tête quand tu rentres quoi. Non mais oui, mais bon, mais quand t'es bloqué t'arrives sur le répondeur. Ah oui, ah bah ça va, tu diras que t'as plus de batterie, que ça. Non, mais t'as qu'à dire que ton boss il veut plus que tu aies le téléphone et c'est normal en même temps, t'es pas censé. Dis pas ça, après la meuf elle va appeler le boss, elle va lui faire un sketch. Ouais. Non, moi je connais des meufs, elles font ça. Oui, pas faux. Bon, dites-nous les filles, les garçons, est-ce que vous êtes déjà tombés sur des mecs qui étaient jaloux, des meufs jalouses, comment ça s'est passé ? Si vous avez des petites anecdotes à nous raconter, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Mais en même temps, Saïd, est-ce que tu lui as déjà dit que ça te saoulait et que bon, il y a un moment tu faisais rien de mal et que tout allait bien quoi? Ah ouais, ça me saoule quoi. Non mais est-ce que tu lui as déjà dit à elle? Bah oui, j'ai déjà dit à elle, mais elle comprend rien, j'ai pas rien moi. Oui, non mais d'accord, ok, bah à ce moment-là il faut lui expliquer hein, il faut lui expliquer les choses, enfin tu vois, tu lui dis écoute, moi je peux plus continuer comme ça, c'est à dire que soit tu me fais confiance, soit il y a un moment on s'arrête. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? À faire 2 ans. Ah, 2 ans, et ça fait 2 ans qu'elle est chiante comme ça? Oui. Oh là là, putain, laisse tomber quoi. Oh là là, laisse tomber. Attends, il y a Julien qui est avec nous également là. Salut Julien. Salut. Comment ça va ? Ça va. Ah, on t'entend mieux que Saïd en tout cas, ça fait plaisir. Bah, il a plus de meubles. Hein, ah bah là oui, là oui. Là, oui. Bon, Julien, t'appelles de Toulouse, toi, en Haute-Garonne. Ça va, t'as kiffé un peu ? T'as écouté Linox là ou pas ? Ouais. Ah, t'as kiffé ? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est très bien, Julien. Bon, alors, il a fait beau aussi aujourd'hui d'ailleurs ou pas ? À Toulouse ? Non, il a plu toute la journée. Non ! Ah oh, bah comme quoi finalement ? Ah mais comme quoi du coup il y avait du monde à l'inox. Oui bah du coup il y avait du monde à l'inox effectivement ouais. Bon alors du coup non mais comme on nous avait pas invité à l'inox, je me suis dit ouais. Putain fait chier, mais comme il a plu, tu vois, je me dis finalement ça va, voilà, tu vois, pas de regret, pépère, tranquille. Ouais. Ah oui. Bon alors Julien, toi tu voulais réagir par rapport au par rapport à la jalousie, t'es déjà sorti avec une meuf jalouse Julien ? Ben en ce moment oui. Ah en ce moment, alors explique-nous un petit peu là, explique. Ben je suis trop jaloux et en fait quand. Je pète des crises de jalousie et je tape dans les murs. C'est toi qui es jaloux. Ouais. D'accord, oui, c'est tout l'inverse justement là pour le coup de Saïd. Mais quel intérêt, Julien ? techniquement, est-ce que tu t'es déjà, au moment où t'es calme, comme là maintenant, tu te poses et tu dis, à quoi ça sert en fait? Tu vois, tu vas faire quoi de taper sur le mur? Le mur va gagner par rapport à ton poignet, hein, je te le dis direct. Hein. Non, mais que ce soit clair, tu sais, parce qu'il y a des gens que parfois qui sont, tu sais, ils pensent qu'ils vont casser le mur. Non, le mur gagnera toujours. Enfin, sauf si c'est du placo, mais je veux dire, si c'est un vrai mur, le mur gagnera toujours. Et encore, moi, avec du placo, je suis pas sûr que ce soit le placo qui perde. C'est vrai, non, mais ça, c'est clair. Mais je veux dire, il y a un moment, ça sert à rien, Julien, de s'énerver, là. Quel intérêt? Surtout que 99% des chances, enfin, des fois même, où vous vous énervez parce que vous voyez votre copine avec quelqu'un, vous vous faites des films, enfin, des trucs qui n'existent pas. Alors que toutes les fois où tu t'es pas énervé, là, allez voir un autre. Elle a peut-être, effectivement. Non, mais tu vois, je veux dire, cet énervement qui sert à rien, tu sais, si tu dois t'énerver à chaque fois que ta meuf parle avec un autre mec, quel est le problème? Enfin, elle parle avec qui elle veut, jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Tant que t'as pas de preuve de l'adultère. Oui, tu la grilles en train de rouler un patin à l'autre mec, ou en train de coucher avec un autre mec, là tu peux t'énerver. Et encore, ça sert à rien, mais enfin tu peux. Mais si elle parle avec quelqu'un, tu sais, les mecs hyper jaloux, c'est pas possible, c'est que t'as pas confiance en toi, Julien. C'est que tu te dis, putain, en fait, je suis pas assez bien, j'ai la meuf, je suis pas assez bien, donc ça veut dire que n'importe lequel qui passe, elle va pouvoir se barrer. Ouais, mais et le pire, c'est qu'après, ça déteint sur la meuf qui devient elle-même parano du fait que son mec pourrait gueuler. Ah oui. Moi je me souviens d'une meuf, on était allé, je sais plus, c'était au parc Astérix, quoi, et donc on doit faire l'attraction et c'est deux par deux. Et donc je vais pour monter avec elle et tu sais je vais pour faire un selfie, elle me fait non, on va pas faire de selfie, j'ai peur que mon mec le voie. Mais on est dans une attraction, on fait rien. Ah oui, je me souviens de ça. Ouais, mais non, je préfère pas. Bon, OK. C'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est le genre de truc, c'est les mecs. Non, mais parce que ça va être la crise après. Oui, bah enfin, quel est le problème? C'est ça, alors qu'on faisait rien, tu vois, c'était juste une attraction, quoi. Bah oui. Bon, on aura Margot dans un instant aussi pour parler de ça. Julien, mais merci à toi d'avoir appelé. Et reste calme, tout va bien, ça ne sert à rien de s'énerver. De toute façon, elle te trompera à la fin. Mais pas forcément, dit-il. Il est gonflé, lui, alors quand même. Hein. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Ah non, mais moi je sais, c'est pour ça que je le préviens. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah salut Julien, en tout cas. Ouais. À bientôt, ciao à toi. Saïd, reste avec nous. On aura Jordan aussi dans quelques minutes. La réponse à la colle de Fabio, ce sera dans quelques instants également. Toujours avec le Samsung Galaxy S5 et la montre Gear Fit à gagner. Si vous la voulez, justement, cette montre et ce Galaxy S5 tout nouveau, tout neuf. Je rappelle d'ailleurs aussi que ça vaut quand même 800€ le package. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Un petit cadeau plutôt sympa. Facebook.com/MIKL officiel. Et puis, vous allez répondre à la colle de Fabio. Réponse avant 22h30. Sur Fun Radio, justement, à suivre dans un instant le son d'Avicii. Un de mes sons préférés pour l'instant d'ailleurs, hein, ce sera Lay Me Down et ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio et en direct de chez moi d'ailleurs accessoirement, hein, toujours à cause de ma petite chute. C'est petit bleu du coup qui en résulte dans le dos. J'ai vu quelques messages sur le Facebook qui disaient ouais mais c'est rien par rapport à mon... Bon, je fais pas un battle, je m'en fous en fait. Hein. Je fais pas un battle de dire genre je suis presque au bord de la mort, donc je suis premier à dire que c'est pas catastrophique, c'est un bleu, tu vois. Et bon, il est un peu balèze, c'est vrai, mais bon, c'est un bleu. Donc c'est surtout que Toff a insisté. Mais oui, c'est ça, c'est Toff qui a voulu que je mette la photo, ce que j'ai fait. Mais oui, mais c'était pour montrer que tu as dû souffrir quand même. Oui, non, bah ça je confirme. Donc voilà, c'est quand même impressionnant. Oui, hein. Oui, il est un peu grand, c'est vrai. Bon, facebook.com/MIKL officiel, allez voir si vous l'avez pas encore vu. On va offrir aussi le Samsung Galaxy S5 et bien entendu la Gear Fit qui va bien. C'est à gagner avant 22h30. Donc facebook.com/MIKL officiel également. On va récupérer Saïd avec sa copine qui est jalouse, Laura, Margot et Océane qui voulaient donner leurs avis. Et puis on va évidemment se faire le canular qu'on fait d'ailleurs tous les dimanches soirs. Et puis bah là, du coup, comme on est en direct de chez moi, on peut difficilement en faire un nouveau, donc on va se refaire un ancien. Et comme on est dans à la fin de la saison, hein, PSG, OM, souvenez-vous, c'est avec Aurélien qui justement est avec nous maintenant là. Salut Aurélien. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Ça va nickel, et vous? Bah écoute, plutôt tranquille, hein, plutôt bien, hein, plutôt à la bing, à la bing, à la bing. À la bing, à la bing. Eh ouais, comme je vois que tu appelles de Marseille. Eh ouais, Eh bah qu'est-ce que tu veux. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va faire un petit canular avec toi, hein, puisque c'est la soirée. Mais on fait quoi exactement? Tu veux qu'on appelle qui? Tu veux qu'on fasse chez qui? Chez mon cousin là, de Marseille, dans les stacks, dans le 16e. En fait, on est des winners, tu vois. Ouais. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à ses messages, en fait, tu vois. Et, pourquoi

Laura, Margot, Océane et Saïd, donc pour parler de la copine de Saïd qui est extrêmement jalouse. On va également récupérer Fabio là pour la colle de ce soir et qui va vous permettre peut-être de repartir avec un Samsung Galaxy S5. Je vous en parle dans quelques minutes, le temps d'écouter le son de... Eh ouais, Avicii qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Avicii avec Lay Me Down, c'est ce qui arrive sur Fun Radio juste après la pub. Ça arrive dans 20 secondes sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio, 20h minuit, nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël sur Fun Radio. Fun Radio, nos limites. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, en direct de mon salon pour le coup, encore une fois, c'est vrai. Hein, oh, on est bien. Bah oui, il y a les photos d'ailleurs, on a mis les photos jeudi, bon on a pas refait depuis, mais enfin c'est les mêmes. Hein. Vous allez sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel et puis la colle de Fabio aussi dans quelques minutes. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, humide ou sec, ouvert ou fermé, noir, rose ou bleu. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse, envoyez ça par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique, et vous pouvez aussi bien entendu jouer sur le Facebook de l'émission. Et pour gagner, là c'est facile, vous allez simplement lire la colle, vous y répondez, si vous êtes tiré au sort c'est gagné. Voilà, facebook.com, tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre comme les quasiment 403 000 personnes qui sont dessus en quelques mois seulement. Merci beaucoup en tout cas d'être tous les soirs de plus en plus nombreux. On écoute le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio, c'est Lay Me Down. Tiens, il y a Moumoun qui dit mon dieu il pète les plombs dans le canular, bah oui. Et Fun de Fun qui dit Paris capitale du monde. Il y a Sophie qui dit mort de rire, il a l'accent du sud à fond, je kiffe comme il parle. Ah oui, c'était rigolo. Hein. Allez, on en fera l'autre des canulars cette semaine. La bonne soirée, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, toujours en direct jusqu'à minuit, comme tous les dimanches d'ailleurs. On est en direct avec vous, vous balancez comme d'habitude vos messages, évidemment qu'on lit, bien sûr, notamment sur le Facebook et le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Il y a Brandon qui dit ton émission fait rêver. Oh bah c'est gentil Brandon, merci beaucoup. J'ai adoré le canular là, je te nique t'es mort là, c'est Hugo Réo qui avait envoyé le message. Marseille on t'encule, je suis plié, c'est Fred S34, va niquer t'es mort. Il y a Nadia aussi qui dit oui j'avoue que le bleu il est présent, un sacré hématome, rétablis-toi bien et merci d'être à l'antenne. Mais de rien, j'allais pas vous laisser tomber, c'est juste que j'avais un peu de mal à me déplacer, mais voilà, là en l'occurrence la radio est venue à moi, donc pas de problème, on est là. Les miracles de la technologie. Bon, je peux difficilement bouger quand je propose un café Apollo, bon faut quand même le temps de la pub plus un disque pour aller le chercher, mais sinon ça va. Ah oui, mais c'est normal. Sinon ça va, il y a Jijong Yu qui dit je suis devenu accro à vous, je vous adore, je me demande comment je vais vous écouter quand je retourne en Corée. Alors écoute, il y a une solution toute faite si tu vas en Corée du Sud. En revanche, en Corée du Nord, je n'ai pas de réponse. C'est plus compliqué. Je ne peux pas te donner de solution pour nous écouter. En revanche, je suis sûr que Kim Jong-un il nous écoute. Peut-être. Bien sûr. D'ailleurs, je rappelle qu'on est premier sur le dictateur. Hein. Premier, ouais. Totalement. Il y a Salma aussi. Je trouve qu'avoir un mec jaloux, c'est trop cute. Non, c'est super chiant. Un mec jaloux, Salma. Sincèrement, c'est-à-dire qu'au début, ouais, tu trouves ça bien parce que tu dis putain le mec fais attention à moi et tout, mais il y a un moment quand tu vois que tu ne peux rien faire parce que le mec est toujours en train de te faire chier, le mec ou la fille, hein, à te poser des questions pour tout n'importe quoi, je peux te dire que ça te saoule un moment. Ouais, parce que c'est pas parce qu'il est jaloux qu'il va te faire le petit déjoli, qu'il va t'amener des fleurs, qu'il va venir te chercher à la sortie du taf, c'est pas vrai. Hein. Ah bah je confirme. Non, il va juste te prendre la tête quand t'arrives à la maison pour savoir où t'étais. Exactement. D'ailleurs, en parlant de fleurs, je rappelle que la semaine prochaine c'est la fête des mères en France, c'était ce week-end en Belgique. Oui. T'as offert quoi maman? Un Kindle. Un quoi? Une liseuse. Ah, une liseuse, oui, la tablette. Ah, oui, la tablette Kindle. Sous les conseils de Polo, je lui ai acheté ça. D'accord, elle est contente? Ça a l'air un peu difficile pour les premiers, mais une fois qu'elle sera dedans, je pense la ça va. La Fire, là? Ouais. Elle est bien de Amazon, elle est énorme. Tu lui dis, sinon Polo viendra un week-end pour lui expliquer comment ça fonctionne. Avec plaisir. Fera le mode d'emploi en échange d'Astoum Carotte. Voilà. Déjà, quand elle a vu qu'il y avait genre 50 000 livres gratuits, déjà ça a changé sa vie. Ah bah oui, gratuit. Ah mais oui, mais sérieux, pour quelqu'un qui aime lire, c'est la farandole. Bah ouais, bah c'est ça. Bon bah essayez-la sinon. Bon, il y a Margot aussi qui est avec nous pour TV là. Salut Margot. Mais t'allais pas dire un truc à propos des fleurs? Bah donc c'était la fête des mères la semaine prochaine et que ce week-end c'est en Belgique. Je pensais qu'on allait offrir des bouquets de fleurs mais non. Non pas du tout, enfin, c'est pas prévu en tout cas. Bon ça va bien Margot? Oui ça va. Bah écoute ça va bien tranquillement Margot. Alors t'as passé un bon week-end? Ah oui très bon week-end. T'as fait quoi? J'ai fait l'amour tout le week-end, je me suis fait c'était génial. Non mais vendredi soir j'ai fait une grosse soirée avec des copines et des potes et puis bah c'était calé, c'est trop toujours bien. Parmi Non. Bah là, elle est sur les fins des vapeurs d'alcool. Voilà, c'est ça. Donc, j'imagine que l'appart ou la maison doit être dans un état dramatique. Margot, encore à cette heure-ci ? Non, ça va encore. J'ai fait le ménage hier soir en rentrant du taf. Non, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie ? Bah, je suis étudiante, mais je travaille dans un restaurant le samedi soir. D'accord, ok, très bien. Bon, alors Margot, toi tu voulais réagir par rapport à la jalousie, notamment avec la meuf de Saïd qui est hyper jalouse, toujours là Saïd ? Ouais. Oui. Très bien. Alors vas-y Margot, c'est quoi ton avis toi par rapport par rapport à la jalousie ? Est-ce que t'es jalouse ? Est-ce que t'es déjà tombée sur un jaloux, etc., etc. Bah, je suis tombée sur un jaloux, mais moi encore ça allait. Enfin, j'ai réussi à gérer ça, mais moi j'étais très très très jalouse. D'accord. Au point où j'envoyais des messages toutes les minutes à un de mes ex, et s'il me répondait pas, je pétais un câble. Toutes les minutes. Non mais t'as pas autre chose à faire ? Non mais c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, tu te prives de ta soirée et de tout juste pour envoyer des messages et prendre la tête à ton mec. Ouais, parce que j'avais peur qu'il trompe ou qu'il aille voir ailleurs ou qu'il soit avec des filles et tout. Et dès qu'il parlait des filles, ben je pétais un câble. Mais exactement, tu sais que ça n'empêche pas. Hein, ça n'empêche pas. Moi, j'ai déjà baisé des meufs en envoyant des messages à une autre pour lui dire que tout allait bien. Donc, quelle salope. T'es vraiment une salope, toi. Donc ça te sert à rien, ce que tu fais. Non, mais après, effectivement, il peut te répondre n'importe quoi à partir du moment où t'es pas à côté. Tu fais quoi? Je regarde la télé. Non, après, ce que tu peux demander pour foutre la merde, c'est de faire une petite visioconférence, un petit FaceTime ou. Non, il y a pas ça de réseau, je suis désolé. Mais en général, j'allais sur Facebook et je demandais de mettre la cam, et quand tu voulais pas la mettre, ben, je lui pétais un cap par un message par après. Et il y a des fois, je me suis vu débarquer chez sa mère pour péter un câble pour le voir. Mais quelle horreur Margot, mais c'est horrible. Moi franchement, j'ai une meuf comme ça, mais je la dégage direct. Ouais, moi tu débarques chez ma mère comme ça, je pense que tu peux. Ah mais elle te dégage direct aussi. Ouais, c'est clair. Elle peut sortir son rouleau à pâtisserie et te défoncer. Voilà, c'est ça. Ouais. Non mais c'est un truc de dingue. T'as quoi ? J'ai changé depuis. Ah. Qu'est-ce qui t'a fait changer ? Ouais, qu'est-ce qui t'a fait changer ? Justement, en fait, mon copain de l'époque, il m'a prouvé qu'il tenait vraiment à moi en fait. Oh. On a passé un week-end tous les deux. Et il m'a dit on va laisser notre téléphone chez nous. Donc on a laissé notre téléphone, lui il a laissé son téléphone chez lui et moi j'ai laissé le mien chez moi. Mmh. On est parti un week-end entier en amoureux au bord de la côte dans un hôtel. Oh, oh so sweet. Oh. et puis il a pris l'initiative tout seul de supprimer toutes les filles qu'il draguait sur Facebook, de bloquer les numéros de téléphone des filles qu'il draguait. Ouais. Oh. Et après, quand il allait en soirée, je le harcelais plus, mais c'est plutôt lui qui m'envoyait des messages pour me dire ça se passe bien. Ah, oh, c'est cool. Ouais. Oh, t'as vu, c'est mignon. Non, mais c'est bien, c'est Et bien. T'es toujours avec lui ? Non, je suis plus avec lui, j'ai cassé 2 mois après. Mais ouais, je l'ai trompé. J'ai trompé. C'est vrai ? Non, c'est pas ça, c'est parce que je supportais plus, en fait, t'es devenu trop attentif à moi. Ah d'accord, trop attentif. Non mais t'es pas sérieuse là quand même, j'espère. Ça c'est bien les meufs, t'sais. Ouais non, je suis hyper jaloux, j'ai tout. Et puis après c'est non, il est trop attentif. Non mais c'est quand même ouf là, cette réaction là. Tu le trouves pas là, non? Oh là là. Alors que lui il a tout fait pour toi. Non mais c'était vraiment vraiment vraiment trop attentif. C'était du genre, je pouvais pas me rouler ma cigarette toute seule. Je pouvais pas aller me servir un verre d'eau toute seule. C'est ta faute. Non mais ça c'est parce que t'étais maladroite, il voulait pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais non mais tu lui as cassé les couilles pour ça, il t'a donné ça et t'es pas contente. Non, elle est pas contente, voilà, c'est ça. Ah, c'est bien une meuf ça. C'est exactement ça, c'est un truc de dingue quand même. Bon attends, on va quand même prendre la vie d'Océane qui est avec nous maintenant de Rennes. Salut Océane. Salut Mickaël. Comment ça va ? Bien et vous ? Bah écoute, très bien Océane. C'est un nom très bien Océane, hein. C'est oui aussi, mais bon après. Bon, de salade aussi, non? Ou de pizza, c'est ça, hein, une pizza Océane. Salade, ouais. Salade Océane. Ouais, la pizza aussi, la salade. Oui, bon bref. Enfin tous les trucs où il y a un peu de poisson et de la morue. Oui aussi, hein, effectivement. Bon alors du coup, ah oui, je rappelle aussi que tout à l'heure on fera aussi un merde, quand on appelle ça un jeu de l'impro, exactement. Donc si vous voulez jouer avec nous, on a des cadeaux pour vous, on a des casques DJ notamment. Donc si jamais ça vous intéresse, tout à l'heure match d'impro, on fait ça tout à l'heure vers trois quarts d'heure à peu près. Donc vous inscrivez maintenant, vous appelez Sandro là, qu'elle bosse un peu là, parce que j'ai appris qu'elle avait commandé des sushis alors qu'elle a quand même bouffé les 2 heures. Donc vous appelez maintenant le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique pour jouer au match d'impro. Le principe est simple, on vous donne un thème, vous êtes 2 auditeurs et vous devez tenter d'être le meilleur improvisateur. Mais c'est parce que là elle avait faim, parce qu'elle a fait beaucoup de sport aujourd'hui. Oui, bah ça doit être ça, ça doit venir de là effectivement. Bon, Océane de Rennes, alors bienvenue à toi ma chérie. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène, toi? Tu voulais réagir par rapport aux mecs et aux meufs jalouses? En fait, c'est pour expliquer que c'est mon ex qui était comme ça, en fait. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, j'étais restée pratiquement un an avec lui. Ouais. Et en fait, j'avais pas le droit de sortir toute seule sans qu'ils viennent. En fait, j'avais pas le droit d'aller voir des copines à une fille ou des copains garçons. J'avais pas le droit d'aller le voir sans lui, en fait. Ah, ah oui, c'est... Putain, le mec était pas du tout relou, quoi. Et le problème, c'est qu'il habitait chez moi pendant 5 mois et pendant 5 mois, il m'a pourri ma vie, quoi. Ah, mais t'as dû vivre un enfer, en fait. Bah ouais, tellement qu'une fois, j'étais énervée après lui parce que... Il arrêtait pas de me casser les nerfs, du coup bah j'ai pris sa tête et pendant qu'il mangeait, je l'ai mis sur la plateau en verre. Mmh. Ah, c'est bien ça. Et c'est-à-dire que, enfin, il en est ressorti comment de cette histoire? Bah rien, il avait juste une bosse pour aller en cours. Ah bon, ça va. Oh bah alors ça va, eh bah, tout va bien alors. Non mais c'est vrai. Ça, non mais ça aurait pu être pire. T'imagines, ouais. Le plateau il éclate et puis il a plein de bouts de verre dans la tête. Non mais c'est vrai. T'imagines un peu, t'aurais pu le tuer. De 5 cm, donc il risque. Ah oui, non, ça va. Non mais enfin, t'aurais quand même pu lui faire bien mal, quoi. Hein. Ouais, ouais, oh, mais bah, il avait mérité. Ouais, mais bon, comme c'est lui qui me faisait plus le mal, il m'énervait. Il voulait pas que je sorte, même pour aller en soirée avec des super amis que j'ai perdu à cause de lui. Bah maintenant, je regrette d'être sortie avec lui, quoi. Mais t'as resté combien de temps avec lui? Je suis restée 12 mois avec. Bah pratiquement un an, mais pendant 12 un mois an, pratiquement un an, ouais, oui. C'est le problème du 13. C'est la fatigue. C'est le problème, c'est comme on dit aux gens qui ont un 13e mois maintenant, alors du coup ils s'en sortent plus. Ouais, c'est non, comme non, avec non, les bébés, les bébés, tu sais, alors on compte en semaines pendant je sais pas combien de temps, puis après c'est en mois. Oui, il a 24 mois. Oui, il a 24 mois, oui, donc il a 2 ans. Non, il a 24 mois. Ah bon, d'accord, OK. Quel âge il a? 30 mois. Oui, 2 ans et demi, donc. Non, 30 mois. Et puis je sais pas ce qui se passe, à un moment, tac, tu comptes en année. Il a 3 ans. Voilà, c'est ça. Après tu comptes en année, c'est totalement différent. Non mais je comprends pas, je sais pas comment ça se fait que tu changes ta manière de compter. Non mais c'est les Pampers qui ont fait ça. Ah oui. Parce que sur les boîtes de Pampers c'est écrit en mois, parce que du coup ça doit être plus facile pour eux. Ouais, pour en termes de marketing, ouais. Ouais, peut-être, coup, ouais. Du coup, après c'est rentré dans la tête des gens. Il y a peut-être de ça, ouais. Bah, attends, on va prendre Joël également, qui est avec nous de Bruxelles. Salut Joël. Oh, c'est Joël. Ah oui, c'est Joël. Joël. Oui, ça va Joël? Attends, j'ai coupé le son. Je vais aller me faire un café, moi. Ouais, je tiens juste à rappeler que cette séquence est sponsorisée par Johnny Walker. Tout à fait. Bon, Joël, tu voulais réagir à Saïd aussi par rapport à la copine jalouse, hein, comme Margot et Océane qui sont avec nous. Bon, alors Joël, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par rapport à la jalousie? Ah, bah, parti. Ah oui, c'est super intéressant ça, Joël. Mon ex, c'est tellement jaloux qu'il m'a fait un coup de boule. C'est quoi ton ex qui t'a fait un coup de boule? Oh là là, c'est pas triste, mais c'est comme ça. Non, mais explique, parce qu'on n'a pas compris. Il lui a mis un coup de boule, je crois. Non mais j'ai compris ça, mais pourquoi? Non mais peut-être il faut prévenir les gens que ça va être l'histoire la plus décousue qu'ils n'ont jamais entendue. Ouais. Où tu vas, ce que tu fais. Je travaillais, il travaillait pas. Et j'étais un double emploi. Tu faisais en un fait, quoi? Un deux sans toi? Non, un double emploi. Un double emploi. Ouais. En fait, j'ai travaillé la journée comme vendeuse en charcuterie. Gros but, Joël, comme d'habitude. À chaque fois que tu passes à l'antenne, toujours gros but. La nuit. Et alors, je travaillais la nuit évidemment pour lui et j'ai perdu mon travail à cause de lui. Oui. Alors, vous aviez mangé quoi? J'étais tellement jaloux qu'il se renseignait pas de tout le monde. Il y a, t'es passé à telle heure là-bas. Qu'est-ce que t'as fait ta journée? Une relation de couple, quoi. Des questions, t'as fait quoi, ça a été ta journée, machin, enfin tu vois, un truc standard, quoi. J'avais des copines, ils étaient jaloux, mais lui pouvait aller avec ses copains, et moi je pouvais rien faire, mais je pouvais l'aider à travailler en plus de mon travail. D'accord. Mais je crois qu'il travaillait et pas. Et alors, un jour, j'ai dit, j'en ai marre. Tu nous entends, Joël? Je suis en stéréo, là. Tu es en stéréo. Mais tant mieux, un petit peu comme nous, tout le monde, je pense. J'ai coupé ma radio, peut-être. Ah voilà la bonne solution. Alors tu sais quand même, alors Joël, je vais quand même t'expliquer un truc. Donc là on fait l'émission en direct de chez moi parce que j'ai eu un petit bobo et t'es à Uccle, donc pas loin de Bruxelles. Joël, par pitié. Écoute, quand je suis en train de parler, arrête, je t'en supplie, coupe la radio. Et donc t'es quand même la seule meuf où il y a. Joël, est-ce que tu peux arrêter? Écouter 2 secondes, s'il te plaît. Grosso modo, donc entre toi et moi, on doit y avoir 15 km de allez, 20 km grand max. Et donc t'es quand même la seule meuf avec qui ça pose un gros problème. On a eu des gens de 7, on a eu des gens de Marseille, on a eu des gens de Lille, on a eu des gens de Paris, on a eu des gens de partout. Ça n'a pas posé de problème. Toi, t'es à 15 km et il faut qu'il y ait de l'écho, que machin, qu'on n'entende rien, que tu répondes avec 3 heures de retard, je comprends pas. Là, regarde, à Rennes et à Pontivy, là, à Margot et Océane, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez bien? Okay, oui, tout à fait. Bon, bah voilà, ça marche très bien. Et il n'y a que Joël qui comprend rien. Mais je crois que ça vient pas du téléphone. J'ai un mauvais GSM, excuse-moi. Ça doit être ça, ça doit venir du téléphone, effectivement. Maintenant que tu le dis, je suis con. J'ai fait tout pour gagner un GSM nouveau, machin. Essaye de gagner un téléphone portable, par exemple. Mais essaye de gagner à l'occasion, c'est bien aussi ça. Et en plus, on va l'offrir un dans 5 minutes, figure-toi. Joël, bah écoute, merci d'avoir appelé Joël. Mais attends, on sait toujours pas pourquoi son mec était jaloux. Ouais, mais c'est bien. Merci Joël. Quoi? Bah merci d'avoir appelé. Ah, t'as pas raconté ton histoire, merde. Bon, alors vas-y, droit au but, Joël. Et c'est dans le sommaire, c'est fait comme Mickaël, t'as dit tout droit. C'est chaud, quoi. Bon, alors, vas-y, l'histoire. Donc, machin, travail et tout. Donc, vous vous êtes quitté, donc. Ben, pour finir, j'en pouvais plus parce que, à la longue, j'essaye d'avoir. La goutte a débordé le vase, tu vois. La goutte a débordé le vase. Mais c'est la formule. La formule correcte, ouais. Ouais, la goutte, elle courait à côté du vase, hop, elle l'a débordé. Non, par la droite. Bon, et donc la goutte a débordé le vase, et puis. Oui, elle m'a dit. Bah, le vase s'est noyé. C'est moi qui ai fait l'ombre. D'accord, bah très bien, bah c'est parfait, ouais. Non, mais vraiment, elle était jalouse. C'est lui qui me trompait. Alors, excuse-moi. Ouais. Oui, bah, je suis désolé. Bah, écoute, je t'en prie, je t'excuse. On est désolé, vraiment. Je t'excuse, sans problème. Bah, écoute, exactement, mes condoléances aussi. Mes condoléances à la goutte. Mais par contre, il m'a fait quand même un beau cadeau. Parce que dans tout ce qui est mauvais, il y a toujours quelque chose de bon à récolter. Et qu'est-ce que je demande de ça? Eh bien, mon fils. Oh, so sweet. Eh ben écoute, va t'occuper de lui, Joël. Eh ben j'imagine. Je crois qu'il est temps d'aller le coucher. Tout à fait. Bon ben Joël, merci d'avoir appelé en tout cas. Et quand tu veux, hein. Mais en tout cas, un bon conseil que je peux donner, hein. Il faut pas être trop jaloux. Il faut. Non, parce que la jalousie peut être très mauvaise. Il faut laisser respirer son âme. Oui, laissez-le respirer comme les pieds, il faut pas mettre trop longtemps dans la chaussure. Ouais, il faut prendre des hommes Gore-Tex. C'est pas que les chaussures chaussent, hein, excuse-moi. Hein. Non, mais je t'excuse. Quelle pointure, excuse-moi. Voilà. Et donc la jalousie, c'est mal. Bouh. Tout à fait. Comme tu dis, tout à fait. Exactement, oui, c'est nickel, mais c'est pas grave, c'est pareil. Oui. Je crois que t'es bien rétabli, hein. Oh là là, très bien. On l'embrouille pas. Très bien. Bon. Mais il n'empêche que, écoute, Joël, malheureusement, il y a du monde encore, mais. Voilà. Et c'est ça l'amour. Voilà, la jalousie, voilà, c'est mal. Bon, gros bisous, Joël. Merci d'avoir appelé, hein. Et on t'aime, Joël. Salut, Joël. Ah, merde, putain, ça, quand on fait des émissions qui ne sont pas dans le studio, dès que je pousse sur le bouton, hop, le truc s'arrête. Ah, zut. 5 minutes 50, ça a duré quand même avec Joël, hein. Putain, vous avez fait votre bien, bravo à tout le monde, en tout cas, hein, c'est bien. Ça a été, Margot, Océane, là, vous êtes encore avec nous, vous êtes encore vivante. C'est pas facile quand on a Joël. Elle est gentille, hein, mais bon, elle a tendance à raconter sa vie. Oui, bon. Enfin, elle a surtout tendance à raconter des trucs incompréhensibles. Elle a tendance à raconter un peu des trucs incompréhensibles, c'est vrai. Bon, Saïd, moralité. Donc, t'as noté tous les conseils que Joël t'a donné? Ouais. Parce que, attends, c'est quand même Joël qui a donné les meilleurs conseils de la soirée. Enfin, c'est que Saïd, si jamais t'as pas eu le temps de noter, on la rappelle et elle te réexplique, hein. Parce que, bon, Margot, c'était intéressant, mais bon. Bon, Océane, moyen. Mais Joël, je veux dire, là, c'était the conseil of the conseil. Hein. Évidemment, Joël, on était pas au top. On était au top du top. Évidemment, dans la folie totale, même. Bon, d'ailleurs, s'il veut, on peut lui donner le numéro de Joël s'il veut l'appeler en privé. Évidemment, sans problème. Mais non, parce que sa meuf va être jalouse. Ah ouais. Et là, il y a de la jalousie qui peut y avoir, hein, ça c'est clair. Bon, Saïd, quoi qu'il en soit, écoute, parle avec ta copine, mets-lui un ultimatum. J'aime bien utiliser ce mot-là. Un coup de pression. Écoute, tu lui dis, voilà, moi, je peux pas sur la jalousie, c'est pas possible. Soit tu me fais confiance et effectivement il ne se passera rien parce que je t'aime, parce que si, parce que ça, et il n'y a pas de problème. Soit tu continues à être jalouse et vaut mieux qu'on arrête là parce qu'il y a un moment, tu vois, c'est pas possible. La jalousie, c'est bien à toute petite dose, mais il y a un moment, la jalousie, ça tue plus le couple qu'autre chose, hein. Ouais. Moi, je dis ça, c'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Tu es Mickaël, tu as la science infuse. Voilà. Ça a tellement infusé que ton dos explose. Oui, exactement. Oui, tout à fait. On a oublié de la retirer de la théière. C'est ça. Bon, ben, Saïd, tiens-nous au courant quand tu lui auras parlé, d'accord? C'est délicat ou pas? Bah, écoute, ou pas. Vas-y, une seule personne, choisis la bonne. Délicat, ça, c'est mes potes supporters du PSG. Très bien. Eh ben, voilà. Les paris. Pas de problème. Salut, Saïd. Salut. Ciao à toi. Et merci Margot, merci aussi Anne d'avoir appelé. Merci. Et vous revenez quand vous voulez, les filles. Une dédicace, s'il te plaît. Vas-y Margot. Bah, moi j'aimerais bien faire une dédicace à François qui est en train de m'écouter et à toutes mes potes, à Amélie, à Océane, et que je les aime pas, et je leur fais des gros bisous. Très bien, bah, les messages sont passés, il n'y a pas de problème. Salut Margot. Salut. Ciao et Océane, bah, gros bisous à toi aussi. Hein. Je vais faire une dédicace aussi. Si allez, vas-y pour terminer, Océane. Je fais une grosse dédicace à mon doudou qui m'écoute aussi. Mon doudou. Ça marche. Le message est passé. Gros bisous, Océane. Merci, je t'embrasse. Gros bisous. À bientôt, salut, voilà. Ciao. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on aura Florian avec nous. Salut Flo. Salut Mickaël. Ça, ou t'as un doute, toi, non? Allô? T'es un doute, toi, non? Non. Non? Ah bon, comme ça, j'aurais pensé. Non, je suis français. Oui, c'est drôle. Bon, Florian, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, le Lyonnais? Alors, moi, ma copine, elle m'a plaqué pour une autre meuf. C'est bon ça. Non, on ça, va en parler dans bon. Quelques minutes, Flo, là, bouge pas de là. Et puis on aura aussi Jordan, et puis on aura aussi la réponse à la colle dans quelques minutes, les appels de Toff aussi. Et puis, bah, comme promis, le son de Mr. Probs qu'on écoute sur Fun Radio à 22h31. On est en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit ce soir en direct de chez moi. Quelques petits problèmes au niveau du dos, c'est Waves qu'on écoute maintenant. Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. D'ailleurs, vous pouvez aller voir que le chat, donc Easy, qui gère la maison, hein, surveille Polo actuellement. Enfin, actuellement, là, il y a quelques instants en tout cas. J'ai mis la photo sur le Facebook de l'émission. Pour aller voir, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Grâce à ça, vous allez pouvoir voir que l'émission se déroulera parfaitement jusqu'à minuit. Et si le sous-chef avait des doutes, comme bon, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas de chef, il n'y a personne ici de la radio, puisqu'on est chez moi, s'il avait un doute, qu'il se rassure, le chat gère. Ah oui, non, on sait bien qui c'est le chef ici. Ah bah le chat est là, donc tout va bien. Easy a pris les commandes du merdier, là, tout va très bien. facebook.com/mikaelofficiel, allez voir et voilà. Mais qu'est-ce que tu fous, Polo, là? Bah, je crois qu'il putain, il est en train de démonter la cuisine, là. Qu'est-ce que tu fous, mec? Bah, je crois qu'il a tué la machine à café, là, on va plus avoir de café, là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pété la machine. Putain, il a pété la machine à café. Non, mais c'est un truc de ouf, il faut toujours qu'il pète tout, quoi. C'est un truc de dingue. Oh là là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est fini, plus de café. Ouais, enfin bon, moi c'est pas très grave, hein, c'est pas comme si j'en buvais, mais bon. C'est surtout lui qui va être malheureux, hein. Moi je m'en fous, il a quand même. Alors bon, c'est une machine Nespresso. Il faut quand même savoir qu'il est venu jeudi, qu'il est venu aujourd'hui, et que Polo et Toff, surtout Polo, ont quand même démonté plus de 30 capsules de café. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que. Non, parce plus, que moi, je me souviens, il y a le présentoir, il était plein de café, là il doit rester 3 capsules, quoi. Ah bah il reste plus rien, là, c'est la folie. Toff, il en a bu au moins 20, ouais, ouais. J'en ai bu 5. Et bah ça doit être ça, ouais. Bon, il y a Alex qui est avec nous également, là. Salut Alex, avant d'appeler le gagnant. Salut. Ou la gagnante, là. Salut Alex, ça va bien? Salut Mickaël. T'es en forme? Oui. Ah, c'est une fille, Alex. Ah ouais, fille. Je pensais à un garçon, donc je suis plutôt agréablement surpris, donc c'est plutôt pas mal. Soyons agréablement surpris, Alex, combien mesures-tu? Non, pas rapport. Tu l'as déjà fait, ça. C'est ça, je l'ai. Eh ben voilà. Eh ben tu regardes dans ton cahier, tu fermes ta gueule. Eh ben, t'as bien raison, Alex. Bon, Alex, toi tu nous appelais pourquoi? Par rapport à la jalousie. La jalousie, bah oui, très bien, alors vas-y. Ouais, c'était pour réagir par rapport à Océane. Parce que bah moi aussi j'étais victime de la jalousie maladive, hein, et de la possession. Ouais. Et pour dire franchement que bah ça détruit une personne quand on vit ça. C'est un vrai calvaire d'avoir quelqu'un qui bah tout simplement qui va nous dire bah tiens, pourquoi t'as 5 minutes de retard, faut que tu t'habilles comme ça, faut que tu fasses ça. C'est vraiment, mais c'est, il y a même pas de terme, quoi, c'est insoutenable. Ah oui, c'est un support, mais ça c'est ce que je dis, hein. La jalousie c'est juste une galère sans nom, quoi. Au début c'est un peu mignon et encore, mais sur le long terme c'est insupportable. Et encore ça dépend, tu vois, t'as la jalousie, genre le mec qui est inquiet, ouais bah t'as fait quoi, tu sais, genre il montre un intérêt quand même, il veut savoir ce que t'as fait ta journée pour savoir. Mais à un moment quand c'est tu peux pas sortir, tu dois pas t'habiller comme ça parce que les mecs, il faut pas qu'ils te regardent comme ça, tu t'habilles comme une pute, mais tu m'habilles comme je veux, tu vois ce que je veux dire, à un moment faut pas déconner, quoi. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis justement, quoi, ça fait un petit message à tous les auditeurs qui sont un peu trop possessifs. Bah arrêtez vos conneries, quoi. Exactement, et voilà, c'est ça. Arrêtez vos conneries, réfléchissez un petit peu. Il y a également Florian, reste avec nous, Alex. Florian qui est avec nous de Meurthe-et-Moselle, à Verdun. Salut Florian. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut ma gueule. Salut. Comment ça va? Bon, ça peut aller, ça va. Bon, très bien, bah, bienvenue à toi. Bah écoute, c'est gentil, Florian, là. Bon, alors, toi, tu voulais donner ton avis aussi par rapport à la jalousie, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai une amie qui a été victime de la jalousie de son mec. Elle avait interdiction à la fin de m'appeler, de prononcer mon nom, de ah oui, c'est, ça va loin, de là. Voir et d'avoir de mes nouvelles. n'importe quoi. Mais... c'est comme les mecs qui sortent avec une meuf et puis à un moment ils croisent l'ex de la meuf. Tu sais qu'ils sont prêts à lui péter la gueule. Oui. Mais l'autre il est pour rien quoi. Bah, déjà ils sont sortis ensemble. Bon bah voilà, c'est bon, c'est terminé. La question, t'étais quoi pour la meuf en fait? T'étais juste un pote? J'étais son meilleur ami et son confident. Ah oui, mais c'est tout, t'as pas couché avec elle? Non, je suis jamais sorti avec elle. Et bah j'ai alors. Couché avec elle. Non, mais son mec même il pas un pas doigt supporté. Non, mais à côté de ça, je veux dire, il y a un moment, faut revenir sur terre. Déjà, la meuf, si elle est avec vous, ou le mec, hein, ça marche dans les deux sens, hein, c'est qu'il ou elle vous kiffe. Donc, c'est pas la peine de commencer à dire, ouais, mais tu kiffes un autre. Mais arrête, au plus tu vas être chiant comme ça, au plus je vais effectivement avoir tendance à aller raconter mes problèmes à quelqu'un d'autre. Et peut-être que je vais me rendre compte que le mec avec qui je sors est un relou et que, ben, je vais peut-être aller m'en taper un autre, effectivement, ouais, pourquoi pas. Mais il y a un moment, faut réfléchir, quoi. Voilà. Réfléchissez. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était la bonne parole. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'était magnifique. Soit tu te fais sucer, Tom, soit il y a le chat qui est en train de bouffer une couille. Qu'est-ce qu'il y a? Il était en train de m'escalader la jambe. Ah oui, c'est rien. Il y avait une tête de mec qui se met à pomper le dard. J'aurais préféré. Hein. D'ailleurs, allez voir hein, Easy, donc le chat qui surveille Polo d'un air, très ferme sur le Facebook de l'émission. Allez voir ça. Ouais. Bah, merci Alex et merci Florian d'avoir appelé en tout cas par rapport à la jalousie. Vous revenez quand vous voulez tous les deux. Salut. Merci Mickaël, salut. Salut à vous, merci d'avoir appelé Fun, à bientôt Flo, à bientôt Alex, à bientôt, ciao, bye bye. Et on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, tiens, bah oui, Samsung Galaxy S5 plus la montre Gear Fit. Il y a Fabio avec nous, t'es là Fabio? Oui, je suis là. Ouais, très bien, et donc on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, Fabio, donc tu restes là. Celui qu'on appelle maintenant, et eh bien s'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne et tu perds, bah ouais, j'espère. Et si jamais la réponse n'est pas bonne ou... qu'il ne décroche pas, Fabio, c'est toi qui gagne le Samsung Galaxy S5. On y va, et la montre Gear Fit, bien sûr, qui va avec. Allez, c'est parti, on y va. Allô? Allô, salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Grégory. Comment tu t'appelles? Grégory, attends, hey, Fabio, t'emballe pas, là. Il n'a pas encore donné la bonne réponse, ne bouge pas. Bon, Fabio, fais péter la colle pour voir si Greg a la bonne réponse. Et applique-toi pour la lire. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair? Peut-être. La liaison. Non, c'est pas la même chose, il y a une liaison qui peut être claire. Qui peut être clair ou... Peut-être, qui peut être. Qui peut être clair. Cours de français. Oui. Non, mais c'est comme ça. Je suis portugais, non. C'est normal. Non, mais alors moi aussi je suis portugais, je dis peut-être quand même. Donc qui peut être... qui peut... Alors recommence. Donc, vas-y. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut... Qui peut être. Qui peut être. Allez, tu recommences. Là, t'es portugais, c'est caray. Caray ou... Bordel de merde, tu vas lire cette phrase correctement ou pas? Allez, on recommence. Allez, bordel, on recommence. Allez, un parpaing après. Allez, un parpaing, on y va. On fait monter moi. Allez, vas-y, Fabio. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose que... Qui peut être. Allez, hop, tu recommences. Bordel de merde, tu vas recommencer. Allez, hop, on recommence. Quel mot commençant par la lettre C désigne quelque chose qui peut être clair ou obscur, virgule, humide ou sec. Non, humide ou sec. Humide ou sec. Non, bah non, humide ou sec. Humide ou sec, virgule. Humide ou sec, ouvert ou fermé, noir ou rose, même bleu. Voilà. Donc, alors, Greg. Oui. Après cette lecture très laborieuse. Quelle est à ton avis la bonne réponse pour le Samsung Galaxy S5 et la montre Gear Fit? Le ciel. Ouais. Ah il est content, ouais. Ah il est content, il est content, il est content. Ah bah voilà, bravo. Voilà la Samsung Galaxy S5 et la Gear Fit pour toi. Tu sais imiter l'accent portugais ou pas Greg? Moi? Ouais. Bah un petit peu, tu vois, parfois je fais les chantiers, parfois je le fais pas. Ouais, super, c'est drôle ça, tiens, c'est bien. Bon, allez, Greg, tu vas rester au standard. Les poils. Ouais, c'est ça. Tu vas rester au standard, on va prendre les coordonnées, on va t'envoyer le Samsung Galaxy S5 et la montre Gear Fit. Et puis, tu reviens quand tu veux. Salut Greg. Allez, merci beaucoup en tout cas. Ciao à toi, bye bye. Et puis Fabio, bon bah écoute, merci de passer. Hein. Non, la pack Love in Fun, c'est pas possible, malheureusement. Tu n'as pas appelé la bonne émission. Mais un pack fun, oui. Oui. Ouais. Bah dis donc, tu te fais chier, tu le dis, hein. C'est bon, tu vas gérer ça avec Sandro, Fabio, d'accord? Ouais. Salut Fab, à bientôt. Ouais. Ciao à toi. Allez, bye bye. On va se faire les appels de Toff du coup avant de récupérer Flo dans quelques minutes. Bah ouais, appel de Toff maintenant donc. Et c'était, si mes souvenirs sont bons, à quoi vous pensez quand vous vous masturbez? Ah oui, une très bonne question. Oui, un très bon cru. Ah oui. Allez, c'est parti. Bon. Bah oui, on y va. On appelle le premier maintenant. C'est parti. Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Non, mais ça va pas. Non, vous êtes malade ou quoi là? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? C'est quoi ces manières? Bah, c'est pas des manières. Je vous demande juste à quoi vous pensez. Non mais attendez, c'est quoi ça? Bah c'est une question. Oui bah attendez, je pense mon mari va vous dire ce que je pense. D'accord. Pour ce coup on va... Qu'est-ce qu'il y a, allô? Oui bonsoir monsieur, en fait voilà je vous appelais parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Tu veux ma main dans ta gueule? Oui tu vas l'avoir. Tiens, viens ici, tu vas voir, parce que je pense à quoi. J'ai pas bien compris la femme, on va le rappeler du coup. Hein. Deuxième appel, allez c'est parti, on y va, on rappelle le monsieur, enfin le petit couple très sympathique là. Adorable. Trop. Oui, excusez-moi, mais... Fais pas chier parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir ce que j'aurai ton numéro. Je suis prêt à venir te casser ta gueule, toi. Espèce de pourri de bâtard. Culé de bâtard. Il est un peu énervé, hein. Un peu. Bon, du coup, on le rappelle encore un petit coup, évidemment. Allez, c'est parti. Dernière. Bah oui. Tu vas faire chier ton monde longtemps comme ça? Pourquoi toute cette violence, monsieur? Tu me fais chier, que cette espèce de con. Si t'as rien d'autre à foutre, va dans les toilettes, t'en surmets toi-même et... Saloperie, va. Petite saloperie. Petite saloperie. Ça lui va bien, ça. Ouais, complètement, ouais. Ça lui va comme un gant. D'ailleurs, j'ai appris que la masturbation augmentait l'espérance de vie. C'est vrai? Ouais, du coup, je me branle plus. Eh ben, écoute, t'as bien raison. Allez, restez sur Fun Radio. Je vous cale dans quelques minutes le son de Katy Perry. Ce sera Birthday, puis on va également jouer au match d'impro. Donc si vous voulez jouer avec nous, il y a des casques DJ à gagner. Vous nous appelez maintenant, vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est Mickaël No Limit et on est en direct jusqu'à minuit comme tous les dimanches sur Fun Radio. Mickaël No Limit, le dimanche soir 20h minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct, évidemment, de chez moi, avec le chat qui gère toujours Polo. Hein. Elle a bien grillé, en fait, que c'était le plus chiant d'entre nous. Et donc, du coup, elle est là, elle gère. Elle le surveille. Voilà, Izzy est là, elle gère la baraque. Donc, vous pouvez voir, il y a la photo que j'ai mise sur le Facebook de l'émission. Tapez facebook.com/emickaelofficiel. Alors, je sais pas si vous avez vu également le gros fail d'Adriana Lima. Je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu sur YouTube là. Oui, c'est énorme. Je vais vous mettre la vidéo sur le Facebook là pour expliquer. En fait, elle fait sa star devant un groupe de paparazzi, hein, sauf qu'elle ne voit pas le rétroviseur du bus et elle le prend en pleine gueule en fait. Et tout bim, simplement. Et bim dans la tronche. Donc, voilà. Donc venez nous dire aussi si vous êtes déjà tapé la honte devant plein de gens, comment ça s'est passé, comment vous êtes sorti de ce merdier. Vous nous balancez vos messages maintenant, hein, facebook.com/emickaelofficiel, ou alors vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. C'est déjà arrivé, Toff, la honte en pleine... C'était en pleine rue, j'étais en train de mater le cul d'une meuf et en même temps j'écrivais un message et j'ai pas vu le poteau quoi. Ah c'est con ouais. Oui ça fait archi mal. Ouais. Et donc en plus la meuf que j'étais en train dont j'étais en train de mater le cul bien sûr s'est retournée et a très bien compris pourquoi j'avais pris le poteau. Aha. Donc c'était parfait. Et toi Polo? Oh moi il m'en arrivait plein, je me suis vautré dans le métro en sautant à l'époque, j'ai sauté la grille. La grille comme ça et en fait il pleuvait. Ah ouais. Tu voulais prendre en fraude? Ah mais oui je prends en fraude cette merde de métro et tout. J'ai aucun remords, c'est des chiens, des scènes qu'on. Bon bref. Mais qu'il a pas l'arrache. Il a un peu la rage actuellement là. Des comptes à régler. Tu vois, je retombe et en fait il pleuvait donc il y avait de l'eau partout. Ouais, et t'as glissé. J'ai glissé, j'ai failli shooter un mec en costard. J'avais honte, mais j'ai rigolé en même temps. Très bien. Pardon. Et démonte pas toute la maison, j'ai s'il pas fait te exprès, plaît. J'ai là, pas t'as déjà cassé la machine à café, donc un peu de respect. En parlant d'Adriana Lima, j'ai déjà vu. Je l'ai vu à Miami. Ouais. Il a essayé de la serrer dans l'aéroport. Non, mais ça a pas bien marché. Mais non, parce qu'à l'époque. J'étais avec Toff, on partait, enfin j'étais avec Toff. Ils étaient en couple? Non, on est parti à Miami, en vacances. Et donc, moi, on a fait 2-3 fois, te rappelle, parce qu'on repassait à chaque fois à la douane, parce qu'on avait un problème d'avion. Ouais. Parce que notre avion avait été volé. Exactement. On n'avait plus d'avion, donc il y avait des tornades ou je sais pas quoi. Et donc, on a été on devait gérer notre droit retour. But, hein, comme avec Joël. Et donc, et à un moment donné, je fais mon deuxième ou troisième passage, je m'assieds comme ça et je me tourne comme ça et je vois une meuf splendide, oh, immense, une bombe de meuf. Et je me dis, mais je l'ai déjà vue quelque part. Et c'était elle. Ouais, elle était là avec sa fille et puis son mari. Mais elle est super souriante, super belle. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était une ex à moi et puis il m'a dit non, elle est trop bonne. Oui, non, ça c'est clair. Il n'y a pas photo. Ouais. Je vous ai mis la vidéo sur le Facebook hein, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir, c'est rigolo. facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, vous allez voir ça, vous me direz, vous me donnez vos avis, puis vous me dites aussi là si vous avez déjà eu des hontes. Voilà, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme connerie devant tout le monde et que vous dites bon putain la honte de chez honte. Vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On attend tous vos messages évidemment. Bon alors Florian qui est de retour. Ouais. Bon, très bien. Florian qui nous appelle parce que avec sa petite voix, Douce et fluette, exactement, veut nous expliquer que ta meuf t'a quitté pour une autre meuf, Florian, c'est ça? C'est ça. Et t'as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord, ok. Et déjà, ta meuf s'est barrée avec une autre meuf? C'est ça. Et quel âge est là, elle? Elle a 17 ans. Ah putain! Il m'a fait peur. Putain, vient de se faire attaquer par le chat encore. Arrête un peu, elle est toute gentille là, regarde. Comment c'est qu'elle vient jamais m'attaquer moi? Mais parce que tu dois la traumatiser toi. Mais n'importe quoi, et là j'arrête pas de la défendre, t'as rigolé ou quoi? Depuis tout à l'heure là, d'arrêter de gueuler dessus. Hein, Izzy? Bah oui, voilà, tu vois, elle est tranquille là. Ouais, elle est tranquille, ouais, jusqu'à la prochaine connerie. Mais non, oui, ça elle en fait beaucoup, ça c'est sûr. Bon, donc du coup, Florian, pour en revenir aux choses sérieuses, donc tu disais que ta meuf s'était barrée avec une autre meuf, et donc quel âge elle avait, elle? Elle avait 17 ans. Elle a 17, d'accord, ok. Comment s'appelle l'autre meuf? L'autre meuf, elle s'appelait Elodie. D'accord, et ta meuf? Bah, Elodie, pareil. Ah, deux fois Elodie. Dis donc, Florian... Tu joues de quel instrument dans le grand orchestre moi, du, je de, dirais, des enfumeurs? De la mythomanie. Moi, je dirais ça, moi. Le pipeau. Ah ouais, t'es pas mauvais en pipeau, toi. Florian, t'aurais quand même pu faire l'effort de moi trouver deux prénoms différents. Ouais, t'aurais pu dire Elodie et Vanessa, ça serait passé, tu vois, t'en aurais pas voulu. Voilà, t'aurais dit Elodie n'importe quoi dans l'absolu, ça serait passé. Hein. Tu voulais dire quoi, l'antenne, sinon? Même Thérèse, ça marche. Hein. Flo? Non, mais c'est vrai, c'est ma meuf, elle m'a quitté pour une autre meuf. En gros, je l'ai vue. Et elle s'appelle toutes les deux Elodie. Elle a créé un deuxième compte Facebook. Elle mettait ses messages en privé, mais... Et je sais pas mais comment j'ai réussi. En fait, j'ai fouillé dans son portable et elle avait tout effacé sauf un message. Ouais. C'était son deuxième Elle a tout effacé sauf le message qui incrimine. Sauf ce message. Ah ouais, le message qui t'a permis, toi, Sherlock Holmes, de trouver la vérité. Non, mais attends, mais ok. Bon, alors imaginons que t'étais peut-être un petit peu perturbé parce que tu passes à l'antenne avec les deux prénoms, etc. et que cette histoire est effectivement vraie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? De quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Attends, cette fois-ci c'est Izzy qui a attaqué Polo. Ça, c'est marrant, je croyais qu'il y avait avec moi qui l'attaquait. Non, elle attaque que les connards. C'est normal, elle était dressée pour, elle n'attaque que les merdes. Ouais, ce qui est marrant, c'est que moi elle me met des patates en fait. Mais elle a raison. Mais elle a raison. Bon, et donc Flo, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour toi si cette histoire est vraie? Ah bah voilà, il est parti, donc c'est ça. Donc on peut rien faire pour lui malheureusement. Et c'est prévu, hop là, l'affaire est pliée comme ça. Bon, on va parler des hontes, tiens, justement. Tiens, il y a Pierre qui est avec nous de Brest. Salut Pierre. Nickel. Comment ça va? Bien et toi? Bon, écoute, tranquille, sois le bienvenu Pierre. Alors Pierre, toi tu voulais parler des hontes, hein. Qu'est-ce que t'as déjà fait comme pire honte? En fait j'étais au collège, donc en plus j'étais en CM, tout content, et j'avais confondu ma trousse avec une chaussure de sport, et c'était quasiment devant tout le collège en fait. Attends, c'est-à-dire que t'as essayé de mettre tes pieds dans ta trousse? Non, j'ai confondu ma chaussure de sport avec ma trousse. Et du coup, ça fait qu'en voulant sortir ma trousse, et ben, j'ai sorti ma chaussure de sport. Ah oui, donc tu t'es retrouvé avec ta basket sur le banc. Oui, voilà. D'accord. Ah, c'est pas mal. Oh, ça va, c'est pas la pire honte non plus encore. Non, ça va, ça reste... Un peu quand même, parce qu'il y avait la fille gênée pas loin. Il y avait qui? Ah, la meuf que tu kiffais pas loin. Oui, bah oui, ça par contre c'est chiant. Ouais. Ça c'est chiant. Et comment ça s'est terminé après du coup? Bah, je dis que c'était de la faute de mon frère, c'est lui qui m'avait fait un sale coup. Mais t'as raison, toujours mettre la faute sur les autres. Ouais, c'est ça, c'est le plus simple. Je vais vous raconter une histoire. J'ai foutu une honte à Sandro une fois. Hein, je croyais que t'allais parler de la honte que tu viens de vivre maintenant. Il faut quand même savoir qu'il essaye de se débarrasser de ce chat de nouveau. Et qu'il est revenu. Et qu'il y a une espèce de bâton avec... comment on appelle ça? Un bâton avec une cloche... Enfin... Je sais pas comment on appelle ça, un ouais, bâton avec un espèce avec de, tissu qui doit faire à peu près 1m50 et avec une clochette autour. Donc le chat, dès qu'on fait bouger la petite clochette, évidemment, suit le truc. Donc Polo a amené avec la petite clochette le chat jusque dans une autre porte, dans une autre pièce, a fermé la porte, sauf que il l'a mal fermé, donc du coup le chat est revenu avec le truc chez Polo. Je l'ai pas enfermé, Ah d'accord, ok, je crois que Polo continue à jouer avec lui. Bon, et donc du coup, vas-y, raconte la honte, Polo. Et en fait, il y a quelques temps, on travaillait ailleurs, et puis Sandro, elle était dans l'ascenseur, il y avait moi, Sandro, puis un autre mec, et puis là, tu sais quoi, je lâche une grosse caisse, j'avoue, j'ai lâché une caisse, Sarah, et ça chlinguait. Et le gars s'est barré. Attends, le censeur il est au deuxième, au troisième, il disait ce que je fais. Et le censeur il s'ouvre, hop, je me barre. Et il y a 3-4 personnes qui sont rentrées et j'ai regardé leur gueule, ils étaient dégoûtés. Je crois qu'ils ont cru que c'était Sandro qui avait pété. Mais ils ont là, cru que c'était moi. Et en fait, Polo il descendait au deuxième, moi j'allais au sixième. Sauf qu'il lâche sa grosse caisse, mais ça pue l'œuf pourri, mais de malade. De malade. Et ce salaud sort de là. Mais il faisait ça tout le temps lui. Et un autre gars il s'amusait à faire ça. Et à chaque fois, moi je me retrouvais toute seule dans l'ascenseur et quand il y avait des gens qui montaient dans l'ascenseur, ils fonçaient. Mais ils disaient, elle est dégueulasse, c'est la chance. Toi, t'as de la chance parce que quand c'était à moi que ça arrivait, en fait, Polo il sortait en disant, putain, Tof, t'es dégueulasse. Et, donc, et après, t'avais les gens qui rentraient, donc d'office, j'étais affiché. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair, n'est-ce pas, Polo? Attends, il jouait avec le chat, il peut pas tout faire. Oui, oui, je me suis fait griffer, attendez. Ouais, c'est vrai. Griffé, allez, c'est parti, il est nouveau en train d'essayer de remballer le chien de l'autre côté de la maison. Oh, je vous jure. Bon, bref, et donc, et Sandro, toi, ta pire honte, c'est quoi? T'en as une? Hormis celle-là, parce que c'est la même. Non, j'en ai plein en fait. Puis la pire, hein. Bah, je l'avais déjà raconté, ouais, c'était. Je monte dans le bus en fait, et dans le bus, il y avait une meuf que je supportais pas, en plus, je la détestais. On se détestait toutes les deux. Et en fait, je veux sortir un truc de mon sac à main. Et en fait, en sortant le truc, j'ai un tampon qui sort avec. Oh, c'est bon ça. Et le tampon il vole dans tout le bus en fait. Oui, c'est normal. Et là tu te dis, merde, je fais quoi? Soit je fais genre j'ai pas vu, soit j'assume totalement et je vais le récupérer. Et le soit truc, tu fais c'est genre que, c'est pas à moi. En fait, il est tombé par terre et il a roulé jusqu'à moi en fait. Il est redescendu jusqu'à moi, donc je me suis baissée, je l'ai ramassé quoi. C'est ça, il est revenu à toi, il a fait « Non, mais c'est à moi, regarde, ne m'abandonne pas !» Ça, et le Saint-Cy dans le métro. Hein. Ah, ouais, ah oui, bah, ça raconte, c'est énorme, l'histoire du Nibar. En fait, ouais. je prends le métro, voilà, je vais à l'école et tout, tranquille. C'était l'été arrivait, donc j'étais en petite chemise et je voyais que tout le monde me regardait dans le métro. Donc moi, je me dis « Ouais, je sais pas, je dois être mignonne aujourd'hui, je me suis pas ratée !» Des vieux pervers qui s'approchaient de toi. Je me suis dit « Ouais, je suis trop mignonne aujourd'hui, je commence à être dosée, à être bien, tu vois, à sourire et tout. » Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, il y a une meuf en face de moi qui est assise depuis le début, qui me dit « Excusez-moi, on voit votre sein. » Et en fait, j'avais mon nichon qui sortait de la chemise. Oh, c'est bon ça. Mais tu vois, moralité, t'es pas obligé de t'emmerder à aller faire du sport, t'as qu'à montrer un Ibar et puis tout le monde te regarde. Non mais là, oui, mais bon, il te regarde parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et le pire, c'est que là, pour le coup, tu peux pas t'enfuir. Là, t'es obligé d'assumer et de ranger ton sein devant tout le monde, quoi. Et là, il y a un mec qui s'est assis à côté de Sandro, il a commencé à se branler. Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain, je regardais mes pieds après. Hein. Mais ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc, et pour moi, t'es pas là d'ailleurs. Il aurait pu faire un petit selfie. Ouais, oh ouais, ce serait mignon. Il aurait fait une photo lui. Comme ça, avec la langue devant le miroir. Oh, j'aurais adoré. Ouais, ça aurait été pas mal. Ouais. T'as de la chance parce que mais à cette époque-là, tout le monde n'avait pas un portable pour prendre des photos. Mais là, je pense que t'aurais été l'attraction de la semaine. Ah ouais, ça se trouve. Ouais. Je suis en train de tourner sur YouTube. T'aurais été en top tweet, top YouTube, top Facebook, top tout. Hein. T'aurais été la star. Et la top honte aussi, d'ailleurs, à mon avis. Mais bon. Bah, appelez-nous. Ta pire honte, c'est quoi, toi? Bah, ma pire honte, j'étais en train de réfléchir. Michel n'a pas de honte. Enfin. Non, mais en fait, j'essaye de réfléchir, j'essaie d'en trouver une. Mais il y a un moment où j'étais un peu emmerdé, mais c'est pas vraiment une honte parce que j'ai réussi à me sauver. En fait, j'arrive toujours à me sauver in extremis des situations qui pourraient me mettre en honte. Mais écoute, je vais réfléchir. Il y avait un moment où effectivement, j'animais un concert et j'annonçais la mauvaise ville dans le concert. Mais oui, c'est un peu comme si t'es à Marseille, tu dis ça va à Paris, donc forcément les mecs tirent un peu la gueule. C'est énorme ça. Donc, pour le coup, j'étais à Charleroi et j'avais parlé de Liège. Et donc à un moment, tout le monde s'était arrêté en se demandant quoi. Et puis je dis non, mais c'est une vanne, c'est pour voir si vous suiviez. Et puis après, c'est passé nickel. Donc j'aurais pu vraiment me taper la honte, mais j'ai jamais eu de en tout cas, je m'en souviens pas là comme ça, une honte en particulier. Ah si, interview d'une meuf de la Star Academy. Ah oui, oh là là, j'avais oublié ça. Voilà, ça vient de faire. Arrête de parler quand t'es à côté du micro, on a l'impression qu'on est dans une cathédrale. Mais nous sommes dans une cathédrale, tu vis dans un château. Mais arrête ton cinéma, c'est juste que mec, si je confirme, il vit dans un château. Regarde, là on dirait que je suis... Ah, maîtresse et frère. En fait c'est bien parce que quand t'es ici, c'est bien parce que t'es pas obligé d'avoir du matériel pour faire de l'écho. Tu parles un petit peu à côté. Maîtresse et frère. C'est vrai. Bienvenue. Ah oui. Dans mon humble demeure. Remercions le Seigneur. Ouais, c'est clair, et c'est ouf. Bon, et donc du coup, interview. Donc moi, j'en avais rien à foutre des mecs de la Star Academy et des meufs de la Star Academy à l'époque. Enfin, c'est pas ça, j'en avais jamais rien eu à foutre vraiment. Mais bon, bref. On reçoit donc. La meuf qui vient de sortir. Donc la meuf personne ne connaît puisque c'était genre la troisième semaine ou voilà, pas la deuxième. Donc on reçoit la troisième meuf. La meuf qui vient de sortir. Donc effectivement, de troisième semaine, je sais plus. Et puis, donc on enregistrait l'interview. Hein, ouais, dans un hôtel, ouais. Dans un hôtel, voilà, c'est ça. Et puis, moi j'étais là, j'attendais. Puis il y a une meuf qui est arrivée qui dit bonjour, une autre meuf qui vient, bref, il y a eu du monde qui est passé. Et puis elle s'installe, et puis un autre mec s'installe, et puis bah nous on est là. Et puis je sais plus, Toff me dit bon bah t'es prêt pour. Quand tu veux pour enregistrer. Je dis bah on attend pas la meuf. Il dit bah si. Et la meuf dit elle c'est était moi à côté de lui quoi. Elle était juste à côté de Mickaël, c'était à mourir de rire. Et elle me dit oui, c'est moi. Je dis, bah on y va alors, c'est parfait, on y va, pas de problème. Non mais c'était grandiose. J'ai une certaine tendance à pas avoir de mémoire visuelle ni auditive. Ouais, t'es pas le seul hein. Ah oui, Sandro, hein, tu peux parler toi aussi. Hein. Voilà. Je pensais que c'était passé inaperçu. J'ai eu la même histoire que Mickaël, oui, mais c'était pas une meuf de la star. C'était qui? C'était la chanteuse. Comment elle s'appelait? Je crois que c'était l'auditrice. Leslie. Non, pas Leslie. Leslie, je connaissais depuis. Jonathan, je crois. Non, je sais plus. Enfin bref, c'était pas Léa Castel. Non. Ou Léa, bon, je sais plus, bref, en tout cas c'était une meuf effectivement qui était chanteuse aussi. Bah, je crois que ça vous a marqué aussi d'ailleurs, hein, Polo. Oui, bah apparemment. Bon, on va quand même prendre Antonio qui est avec nous là, des Pyrénées-Orientales. Salut Antonio. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, très bien. Je t'appelle parce que voilà, je veux quitter mon copain parce que je le trompe avec un autre gars. Et il est jaloux? Alors attends, quoi, qu'on te fasse un mot? C'est un mot d'excuse? Attends, tu veux quitter ton copain parce qu'il te trompe avec un autre mec? Non, c'est lui qui couche avec un autre mec. Ah oui, donc pardon, tu veux quitter ton copain parce que toi tu le trompes actuellement, t'as un autre mec en tête. Et voilà, et comme il me fait un peu de la peine et tout, j'ose pas trop lui dire. Mais écoute, on va t'aider, on va l'appeler. D'accord, oui, bah si tu veux, oui, on peut l'appeler, comment il s'appelle? Il s'appelle Mickaël. Il s'appelle, mais très, très bon prénom, c'est dommage de larguer un mec qui s'appelle Mickaël. Ouais, moi je pense que tu vas y perdre. Bah oui, il s'appelle comment le nouveau? Adrien. Christophe. Oh, quelle horreur. Non, tu peux pas lâcher un Mickaël pour un Adrien. Mais ça non, se ça se fait pas, ça se fait pas, Antonio. Pourquoi tu as trompé déjà? Comment ça s'est passé? Bon, voilà, il me fait un peu de peine, Mickaël, et puis je le trouve pas super beau, quoi. Alors, Claude, c'est un super coup. Ah oui, c'est ça, c'est pas un bon coup. Ouais, c'est ça, il me fait un peu de peine. Ouais, ça c'est dommage. Mais attends, tu sors avec... Non, je comprends rien. Tu sors avec lui parce qu'il te fait de la peine? Ben ouais, je suis resté avec lui parce qu'il me faisait un peu de peine. Il a pas trop d'amis, quoi. Alors du coup, ben... Ah, toi, au grand chevalier, tu l'as... C'était le prince blanc. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Mm-hmm. C'est ça, il est arrivé la bite à la main et puis il l'a fourré. Ben c'est ça. Bon, alors écoute, on va l'appeler dans quelques minutes, Antonio, reste avec nous. Ben, si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine, on peut en parler ce soir aussi, voir un peu comment ça s'est passé pour la rupture. D'ailleurs, en parlant de rupture, je rappelle qu'il y aura une rupture mardi soir. Mais oui. Eh oui, comme tous les mardis soirs, ce sera le jeu de la rupture. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Bon, restez avec nous, on aura Jordan aussi dans quelques minutes. Et puis on s'écoute le son de Katy Perry maintenant au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. C'est Birthday. Happy birthday. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est là sur Fun Radio en direct avec le match d'impro qu'on fera également dans une petite demi-heure là, enfin même pas, on devrait le faire, mais bon, si vous avez envie de participer, si vous avez envie de gagner votre cadeau, il y a des casques DJ à gagner notamment, si vous voulez le gagner, c'est facile, il suffit simplement de nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors match d'impro, pour vous donner une idée de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, match d'impro donc avec Toff et avec Polo, on va faire donc rencontre, donc ça termine toujours en film pornographique bien entendu, hein. c'est un petit évidemment. Peu le côté le petit principe. On va dire qu'on est dans vous êtes rencontrés dans une qu'on appelle ça les merdes, oui, les merdes, truc pour laver le linge là, une laverie. Voilà, vous étiez dans une laverie et puis voilà. Allons-y. Alors on y va, c'est parti. Hop là, match d'impro. Et écoutez ce qu'il faut faire. Donc on y va, imaginer que Toff et Polo sont deux auditeurs et ils s'affrontent, et donc après c'est aux autres auditeurs de voter pour le meilleur des deux. Dis-moi, c'est quoi cette ce linge un peu sale là? Hein? Ah bah c'est parce que c'est enfin je l'ai souillé. Tu les as souillés? Je vais te souiller ton gros cul. Ah oui, souille-moi, mon gros cul. Dans le, mets ta tête dans la machine. Oh, prends-moi le cul. Allez, tiens, oh, sale pour pute. Moi. Ah, t'aimes bien ça. Ramène-moi, oui, tiens, j'adore ça. Démonte-moi. Fouette-moi ouais, les bon, fesses. Ça ira, ça ira, ça ira. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de directement y aller franco de port en cul. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à trouver un truc un petit peu plus sensuel à tout ça. Tu veux pas que je te suce avant? Non, ça ira. Bon, donc vous appelez le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique, on va pouvoir participer comme ça. Je vous ai mis la vidéo également d'Adriana Lima là, qui se prend la honte de sa journée, je pense, peut-être pas de sa life, mais bon, qui fait pas un loin, peu la maligne. Pas loin quand même. Ouais, qui fait un peu la maligne, qui se prend un rétroviseur en pleine tronche. La vidéo est sur le Facebook de l'émission. Et d'ailleurs, donnez-nous quelles sont vos hontes. Est-ce que vous avez déjà vécu des hontes? Eh ben, appelez-nous maintenant pour en parler. Il y a Kelly aussi qui dit un moment que je suis pas venu, et même pas un coucou de Mickaël, je m'en remettrai pas. Ça, t'as, c'est quoi? Pas de ça, tiens, pour la peine, prends-toi un coup de pelle, espèce de vilain. Oui, mais tu sais, en même temps, attends, je vais le mettre un coup de pelle, suivant, c'est pas un problème. Voilà. En même temps, je ne peux pas saluer tout le monde, Kali. Vous êtes tellement nombreux. Encore au début, j'aurais pu le faire, saluer tout le monde pièce par pièce. Mais là, c'est maintenant, il y a tellement de monde que c'est plus compliqué. Mais je suis quand même relativement accessible. La preuve, là, je suis malade, je suis quand même là. On est venu faire l'émission direct de chez moi parce que je pouvais pas me déplacer jusqu'à la radio. Et ça, c'est beau. À cause d'un petit bleu que j'ai dans le dos, que vous pouvez d'ailleurs voir aussi sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas. Bon, il y a Fritrielba aussi qui dit Mickaël, fait un salut pour ma mère qui est au ciel, s'il vous plaît. Merci, en Belgique, c'est aujourd'hui la fête des mères. Effectivement, oui, tout à fait. Et il y a Rome, c'est également en moi. C'est dans la cour du collège. C'était gelé. Je suis tombé devant tout le monde. Ah oui, pas de bol. Il y a Andréva aussi. En haut d'une colline de 600 mètres d'altitude, j'ai voulu marcher et mon pied bascule en arrière, j'ai fait un boulet roulé jusqu'en bas. Ça a l'avantage en même temps, c'est qu'au moins t'as pas dû marcher. Oui, ça l'a aidé à arriver plus vite. Voilà, ça a été nickel. Il y a Hugo Réo qui dit, je suis en train d'écouter avec le casque que vous m'avez envoyé et que j'ai gagné. Bah, c'est cool Hugo, j'espère qu'il marche bien. Et Jong qui dit aussi, oui, je retourne en Corée du Sud, pas du Nord, encore heureux. Ah ouais, c'est tout à l'heure, il avait dit, je sais pas comment je vais faire quand je retourne en Corée pour vous écouter. Donc, en Corée du Sud, c'est relativement facile avec Internet, c'est en Corée du Nord où c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, et puis en plus, il pourrait nous écouter de bonne heure. Oui, ah bah, il y a 7 heures de plus. Ouais, donc 7 heures de plus, donc ouais, le dimanche c'est un peu chiant, mais la semaine ça c'est va. Morning, hein. Ouais, la semaine c'est 6h-9h, mec. Putain, on est bon en Corée, on se met 6h-9h. Ah, il sera bien là. Ah, putain, il faut qu'on refasse les jingles pour la Corée. Ouais. 6h-9h. Allez, faire enculer, grand badeur. Ah, c'est bien ça. Bon, Timothée aussi, il dit putain, ma mère me bloque le wifi. Oh putain, elle est pas cool. Et Stéphanie qui dit, mon ex a cassé son pare-brise en foutant un coup de poing dedans pendant une crise de jalousie. Putain, mais c'est un truc de fou. On en parlait de la jalousie tout à l'heure. Faut déjà taper fort pour péter un pare-brise à la grave, main, quoi. Grave. Et petit kiwi qui dit, la jalousie ça me saoule. Enfin, tu peux être un peu jaloux ou jalouse, mais il faut pas non plus que ça aille, que ça pourrisse la vie de l'autre. Et alors Lydie aussi, oui, la jalousie tout à l'heure, c'est moi mort de rire, mais raisonnablement. Et alors Lucie aussi qui dit, la jalousie c'est une preuve d'amour qui est chiante. Non, c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de pas confiance en soi. C'est-à-dire que quand t'es jaloux, c'est que t'es tellement perturbé, t'as tellement peur que l'autre parte avec quelqu'un d'autre, parce que peut-être que tu trouves que tu ne mérites pas cette meuf là par exemple, que tu te trouves peut-être trop inintéressant, pas assez beau, n'importe quoi pour cette fille, que dès qu'il y a un autre mec qui passe à côté, tu te dis, elle va se barrer avec, parce qu'elle va me trouver forcément moins bien que l'autre. Et donc c'est, pour moi c'est ça, ça reste mon avis, mais pour moi c'est ça. Et Cindy aussi qui dit, je vous aime. Oh ben merci Cindy, ben, gros aussi, bisous. Cindy. Gros bisous à toi aussi. Il y a Nabiche aussi, oula, ce bleu ça doit faire hyper mal. Oui, j'avoue que ça fait pas du bien, effectivement. Ouais, alors, mais ça picote, donc c'est que ça va mieux. Exactement, ça picote, ouais. Non mais c'est vrai, enfin c'est pas que ça picote, c'est que ça chatouille. Et on m'a dit que quand un bleu ça chatouillait, et ben ça, c'est que ça guérissait en fait. Oui, c'est connu, c'est comme ça que font les médecins pour voir si mais c'est quelqu'un si une guérison. Et il regarde si ça chatouille. Voilà. Si quelqu'un a déjà entendu cette théorie, qu'il n'hésite pas à nous appeler. Ce n'est pas une théorie, Tov, c'est un fait médical. Mais exactement. Bien sûr. Ouais. Si vous êtes médecin et que vous pouvez étayer tout ça, appelez-nous. Mais dites-nous, non, mais sérieux, dites-nous et appelez-nous les médecins. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je suis pas médecin, j'ai pas dit que c'était le cas. Mais il me semble que quand un bleu ça commence à chatouiller, c'est que ça guérit. Oui, ouais, c'est ça, mais oui. Bien sûr. Non, mais vous foutez de ma gueule en train de rigoler. Mais c'est vrai, Mickaël, enfin, c'est tu ça, le connais. Mais... Bon, il y a Aurélien qui est avec nous de Sedan, les Ardennes. Salut Aurélien. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va nickel et vous? Bah oui, tranquillement, tranquillement. Alors, c'est quoi ta pire honte, toi? Ah, c'est chaud, hein. J'espère que vous êtes pas en train de manger. Non. Non, là, c'est fini, là. Non, parce qu'en fait, j'étais en train de manger dans une voiture avec des potes. Ouais. Le temps de midi. Et puis on a été chercher McDo et tout, on a été escalé au bord de l'eau. Et puis ça fait qu'en mangeant, j'ai voulu lâcher une bonne perle, mais le problème c'est qu'il y a une bonne fuite. Oh. Et alors, il a chié. Mais une bonne fuite bien coulante et ça a bien taché, ça a bien taché le siège de la voiture. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et il y avait qui autour de toi? Des potes. Alors ça fait que je me suis empressé pour aller courir, pour aller dans un coin pour chier un coup, mais bon, il était trop tard quoi. Bah oui, c'est ça, t'avais déjà fait la trace de freinage sur le calbut. Ah, c'est même plus une trace de freinage. Ah oui, c'est clair, il y avait tout. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut peut-être reparler des scouts. Oui, on peut reparler. On peut reparler des scouts, effectivement. Maintenant, on est revenu dans le caca. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est oui, bon, tu peux réexpliquer peut-être où tu veux qu'on remette. On a un extrait tout fait, mais sinon je peux le raconter. C'est on a l'extrait tout fait. Attends, si Victor peut retrouver l'extrait qui se trouve terme technique dans le panel 8 aux alentours du de la cartouche 20, je pense un truc qui s'appelle Tof Scout ou Scout Tof ou Histoire Caca Tof ou un truc comme ça, je sais plus. Mais si tu peux le mettre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est juste au-dessus ou juste en dessous, je pense. Un truc comme ça. Un truc avec pas scooter, l'histoire du scout ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Ça doit faire deux minutes. C'est Tof Caca. Tof Caca, ouais, ça a dû faire deux minutes, Victor. Ça va bien comme nom de famille. Parce que j'explique, nous on est en direct de chez moi à la maison et il y a Victor qui est à la radio qui pousse les boutons et qui envoie la pub, les jingles, etc. Et donc c'est lui qui a tous les sons. Donc c'est pour ça que je peux pas l'envoyer moi-même là tout de suite. Mais l'histoire n'est pas mal, Aurélien. Elle se rapproche peut-être un petit peu de celle de Tof. Qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Oh bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. D'accord, ah, bon. Bon, et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que bah, y a pas de toilette. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec exactement. Les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc finalement au bout d'un moment, bah, fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je suis dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, elle m'a saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein de cul, cette mouche, elle m'a saoulé. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le oh, meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Ouais. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Et donc je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc ouais, mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà, tu vois, finalement, ça se rapproche, Aurélien. Oh, c'est bon. Ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, parce qu'on en a parlé en début d'émission, qu'on irait peut-être faire l'émission en direct de chez la mère de Tof, un de ces quatre, oui. C'est les histoires, mec. Putain, toutes les 30 minutes, paf, une histoire. Ouais, mais faut la prévenir avant qu'elle les prépare. Ah oui, non, mais on va la prévenir avant, elle va pouvoir les préparer, tout ça, ouais, c'est clair. Mais t'imagines, toutes les 30 minutes, une petite histoire comme ça, hop là. Ah, mais je lui fais de ces trucs à ma mère. Non, bah, ça m'étonne pas, ouais. Donc, Aurélien, donc, tu vois, ça se rapproche un petit peu quand même, l'histoire du caca, hein. Ouais, mais bon, lui, c'est quand même bien. Ah mais si, dans les 11, un jour je ramène une meuf à la maison. Ah ça y est, encore une. Et donc déjà je le fais pas souvent, mais bon voilà, là j'étais en galère, je savais pas où dormir avec la meuf et tout, donc pour finir je la ramène à la maison. Ouais. Et donc je commence à la baiser et tout, sauf que le sommier il pète. Et donc en fait ça fait BOOM. Et donc le lit qui s'éclate sur le sol, donc forcément Ma mère qui vient voir. Cruche jamais que tu es mort. Et donc elle fait, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là je fais, ouais, ça va. Et donc là elle va pour ouvrir la porte, je fais, non mais je suis pas tout seul. Ah bon. Et donc le lendemain je me suis fait défoncer. Je suis genre, ouais, tu ramènes n'importe qui à la maison et voilà, t'as vu. C'est pas un hôtel. Ouais, c'est ça, c'est pas un hôtel. En plus, c'est gros, c'est la pété le lit. Ah oui, qu'est-ce que tu veux. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, défoncer après. Voilà, et c'est ça. Et donc, mais par sa mère, il s'est déjà fait défoncer. Oh là là. Et donc plus jamais j'ai ramené cette meuf là à la maison. Grave, oui, mais c'est ça. Non, mais par ta mère, tu t'es déjà fait défoncer, hein. Je pense que c'est heureusement qu'il est là d'ailleurs, elle a pu se venger avant l'heure de toutes les meufs que dont tu t'es foutu de leur gueule. J'ai beaucoup souffert. Ah oui, oh là là. Bon ben bah, merci Aurélien pour la pironte en tout cas, rien. Tu reviens quand tu veux. Ok, ça va. Salut Aurélien. Eh ben vas-y tant que t'es là, profites-en. Ah ben vas-y, mais il y en a qu'une, mais c'est à vous tous. C'est à l'équipe de Radio. Oh, t'es un bon toi Aurélien, merci à toi. Ah, c'est gentil Aurélien. C'est gentil. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, à bientôt à Sedan. Salut Aurélien. Salut. Ciao, à bientôt. On va faire les appels de Toff aussi dans quelques minutes. Et puis on aura aussi le match d'impro ce soir. Et c'est Olivier qui va jouer face à Evelyne. On va les accueillir dans quelques minutes pour ce magnifique match d'impro. Est-ce qu'on a déjà réfléchi le thème, tiens? Ouais, je sais pas, vous avez vu la vidéo là où les mecs ils chantent? Enfin, c'est des meufs qui chantent, pardon. Bon, en fait, c'est des meufs, en fait, elles ont genre, tu sais, le vibrant et donc elles doivent chanter en même temps pendant que le truc il vibre à l'intérieur. Ah, c'est drôle, ça, c'est pas mal. Donc on peut essayer de leur faire ça. Oui, mais enfin, s'ils ont pas de vibrant. Non, mais ils doivent chanter et jouir en même temps, c'est marrant. Chantir, c'est chantir. Parce que on va prendre des portugais. Ouais, ça doit être ça. Et arrêtez, c'est votre soirée ou quoi? Et on a, j'ai rien dit. Ouais, non, mais tu le pensais tellement fort que je l'ai entendu. Ouais, si, ouais. J'ai rien dit. Ouais, c'est d'ailleurs, ça. Il a pas fait de vanne à base de parpaing, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bon, allez, c'est parti. On va accueillir Antonio là maintenant, là. Donc, du coup, enfin, réaccueillir plutôt. Antonio qui veut larguer son mec en direct puisqu'il a rencontré un autre mec, hein, Antonio, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Bon, eh ben écoute, ce que je propose, c'est qu'on l'appelle maintenant, hein, puisque t'as rencontré un autre mec, tu veux le larguer celui-là. Et bah, fais ça proprement, c'est jamais gay les largages. Oui. Enfin, si, là, dans votre cas, c'est gay, mais je veux dire, c'est... on se comprend, quoi. C'est jamais marrant, quoi. C'est jamais marrant. Mais ouais, sois cool avec lui. Lui dis pas surtout que tu le trompes. Dis-lui juste que tu ne... Pas lui dire, parce que sinon, après, il va penser à trop de choses et tout, je préfère... Bah, il va pas penser à trop de choses, il va penser que tu le trompes, point, hein, c'est... Non, mais comme ça, on restera en bon terme, je pense. Mais voilà, mais c'est mieux, exactement. Tu dis que t'es en direct à la radio ou pas? Ben non. Non, mais c'est pour savoir si, tu vois, qu'on parle pas en plein milieu en disant « Hey, ça va ?» Tu vois, c'est genre une connerie, tu vois. Comme ça, on sait qu'on ferme notre gueule, quoi. Ah, si vous voulez, vous pouvez l'ouvrir, hein. Moi, ça me gêne pas du tout, quoi. Bon, écoute, fais le truc et puis on verra bien, on improvisera si on doit ça. On verra si Polo veut s'immiscer au milieu. Voilà, si. Et si Toff veut éventuellement pénétrer la conversation. Bien sûr, j'y mettrai un petit peu de, voilà, allez, de bonne humeur et de bonne volonté. Bon, on y va, Antonio, t'étais avec lui depuis combien de temps? 6 mois, je le trompe depuis 5 mois. Ah ouais, putain, c'est pas mal, ouais. Ah, la moyenne est bonne, hein. Ah oui, t'es un bon, toi, Antonio. Bon, ah, allez, on y va, on l'appelle. Il est honte de rien, quoi. Mec, 6 mois, ça fait 5 mois que tu le trompes, t'es pas mal. Ouais, enfin, t'as une double relation, quoi. Oui, bon, après, je parle à voir ailleurs. Ouais, bon, il y a Gino qui va arriver aussi dans quelques minutes, hein. Dans la conversation? Non. Allô? Allô, Mickaël? Ouais. C'est Antonio. Ben voilà, c'est pour te dire qu'il faut que je te quitte. Malgré que, bon, ben, t'es un mec sympa, bon, t'es pas top et tout, mais il faut que je te quitte. Parce que j'ai rencontré quelqu'un depuis 5 mois mieux que toi. Non, mais tu te fous de ma gueule, là? T'es sérieux, toi, ou quoi? Oui, je suis tout à fait sérieux, quoi. Non, mais attends, là, qu'est-ce que tu fais, là? T'es sérieux, là? Tu m'as conduit trompe depuis 5 mois, là, mais vas-y, pour tes couilles, viens me voir, que tu te fasses bouffer le grand fils de pute, t'es avec qui, là? Ben, je suis avec Adrien. Mais je vais lui faire bouffer le goudron, hein, fils de pute, là. Ouais, mais t'es dans le travers, là, tu t'es tapé un truc de merde, là, tu t'es tapé de la merde, là, t'es sérieux? Ben ouais, je suis sérieux, tu sais, après voilà, je t'aimais bien et tout, mais bon, tu sais, tu me faisais un peu de peine et tout, et puis t'étais pas très bon au lit, quoi. Ben, t'as vu, toi, avec ta petite bite, là, tu veux parler de moi qui est nul au lit, mais t'es sérieux, ouais? Non, mais le mec, il est sérieux? Là, ouais. Il est quand même pas sérieux, il croit qu'on va croire son histoire, mieux que toi. Regarde, écoutez-le. Quoi, mieux que moi? Mieux que moi, il n'y a pas mieux que moi. Peut-être que je pourrais leur parler à tous les deux. Oui, peut-être. Pour les calmer. Ah, oh, bah si tu veux l'enculer, oui, mais bon, comme ça fait 5 ans. Oh là là. Franchement, je préfère... Bon, on va mettre Jean-Claude au milieu. Hein. Mais c'était même pas 6 mois de relation là, va tais-toi là, c'est même pas 6 mois, on se voit jamais. En même temps, calmons-nous tous les deux là, oh là là, je vous entends crier au téléphone, ça me fait mal à mes petites oreilles, bouh. Moi c'est Jean-Claude. Mais je vous calmez mon loulou. Ben c'est moi. Qui veux-tu que ce soit d'autre, enfin? Mais oui, Jean-Claude, tu te souviens pas de lui? Ben oui, c'est moi. Quand on était parti en Suisse, que je t'avais dit que je travaillais. Alors, hein, t'as la mémoire courte, mon loulou, un peu comme ta bite. C'est allô qui ça? C'est l'enculé, là? C'est qui, là? Ah bah oui, moi j'adore. Tu veux venir? Hein, tu veux venir me ramener ou pas? Je vais te démonter, t'es qui, toi? Ah oui! Ah oui, à grand coup de gourdin. Ouais, moi, je sais qu'il est un peu court chez toi. Le gourdin, tu vas voir le gourdin sur ton ta gueule, ouais. Ah oui, tu veux que je te suce jusqu'à te faire jouir comme une grosse chienne? Moi je suis complètement sérieuse. Bah alors c'est quoi ton problème mon loulou? Bon il te quitte, c'est pas grave. Après nous on va pouvoir se revoir, hein. Mais on s'est jamais vu, t'es sérieux, t'es narvalo dans ta tête. Ah bah attends, calme-toi enfin. Moi je te propose de te consoler mon loulou. Non mais moi j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me consoler, hein. Moi je me console tout seul, j'ai pas besoin de toi, je suis même pas quitté, t'es sérieux ça? Oh bah attends, tu vas pas te branler tout seul à la maison alors que je suis là, que je suis disponible, que mon petit trou de cul est ouvert pour toi. Et t'es sérieux toi? Je suis toujours sérieuse. C'était le mec là qui a baisé avec l'autre là, hein. Tu l'as baisé. Oui c'est là, moi. Oui bah enfin j'en ai baisé beaucoup d'autres, tu sais mon minou. Bah ça je me doute, hein. Ah bah oui, mais tu sais, moi j'ai ça vraiment, mais avec toi, bon ben voilà, t'as pas grand chose pour me faire monter au ciel, quoi. D'ailleurs, tu me l'as jamais fait monter, hein. Bah t'as vu, avec tes gros bourrelets, t'as cru quoi? T'as cru que j'allais te dégager? Oh les minous! Oui, ça s'engueule et ça s'engueule et ça s'engueule. Mais oui, arrêtez de crier, oh là là. Il y a encore quelques secondes, ils étaient amoureux et là maintenant, c'est ouais, ils sont en train de se balancer les pires scots du monde. Alors que moi, je suis là, disponible, ouvert. Bon, Jean-Claude, c'est bon. Bon, Mickaël. Ah bah non, attends, si, c'est bon. Un coup là. Mickaël, bon, c'est Mickaël aussi. T'es en direct sur Fun Radio, Mickaël. Il y a Antonio qui voulait t'appeler pour dire que pour dire que c'était fini. Il n'osait pas le faire tout seul. En gros, quoi, il porte même pas ses couilles. Il est même pas capable de venir le dire en face là. Je vais le démonter, Sarah. Ça lui va rien comprendre. Ah, tu pourras plus le démonter là maintenant, mais. Mais il y a Jean-Claude. Oui, bon, c'est bon, Jean-Claude. Là, casse-toi. Bah oui, mais moi je veux bien les porter. C'est Jean-Claude bon. Là. Moi, je connais pas de Jean-Claude là. Il est avec nous dans le studio, Jean-Claude. Combien bon, tu mesures, mon minou? Non, on s'en fout. Bon, Mickaël, bref, tout ça pour dire, Antonio, c'est vrai que t'aurais pu le faire en face à face quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, mais voilà. Je pense qu'en 69, ça passait mieux. De toute façon, la seule chose qu'il sait faire en face à face, c'est se regarder dans le miroir, quoi. Ah, pourquoi il se la ramène? Oh, quelle violence. Il se la ramène? Bah, il se la ramène un peu, là, mais bon, quand on fait 80 kilos et qu'on fait 1m63, se la ramener, on fait pas le malin, quoi. Enfin, en même temps, t'es quand même sorti avec lui, Mickaël. Donc bon, limite, tu peux pas tailler là-dessus. Parce que y a pas la, comme on dit, y a pas que la beauté qui compte. Mais lui, quand il monte sur la balance, c'est son numéro de téléphone qui s'affiche. C'est pas le reste. Oh bah. Mais juste, moi, je croyais que les nains, ils avaient des grosses bites. Et enfin, 1m63, t'es pas nain, Toff. Ici, con, lui alors. N'importe quoi. Bon, bref. Bon, écoute, c'est une citrouille. Le mec, il est rond en même temps. Hein, il est ovale. Bon ben voilà Antonio au moins comme ça t'as tout pris dans la tronche, ça c'est fait. Mickaël, bah écoute, t'inquiète pas. Moi aussi je peux en prendre dans c'est la tronche. Que non ça ira. C'est que vous étiez pas fait pour être ensemble et puis bah voilà hein. Tu trouveras chaussures à ton pied. Capote à ta bite, on dit dans voilà, ce cas-là. Exactement. Ou cul à ta bite aussi. Ouais. Voilà, c'est un peu comme tu veux quoi. Bon ben en tout cas, salut à vous Mickaël et Antonio. Ouais. Allez, à bientôt quand même, ciao ciao. Et bonne branlette. Et par exemple. Bon on aura Jordan également, hindou qui attend depuis 2 heures. Jordan. Oui. Ça va Jordan? Ça va. Bon tu vas encore un peu attendre? Bon, ouais, le doux est patient. Je suis vraiment dormir. Mais non tu vas pas t'endormir. Ouais, on va écouter, là, on va écouter Gilo, on va prendre Evelyne avec Olivier pour faire le match d'impro et puis vous toutes et vous tous on est en direct et il y a un message aussi qui est arrivé, il y a Jojo qui dit il n'y aura encore pas de top tweetos ce soir, malheureusement non on n'a toujours pas parce que la machine est à la radio et on n'est pas à la radio donc mais dès demain ça reviendra. Et alors il y a Pierre-Jean aussi qui dit Mickaël, moi ma plus grosse honte avoir regardé Twin à l'Eurovision hier. Ouais, j'avoue que c'était non, pas terrible. Moi pour moi ta plus grosse honte c'est de poser avec avec le fond avec lequel tu poses sur ta petite photo ton avatar. Voilà, ça c'est la plus grosse honte. Voilà pour moi. Ouais. Je pense donc tu ferais bien d'en faire une nouvelle, Pierre-Jean là, hein, si tu veux là. Hein. Bon, ouais, j'ai un conseil. Moi je te dis ça, c'est parce qu'on est potes, hein, Pierre-Jean. Bon allez, on s'écoute Gilo maintenant. Je l'avais promis avec First Love. On écoute ça maintenant. Toujours au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit en direct de chez moi ce soir. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps là. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Exact. On est toujours en direct sur Fun Radio, en direct de chez moi à la maison, tranquille pépère à la cool. Ah oui, on est bien, on et est ouais. bien. Et on va se faire le match d'impro dans quelques minutes avec Evelyne et avec Olivier. Bonsoir Evelyne, bonsoir Olivier. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Alors, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes avec cadeau à la clé comme d'habitude évidemment. Il y aura un thème. Je vais vous le donner maintenant le temps qu'on fasse les derniers appels de Toff et puis après comme ça vous avez le temps de réfléchir un petit peu au thème, d'accord? Oui. D'accord. Bon, alors la question est très simple, enfin le thème est très très simple en l'occurrence, puisque bah comme vous le savez, petite opération mardi, du coup tombage dans les vapes, du coup blessure au niveau du dos, le bleu, etc. Donc on va parler médecine évidemment. Et donc, eh bien, il y aura un malade et un ou une médecin à domicile. D'accord. Qui est le malade? Qui est le médecin? Vous gérez, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, faut que ça finisse en cul. D'accord. Donc je compte sur vous, réfléchissez bien. Vous avez quelques minutes devant vous là, histoire de bien réfléchir, le temps qu'on fasse les appels de Toff. Ne bougez pas de là, Evelyne et Olivier. Les appels de Toff, dernière ligne droite donc maintenant avec cette grande question. Est-ce qu'il arrive à votre femme de penser à quelqu'un d'autre pendant l'amour? J'espère que non, mais après. C'est une grande question qu'on a eu l'occasion de poser. On fait donc le premier appel maintenant pendant que Paul est en train de boire son petit café, manger sa petite tarte au sucre, il s'est mis bien. Ouais, je suis cool là. J'ai enfermé le chat. Voilà, c'est ça. Disait-il en arrivant, oui, j'ai perdu 4 kilos depuis les vacances. Oui, bah là, il a repris 2 kilos depuis qu'il est revenu. Allez, c'est parti, on y va pour le premier appel. On y va, c'est parti. Hello. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme, ça lui arrivait de penser à quelqu'un d'autre quand vous lui faites l'amour. Oui, bon, évidemment, on n'a pas eu l'occasion vraiment de discuter avec cette personne. La conversation était un peu limitée. Oui, un petit peu brève. Bon, donc du coup, on rappelle évidemment. Allez, c'est parti. On remet le couvert. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Ouais, t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, tu vas te faire remettre une bite dans le cul, tu vas dégager de là de suite. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Quoi, là? Bah, je veux savoir si votre femme, t'habilles elle... Tout, là, je vais venir te voir, je vais te mettre un coup dans la gueule, tu vas voir, toi, fils de pute, toi. À quoi tu t'amuses, là? Bah, je vous pose juste une question, attends, monsieur. Attention, je vais te trouver, je vais te dégager, je vais venir avec des copains, je vais venir voir ta femme, je vais la défoncer. Non? Mais enfin... Attention à ta gueule, toi. Mais enfin, monsieur, calmez-vous. Ouais, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, là, tu fous de ma gueule? Non, je veux juste savoir si votre femme... Ta gueule, faites plus ici, enfin, décroche-moi. Bah, allô monsieur. Ah oui mais bon écoute. Bah oui mais alors il est pas gentil. Il habite à Roubaix. Ah bah s'il habite à Roubaix alors ça change tout. Bah du coup on le rappelle, allez c'est parti, on remet le couvert. Oui monsieur, faut pas le prendre comme ça, moi je vous appelle gentiment. Je comprends pas pourquoi vous énervez comme ça monsieur. Hein, nous pas le savoir que je laisse pas quand même. Et nous c'est pas la française pas. Oui, mais hein? Il y a 30 secondes, vous parliez français, monsieur. Nous c'est pas là, nous passons des dix, pas. Oui. Pas. Hein? T'as toujours le problème, pas. Oui, bah évidemment. Et sinon, alors, pour votre femme? Et tes gosses, je vais venir les égorger. Non, t'as pas des gosses. Je vais niquer ta femme et tes gosses. Fais attention à ta gueule, parce que moi, si je suis où t'habites, t'as voir ta gueule, toi. Oui, excusez-moi, monsieur, mais... Arrête avec tes manières, excusez-moi, monsieur Nigne. Fais attention, j'ai fait des études, si je suis où t'habites, t'habites où déjà? T'as pas dire où t'habites, bien sûr. Donc, je vais venir te voir avec des copains et mes cousins, je vais te niquer la gueule, t'en vas voir toi. Ouais mais monsieur, moi je pense que. Je veux savoir où t'habites, je vais savoir. Mais si vous voulez, moi je vous le dis, je vous le dis monsieur. Mais je vais vous Vous voulez mon adresse monsieur? C'est quel âge que j'ai plus de 40 ans. Si je vous t'habite, je vais venir te voir, je vais te niquer, toi et ta femme, tout dégosse. D'accord, mais vous voulez mon adresse monsieur? Ta gueule, ouais, t'habites où? Alors je suis. Avec des copains. Donc je suis 20. Tu veux une surprise? Je suis 20. Dis la vraie adresse, t'as une surprise. D'accord, mais vous notez monsieur? Ouais, vas-y, dis. Alors 20 rue. Bayard, ça s'écrit B-A-Y. Bayard comme mon cul, ouais, vas-y. B-A-Y-A-R-D. Et c'est à Paris, monsieur, dans le 8e. Dans le 8e, t'habites à Paris? Ouais, moi ouais. J'habite en Bruxelles, moi. D'accord. Bah, vous habitez où vous voulez, monsieur, c'est moi, pas grave. Moi, j'habite 16 avenue des Champs-Élysées à Bruxelles. D'accord. Ouais, bon, enfin, tout à l'heure, il était à Roubaix. Oui, et puis maintenant, il est à Bruxelles. Mais Bruxelles. Mais Bruxelles en plus. Donc, un vrai Bruxellois, on ne dit pas Bruxelles dans l'absolu. Donc, du coup, on va le rappeler. Ah, bah, une petite dernière. Pour la une petite dernière. Allez, c'est parti, on y va, on met le couvert là. Quel con, là. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Ah oui, c'est tout. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, ça m'a fait. Oui, celui-là était pas mal. Quel con. En tout cas, elle a directement su à qui il avait l'affaire. Et c'est vrai. Et ça, c'est le principal. Retour avec Alexandre dans un instant pour les hontes. Jordan également hindou. Et nous allons faire le match d'impro maintenant. Olivier, Evelyne. Olivier, Evelyne. Evelyne, Olivier. Oui, vous êtes là ? On est là. Très bien, parfait. On entend mal, Olivier. Je sais pas si c'est dans une pièce où il n'y a pas de meubles, mais ça résonne un peu. Elle a fait mieux ? Oui, là, ça va beaucoup mieux, là. Très bien. Bon, Evelyne, Olivier, je vous avais donné le thème du match d'impro. Les auditeurs, ceux qui, vous qui êtes derrière la radio, justement, là, n'hésitez pas à bien écouter, car on va avoir besoin de vos avis dans quelques minutes. Il va falloir les donner, vos avis, justement, via le Facebook de l'émission, en tapant Mickaël officiel. Pareil sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL, ou même en appelant le standard 01 42 48 5000. Bon, alors, on y va, Evelyne et Olivier. Le thème était... médecin malade et infirmier ou infirmière à domicile. Qui va jouer quel rôle? Moi, je suis la patiente. Toi, tu fais la patiente. Et donc, Olivier est donc le médecin à domicile. Ou l'infirmier à domicile, enfin, peu importe. Très bien. Attention. Donc, il faut évidemment être le meilleur au niveau de l'improvisation. Et puis, surtout, bah, à la fin, il faut que ça parte en cul, quoi. Hein. D'accord? Il est déjà sur place. Il est comme vous voulez, vous improvisez ce que vous voulez, mais d'accord. Dans l'absolu, il vaut mieux qu'il soit au moins à la porte d'entrée, hein, parce que si tu commences à l'appeler seulement, etc., ça va être difficile d'avoir une... Ouais. Bon, et je m'arrête, je prends un café, je dois faire le plein, c'est 2 heures après, on va encore être en train de faire le match d'impro, parce qu'il faut que tout rentre dans 2-3 minutes grand max, hein, d'accord? D'accord. Bon, et évidemment, il faut que ça termine sur un film pornographique. Faut que d'accord. Ça baise, faut qu'il y ait de la jouissance, de l'amour, de voilà, du foutre, quoi. De la simulation, ouais, faut qu'il y ait de tout, quoi. Bon, on y va, c'est parti. Evelyne Olivier, quand vous voulez, 3, 2, 1. C'est la meilleure séquence, c'est la séquence préférée de Polo. Il l'attend avec impatience tous les dimanches, le match c'est d'impro, vrai. Puisque ça parle de cul. C'est vrai. Allez, c'est parti, on y va, dit-il en se caressant le bourrelet. Je vais appeler le médecin, je prends bien. Oh là là. Bon, je fais le numéro. Allô ? Oui, je suis le médecin de garde, là. Je suis sur le palier de votre porte, j'ai reçu un appel, qu'est-ce qui se passe madame? Oui, je ne suis pas bien, j'ai une douleur à la poitrine, ce serait possible de venir à domicile. D'accord. Je suis madame Bifron, est-ce que ce serait possible de venir au 7 rue... Je suis là, je frappe à votre porte, je suis là, ouvrez-moi, je suis là. Ah bon, bah, d'accord, vous étiez dans le coin? D'accord. J'étais là, oui, il y avait une urgence. Oh d'accord, bah, merci, au revoir tout de suite. Oui, bonjour madame, alors où c'est que vous avez mal exactement? Et rapide. Non, j'ai mal à votre poitrine. Bah allongez-vous, je vais vous ausculter, enlevez votre maillot déjà. Voilà. Enlevez votre maillot, voilà. Oui. Là je vous ausculte, là, vous avez mal là au niveau du cœur? Oh, oui, non, c'est au milieu de la poitrine. Ah, et là la poitrine, si je vous caresse la poitrine, ça va? Non, c'est au milieu s'il vous plaît. Hein, vous aimez ça, hein, quand je vous caresse la poitrine, hein. Comment ça, voilà. J'aime ça. Vous êtes là pour me soigner, docteur? Vous aimez ça, hein, allez. C'est pas parce que je suis célibataire qu'il faut en profiter. Non mais oublie le... Attends, top. Oublie les chiennes de garde, tout ça, vas-y, il faut que ça baise, on y va. Allez, prends-la en bouche, allez. Là. Allez. Allez, t'enlèves ton pantalon, là, maintenant, madame, hein, et je vais vous insulter mieux. Ah, d'accord. Allez, on enlève. Allez, on enlève, voilà. Je vous caresse partout, voilà. Voilà. Alors, là, je vous mets un petit doigt là. Vous le sentez bien mon petit doigt là? Oui, je le sens bien, oui. Mais j'en mets 2-3 là. Ça va là? Oui, ça va. Sûr? Je vous entends pas jouer. Bah, attendez, il faut que ça vienne. Attendez, je me déshabille aussi, on va se mettre à l'aise. Vous êtes rapide, docteur. Vous allez commencer à me la sucer, là. Allez, tout doucement, là. Vous me la sucez, je vais vous occulter après. Allez, sucez-moi. Bon. C'est bon. Voilà, perdons pas bon, de temps. T'aimes ça, hein, cochon, hein. C'est bon, ou il fait des bruits en plus? T'avais envie, hein. Ah, t'avais envie, hein. C'est pas que t'avais envie, hein. Ah oui, ça fait longtemps. Attends, je vais te la mettre là maintenant, bien profond. Allez, viens, viens, je te baise. Allez, viens. Hey, ils sont bons, les deux. Viens là, je te baise. Ah. En fait, Polo, c'est juste ça qu'il excite, c'est de s'entendre jouer. Ça va mieux. T'as plus mal dans la poitrine. Attends, elle a mal dans le cul. Je vais tout cracher dedans. Attends, je vais te la mettre dans les fesses maintenant. Tu vois la sang qui roule. Voilà. Bon, ça ira comme ça. Oh, c'est dommage, c'était le meilleur moment. Oui, je sais bien, ça ira comme ça. Stop, Evelyne, Olivier, stop. Non, il est dedans là. Stop. Le thermomètre. Voilà. Bon, alors à vous de voter maintenant. Lequel des deux était le meilleur? Evelyne, vous votez 1 et Olivier, vous votez 2. Alors vous envoyez Mickaël suivi de 1 ou 2 au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Ou alors vous donnez votre avis aussi sur le Facebook et le Twitter avec le hashtag Mickaël. Evelyne, Olivier, restez là. On va vous reprendre dans quelques minutes pour savoir lequel des deux va gagner. Et puis on va prendre Alexandre également. Il y aura Jordan. Et puis on va se mettre également le son de John Martin dans quelques minutes. Voilà, je vous le cale dans quelques minutes sur Fun Radio, le son de John Martin, c'est ce qui arrive juste après la pub. Bon, on revient en moins de 10 secondes sur Fun, restez là. 20h minuit. Fuck. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël nos limites sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, les dernières lignes droites de l'émission. Je vous avais promis le son de John Martin. Alors on va essayer de le mettre avant la fin de l'émission, mais on est un peu speed là parce que tout pousse. Hein. Il y a l'émission qui pousse. Il y a Polo avec le Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et puis on va également vérifier aussi quel est le gagnant ou la gagnante entre Evelyne et Olivier au niveau du match d'impro. Avant cela, il y a Alexandre qui est avec nous de Compiègne en Picardie. Oula, qu'est-ce que je fous moi? C'est moi qui fais de la merde. Ah. Salut Alexandre. Salut. Comment ça va? Salut. Ouais, bah ça va bien, et vous? Bon, tranquille. Toi, tu nous appelles, dis-moi Alex, parce que tu voulais parler des pires hontes, c'est ça? On en parlait tout à l'heure. C'est ça. Bon, c'est quoi ta pire honte? C'est ta voix. Oh, je rigole, ça va, je rigole. Oh, non, rigole. Mais tout le monde est passé par là. T'inquiète. Bon, alors, vas-y, dis-moi. Non, mais en fait, ma pire honte, c'est qu'en cours de sport, j'ai eu la gaule. Ah ouais, mais ça arrive même au meilleur, ça. Hein. C'est pas honteux d'avoir la gaule. Mais non. C'est bien. Mais le pire, c'était dans le vestiaire. C'est que c'était dans le vestiaire. Ah oui, entre hommes, c'est bien ça. Oui, entre hommes, c'est bien. Mais tu pensais à quoi pour avoir la gaule dans un vestiaire où il n'y a que des mecs? Que dalle. Avenue, c'est monté tu comme ça, tout penses seul. À rien. Mais si, il y a un moment, tu bandes pas quand même pour le comme pour ça, le plaisir. Tu vois. Non, mais si, tu bandes pour le plaisir, mais je veux dire, tu bandes pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une raison quand même, non? En gros, j'étais en train de regarder la chatte d'une fille, gros. La chatte d'une fille. Attends, mais tu nous as dit que t'étais dans un vestiaire où il y avait des mecs. Non, mais en fait, c'est par le dessous, il y a tout le monde qui regarde. Ah, c'est-à-dire que c'est vestiaire séparé, mais que tu peux mater chez les meufs. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, t'as eu la gaule en plein milieu. Bah, bravo, et donc des mecs sont foutus de ta gueule, normal quoi. Ouais, en gros, ouais, voilà. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, parfait. Ouf, à la bonne heure quoi. Enfin, tout ça est plus que normal en fait. Mais tout ça est totalement normal et on ne peut plus normal, j'ai envie de dire. Voilà, normal. Ouais. Bon, et du coup, Alex, donc ça c'est ta pire honte. Ben rassure-toi, t'en auras des bien pires plus tard. Oui, hein. celle-là est très soft. Et ça c'est confirmé même, effectivement. Bon, ben Alex, merci d'avoir appelé. Ouais, Polo? Ouais. Est-ce que je peux passer officiellement d'où? Ah, oui, tu veux me faire baptiser maintenant là? Ouais. Bon, comment t'appelles-tu? Alexandre. Alexandre, est-ce que tu veux devenir hindou? Oui. Très bien. Merde, c'est pas la bonne musique. Pardon, mets-toi à genoux, Alexandre. Ça y est. Insulte-toi. Je suis un con. Encore. Je suis un sale enculé de ma race. Encore. Oui, c'est là, t'es lâché un peu. Je suis un enculé de ma mère qui sait pas. Non, là, tu vas trop loin. Calme-toi, pas ta mère. Pas ta mère, là. Alexandre, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Tape-le-toi contre la tête. Ok. Encore. Encore. Ça suffit, Alexandre, de par tous les pouvoirs qui me sont conférés en tant que grand maître de la confrérie des doux. Alexandre, tu es doux. Tu seras le doux qui bande sur l'arête. Voilà, il est voilà. Content, comme ça. Bravo, félicitations. Bravo, Alex. Voilà, ça c'est bon, une bonne chose de faite. Très bien. Bah voilà, Alex. Dis donc, toi, forcément, puisque t'es un doux officiel, donc t'as même droit à deux. Vas-y. Alors, je passe une dédicace à mon frère qui est à côté de moi. Ouais. Et je passe une dédicace, un gros bisou à mes parents qui m'écoutent. D'accord, ok, très bien. Eh bien écoute, message passé, sans problème alors, pas de soucis. Mais est-ce que je pourrais avoir un Paxson? Dis donc, t'abuses un peu là quand même, hein. Ouais, hein, coucou. Je sais. Ouais, ouais, je sais, ouais. Bon, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse. Ok. Salut Alex, ciao à toi, bye bye. Allez, à bientôt Alex. Et puis on va terminer avec Jordan aussi qui est là, tiens. Salut Jordan. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Bon, très bien. Toi aussi, tu voulais être doux officiel? Ouais. Bon, bah vas-y, alors fais péter. Jordan, est-ce que tu veux devenir un doux? Oui. En tant que général des doux, je peux te baptiser. Jordan, mets-toi à genoux. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Jordan, insulte-toi. Ah, c'est j'aime si la bite de Toff. Top, top, top, top. Mais non, mais insulte-toi et dis que je suis un con, des trucs comme ça, ce sont pas vulgaires. Ah, d'accord. Allez. Je suis qu'un petit fils de pute et j'adore si c'est les coups. Non, tu vas trop loin, il est con celui-là. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as ton téléphone dans ta main? Oui. Tape-le-toi contre la tête. Encore. Eh, ah, stop, tu vas t'ouvrir le crâne, là. Jordan. Oui. Et par les pouvoirs qui me sont conférés de la grande confrérie des doux, je te nomme officiellement doux, bravo! Et ben voilà, allez hop, encore un nouveau, tiens, tu seras voilà. Le doux le plus vulgaire. Et oui, voilà. Bah là pour le coup, effectivement, ouais. Bon, bah bravo Jordan, c'est bravo, bien, bravo. Félicitations, bravo. Ces mecs qui arrivent à l'instant à la radio, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc à la con, là? Bon, salut Jordan. Bah oui, oui, ça, c'est, oui, ça fait mal à la tête, mais ça, si t'as tapé trop fort, c'est normal. Hein. Bon, ça roule, allez, salut c'est Jordan. Eh ben, vas-y, évidemment. Bah alors, je ferai qu'une dédie, c'est à vous. D'accord. Oh, c'est gentil. Eh ben, écoute, bien. Le message est passé sans problème, alors. Salut à toi, Jordan. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Moi aussi, je t'aime, Jordan. Quelle horreur. Bon, allez. Mais juste en amitié, hein. Ah, évidemment. Parce que tu es très jeune et puis, enfin, pas trop, quoi. Oui, c'est mieux pour tout le monde, je pense, effectivement. Salut, Jordan. À bientôt. Ciao à toi. Bon, et puis, le gagnant ou la gagnante. Toff qui a donc vérifié quel était le plus, comment on l'a voté. Mais oui, évidemment, ouais. J'ai vérifié, j'ai analysé, j'ai comparé, j'ai fait une étude et les statistiques ne trompent pas. Evelyne ou Olivier, lequel des deux a gagné le match d'impro de ce dimanche? Olivier. Et voilà. Pourtant, Evelyne. Bah, pourtant, Evelyne avait pas mal joué, puisqu'il y avait quand même la simulation, tout ça. Elle avait quand même fait. C'est vrai. Ouais, avait... c'est Olivier qui menait la danse. Hein. Ouais, mais elle avait quand même bien joué, je trouve. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Bah, casque DJ donc pour toi, Olivier. Félicitations, hein, bravo à toi, Olivier. Merci. Merci. Avec plaisir. C'est facile de passer une petite dédicace. Eh bah, vas-y, vas-y, ouais. Bah alors, je passe un petit bonjour à Aram, Laetitia, au Blaireau, au Père Bazin, et puis à toute ma famille et à l'équipe de Fun Radio. Eh ben c'est gentil, merci à toi Olivier, passe une bonne soirée, bonne nuit même. Merci à vous, hein. Ouais. À bientôt, ouais, ciao à toi, salut. Bye bye. Allez, salut à toi, à bientôt, ciao. Bon, eh ben voilà une bonne chose de faite. Ah bah oui. Eh ben très bien, allez hop, c'est parti, on va se faire Polo Against the Rest of the World. Cette grande émission, magnifique, au taquet, avec plein de talent. Et oui, trop c'est que de talent, du bonheur, de l'amour et je vous aime tous. On va commencer tout de suite ce polo contre le reste du monde avec attends, parce que j'ai du mal avec ce standard qui est un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, plus c'est le standard. Mien, le mien il déconne. Ah ouais, bah c'est normal. Allez, Momo, je t'écoute. Ouais, Polo. Ouais, Momo. Ouais, j'ai une petite blague pour toi. Ouais, deux secondes. Thomas. Ouais, écarte les jambes. Oh, t'as un problème, toi. Qui est là? Alexandre. Que fait un schtroumpf quand il tombe d'une falaise? De quoi? Que fait un schtroumpf quand il tombe d'une falaise? Je sais pas. Il se fait un bleu. Ah, c'est nul, espèce d'idiot. Va. Le sous-sous-chef. Allô? Ouais. Ça fait une semaine que je vous vois pas à la radio, vous êtes où? Comment ça, on est où? Bah, on travaille, monsieur le sous-sous-chef. Oui, mais je vous vois plus dans les couloirs faire les cons, ça me manque. Ah bah oui, mais attendez, on peut pas tout faire, on peut pas faire les cons dans les couloirs et être là, quoi. Non, bon, deux secondes, sous-sous-chef, j'en ai rien à foutre. Le médecin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai vu votre ami, la photo. Quel ami? Le bleu, le schtroumpf. Oui, j'ai vu. Je pense qu'il faudrait réaliser une palpation, voyez-vous. Très bien, attendez, monsieur le médecin. Momo. Oui. Je t'écoute. Qu'est-ce qui est rose et qui se balance de liane en liane? Je sais pas. Un chewing-gum que l'hôpital Tarzan. Ok, allez, casse-toi d'ici, va-t'en vite, Thomas. Je dois faire Avast. De quoi? Je dois faire Avast antivirus. Je sais pas. Dire que la base virale VPS a été mise à jour et quand? Oh, la vanne de geek. Thomas, pas de geek, pas de geekery ici. Hugo? Oui, papa? Ouais, je t'écoute. Ouais. Non, je suis pas ton père, Hugo. Mais il est où, mon papa? Je sais pas, Hugo. Alexandre? Suce-moi la seringue que j'ai entre les jambes. Alexandre? Oui. Allez, fous le camp d'ici. Le sous-chef. Allô? Ouais. Vous voulez pas venir à Lisbonne avec moi? Non, j'ai pas le temps. Le médecin? Oui, non, écoutez, moi je pense qu'il faudrait qu'il soit palpé, vous voyez, de haut en bas et de bas en haut, que je puisse vérifier, n'est-ce pas? Je pense. Très bien, très bien, très bon. Là, là. Hugo, on va conclure, vite, Hugo! Alors, pour passer une petite pub, est-ce que je peux faire de la pub pour ma chaîne YouTube? Vas-y, on speed, vite! Alors, Augur Gaming, O-G-U-H-R, espace gaming. Tu peux mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. Ok, eh ben reviens demain, Hugo, d'accord? Ciao. Thomas, conclusion, s'il te plaît. Comment on a inventé le mot swag? Je sais pas. En te voyant. Ah, fort. Au revoir, Thomas. Reviens demain. Tu es bienvenu. Le sous-chef, conclusion, s'il te plaît. Vos vacances se passent bien? C'est au top. Tant que je vois pas ta gueule, ça va très bien. Au revoir, le sous-chef. Allez, je t'en raccroche à la gueule. Le médecin? Oui, non, mais peut-être que je pourrais lui introduire. Non? Allô? Non, vous pouvez rien introduire. Monsieur le médecin, vous voyez avec lui, monsieur le médecin. Je suis pas son secrétaire. C'est médical, vous voyez. C'est pour vérifier. Je me doute bien, monsieur le médecin, mais... Je pense qu'il souffre et donc il serait bon de vérifier. Tu serais pas un peu un pervers, toi? Espèce d'obs... Mais pas du tout, enfin pourquoi vous dites-vous ça? Je suis un médecin réputé. Bon, et monsieur le médecin, on va être obligé de conclure, nous. Eh bien, écoutez, je vais passer, je lui fais une palpation. Un petit toucher rectal pour être sûr, et puis ça, tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Au top, à tout de suite, on vous attend, monsieur le médecin. J'arrive, à tout de suite. Allez, ciao, ainsi se termine ce polo contre le reste du monde en direct du salon de Mickaël. Oui. Et ça n'a pas de prix. Merde, pardon, je me suis envoyé de Jennifer Lopez. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix, effectivement. Par contre, j'ai pas besoin de palpation, ça ira merci. Hein. Bah écoute, apparemment il veut te palper. Oui, non, mais je dis que ça ira merci, hein, donc pas de problème. Hein. Ah bah écoute, dès qu'il arrive, on verra avec lui. Voilà, très bien, bah, comme ça au moins c'est fait. Bon, bah très bien, donc pas de top tweetos ce soir. Promis, non. Ça revient demain quand on sera de retour dans les studios de Fun, hein, tout simplement. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, hein, de faire le top tweetos d'ailleurs, effectivement. Je peux demander à Victor de m'enlever la musique de Polo contre le reste du monde là à Paris, ce serait gentil. Merci beaucoup. Parce que au taquet, hein. Totalement. Ben là, il peut pas discuter avec les meufs, bouffer les sushis, etc. Il peut pas être partout, quoi. Hein? C'est ça. Non, mais se prendre pour un animateur radio. Se prendre pour un animateur radio, etc. Il peut pas être partout. Donc Victor, c'est celui qui poussait les boutons, qui a très mal poussé les boutons ce soir. Autant vous dire que Cédric, qui l'a fait jeudi, a été 100 fois meilleur. Non, c'est-à-dire qu'il y en a un qui met des moufles et l'autre pas. Hein. C'est voilà, c'est ça. Non, il est très bon, il est très bon. Une question de talent à un moment. Arrêtez, il m'offre du café là tous les jours. Je vais avoir ma réserve. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur le Facebook, sur le Twitter, un petit peu comme tous les soirs d'ailleurs. Avec Pierre-Jean qui était là, il y avait Théo qui était là aussi, il y avait Sandro, il y avait Nadia, il y avait Anne, il y avait En Vacances qui était là aussi, il y avait Pronostic Officiel. Dernier jour. Ouais. Il y avait Roms, il y avait Jojo, il y avait Margot, il y avait quel autre, Benjamin qui était là aussi, il y avait Ophé et tous les autres. Donc, merci beaucoup en tout cas. Il y avait Lorraine, c'est moi, il y avait Abdou aussi qui était là, Mathias et Mumu, merci en tout cas. On se retrouve demain à partir de 23h avec un petit chéri, je peux te faire cocu évidemment, plein d'autres choses qui se passeront entre 23h et 2h du mat sur Fun Radio. Si d'ailleurs vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, si vous voulez faire un petit canular ou si vous voulez participer à tous les autres jeux, et ben n'hésitez pas, mikl@funradio.fr. On se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio. C'est ça.